Romano, vous allez pouvoir draguer, ils sont prêts, vous avez vu, dans les starting blocks. Oui, chaud comme la braise. Bonjour. Mais oui, je vois ça, oui. Moi, je suis bouillant, moi. Ben, je vois ça que t'es bouillant, Cédric. Ouais, l'autre, il est tout gras de la gueule. Ouais, ouais. Bon, allez, l'Algérino, le temps d'en trouver l'Algérino, puis on vous retrouve en direct, là. On va parler branlette et touchotage. Absolument, ouais. Plaisir, en quelque sorte. Hein. Vas-y. Allez, sur la tête de ma mère, tout de suite, l'Algérino sur Skyrock. Service après-vente du rap, bonjour. Ouais, alors, bonjour, j'ai écouté sur Skyrock le morceau de l'Algérino, là, là, sur la tête de ma mère. Mais il est bien, cette morceau, hein. On peut l'écouter encore, j'aime bien, je te jure. Sur la tête de ma mère. Rien entendu, monsieur le commissaire, je jure. Sur la tête de ma mère, madame la juge, j'ai rien à voir. T'as du mal à me croire, je te jure. Sur la tête journée de ma mère, sur ma mère, rien à faire, je prends mon verre. Co, poste à fond dans la tête, vitre baissée, le soleil frappe. Co, wesh, co, avec Marseille à recruter du lourd. Toujours les mêmes ragots, les mêmes têtes cramées en bas de ma tour. J'ai rendez-vous avec Samos, CLS, gros gamos, Polo Ross, Alflo, Fréthier, Fréau, Kebamos. Chaleur caniculaire. Je me désaltère, direction la plage des Catalans, transat ça va se faire. Sur le chemin de la playa, y'a plein de condés. Ça fait 10 mois qu'ils m'ont retiré mon permis de piloter. Contrôle de police, on me demande mes papiers, je donne le blaze du petit frère. Rien à faire à Marseille, je suis cramé. Sur la tête de ma mère, j'ai rien vu, rien entendu. Monsieur le commissaire, je jure. Sur la tête de ma mère, madame la juge, j'ai rien à voir. T'as du mal à me croire, je te jure. Sur la tête de ma mère, j'ai rien vu, rien entendu. Monsieur le commissaire, je le jure. Sur la tête de ma mère. De ma mère, HLM au bord de la mer. Un pied dans la mosquée, l'autre dans la mer. Du terre, la tête de ma mère. Si ça défonce, c'est mon son, c'est du bon. N'aie pas peur d'investir, t'en auras pour tes ronds. L'album de la bombe de chez Bon Bon Bon. Je roule là. La tête de ma mère. J'ai rien vu, rien entendu. Monsieur le commissaire, je le jure. Sur la tête de ma mère. Madame la juge, j'ai rien à voir. T'as du mal à me croire, je le jure. Sur la tête de ma mère. J'ai rien vu, rien entendu. Monsieur le commissaire, je le jure. Sur la tête de ma mère. Éternité en GAV, questionné, mitraillé, sa santé, le poulailler, poumaillé, droite sang, je me serais vu les foudroyer, mais la la la la volaille, j'ai du mal à les côtoyer. On a tous une couverture, quand je branche une gadi, je m'appelle Mehdi. T'auras beau être la plus belle, t'auras jamais ma carte de crédit. Barbecue, sauna, jacuzzi, oui, c'est Harry, mon public passe l'été à Marseille. Si la famille est SXR, roue arrière, torse nu, les becs en l'air. En Marseille, on est des fous des barges, on roule en ville, en marche arrière, yeah. L'été sera chaud dans le terre-terre, l'Algérie en coupe du monde, frère. Sur la tête de ma mère, j'ai rien vu, rien entendu. Monsieur le commissaire, je le jure. Sur la tête de ma mère, madame la juge, j'ai rien à voir. T'as du mal à me croire, je le jure. Sur la tête de ma mère, j'ai rien vu, rien entendu. Monsieur le commissaire, je le jure. Sur la tête de ma mère. Sur la tête de ma mère, le son de l'Algérino, l'Algérino sur Skyrock. Tous les soirs, dès 21h, défoulez sur Skyrock. Skyrock Radio. Radio Libre. Et Radio Libre en direct au 01 53 40 30 20. Vous pouvez nous appeler de toute la France, hein, si vous avez besoin de nous, si vous voulez faire les cours en direct, si vous voulez réagir à l'émission aussi. Et d'ailleurs, plein de réactions que vous nous envoyez depuis tout à l'heure, notamment sur le fantasme du chameau. Eh ouais. Et oui. Alors, pour rassurer le chameau, il y a le message de Yas, là, sur le 41 Sky. Il est où, Yas? Yasman, même. Sur le 41 Sky, 16 ans. Moi, mon fantasme, c'est de fourrer ma bite dans la bouche de la Marie. C'est très, très gentil. Ah bah, c'est bien, écoute, ça. Puis c'est dit très élégamment. Puis jaloux. Ah, Cédric voulait sucer. Tu passeras après le bel. Qui est très, très jaloux. Très jaloux. Non, mais non. Un message de Matt sur le 41 Sky qui nous dit moi je fantasme souvent que je fais l'amour avec 3 ou 4 filles et pourtant ça m'est jamais arrivé. C'est peut-être la même chose qui va arriver au chameau. Alors chameau, c'est son pseudo, hein, c'est pas son vrai prénom, bien sûr, je le précise à tous ceux qui viennent d'arriver juste à l'instant. Oui. Qui nous a envoyé un mail et qui nous dit Sbidi Badabi bonjour, je souhaite rester anonyme, appelez-moi le chameau. Quand je me branle, je pense à des trucs chelous qui m'excitent. Je pense que je me fais sucer par un mec de mon bahut et quand je les vois par des mecs de mon bahut et quand je les vois au bahut, je suis mal par rapport à eux. Ah, ouais. Il nous explique qu'il pense qu'il fait l'amour, enfin qu'il se fait sucer devant une copine à lui. Ouais, voilà, ouais, c'est ça, ouais. Bon, et donc il se demande d'où est-ce que ça vient, est-ce que c'est bizarre. On va avoir des témoignages dans un instant de Cyril, témoignage de Vanessa également, de Valence, qu'on va retrouver tout de suite. Et Romano, tu voulais nous parler de tes et fantasme d'excitation. Non mais là je suis pas excité là. T'es pas excité, pourquoi t'es pas excité? Ah non, il y a un anti-exciteur dans le studio. Ah ah, des bandes de pas mal. Ah, c'est étrange. Je parle de Samy, ça se fait pas. Hein. Non, non, non, moi je suis bandeur. Oh putain, il y en a un deuxième qui rentre. Calme. Non, Karim, il est moins moche que Cédric. Ah bah ouais, ça c'est clair. T'as vu la gueule? Bonjour Karim. Ça va? Non mais il est moins moche que toi. Il a mis un beau pull. Karim, il a des grandes oreilles. Oui aussi. Non mais même avec ça, il est moins moche. Ah ouais. Il doit tendu, il a le nez. Bon, après on peut. Comme on disait, on peut penser à des trucs dans ses fantasmes et puis jamais les faire. Hein. Regardez, ah ouais. Mon Kegarp de Côte d'Or qui dit, moi quand je me branle, je pense à plusieurs femmes en même temps, des plans à 30 parfois, wow, mais 30. Que des femmes avec moi. Bah, ça, des harems, quoi. Je pense que tu le garderas à l'état de fantasme, ça. Ouais, après ça va être compliqué à réaliser, quoi. Voilà, ça servira à t'exciter. Bon, et sinon on reviendra aussi à Guillaume qui a tout le temps quelque chose à dire, ça saoule ses potes et ses potes ils lui disent. On a demandé d'ailleurs à Guillaume un petit exemple de recalage quand il est donc venu s'inclure dans une conversation. C'est ça, et Guillaume, c'est un peu monsieur je sais tout, quoi. Ouais, donc on va reparler avec Guillaume. Bon, sinon là on s'occupe donc du chameau là pour tout de suite avec Vanessa. Voilà, je te cherchais, je t'avais perdu, Vanessa. Vanessa en direct de Valence, 21 ans, Vanessa. Ouais, c'est ça, ouais. C'est ça. Et Cyril en direct du 5-9, t'es où dans le 5-9, Cyril? À Tourcoing. À Tourcoing, ouais. Et en direct de Tourcoing. Et toi, t'as 16 ans, Cyril. Et vous appelez, ouais, tous les deux pour agir par rapport au chameau et à ses fantasmes de branlette. Alors, Vanessa. Ouais, voilà, ouais. Ou Cyril, oui. Qui veut commencer? Vanessa, honneur aux filles. Ah bah oui, quand même. Bah oui, honneur aux filles, hein. On est comme ça sur Skyrock. Tiens, je me branle en pensant au dieu du stade, on nous dit. Ah, les rugbymen qui se foutent à poil. Le calendrier des rugbymen. Quand ils se mettent des ballons dans les fesses. Ah, moi aussi. Vous avez vu? On est champion, on a le grand chelem. Ouais. Le grand chelem. Les rugbyman Cédric est persuadé qu'ils habitent dans un grand HLM depuis samedi. Bon. Bah si, tu me l'as dit ce matin. Un grand HLM. Et Cédric. Combien d'étages? Non, mais il n'y a pas d'étages. 5 matchs. Débile. Et Cédric, ce matin, nous a également dit qu'il allait skier dans les montagnes à Marseille. Oui, on a bien ri. Quel bon bord, le Belge. Quel bande de remixeurs. Non, non, ça, on a bien rigolé. Non, j'ai pas dit ça, quoi. C'est bien parti. De la gare, il va descendre. Ouais, on fait des vacances au ski à Marseille, le Belge. On s'est bien foutu de sa gueule. On lui a dit qu'il y avait des télésièges dans Marseille. Ouais, ouais. Vous déplacez comme ça d'ailleurs. Les Marseillais, oui. En télésiège. Mais bien sûr. Bien connu. Et en tire-fesse. Bon, alors, Vanessa, qu'est-ce que tu voulais dire, toi, par rapport au chameau, là? D'abord, je peux passer un petit message, vite fait. C'est possible? Vas-y, passe. C'était juste à Marie, en fait, parce que c'était juste pour dire, franchement, Marie, je t'aime trop et tu déchires tout, en fait. Ah, c'est gentil, merci. Ouais, y a pas de souci. Merci beaucoup, Samantha. Non, c'est Vanessa. Vanessa, excusez-moi. Ça ressemble pas quand même, hein. Les deux prénoms. C'est gentil, Vanessa. Marie est très, très c'est contente. C'est gentil, merci. Bon, vous avez fini vos niaiseries de filles. Quoi? Oh, Romano, il est jaloux. J'ai fait même un bisou, tiens. Oh, t'es jaloux. Ah, bon, voilà, c'est tout de suite beaucoup plus intéressant. Ah, regarde, un mec, il arrive, d'autre, il va parler de ballon. Toi, bisou. Bah, c'est bien. Bah, quoi? Bah, oui. Ça fait plaisir. Non, mais attendez, Vanessa. Toi aussi, t'es jaloux. Vous allez faire vos gueules, Vanessa disait qu'elle m'aimait bien. Alors, Vanessa, qu'est-ce que tu voulais dire par rapport au chameau, toi? Ouais, en fait, c'était juste pour dire que, en fait, moi, il y a mon meilleur ami, en fait, qui était un peu dans la même situation avant. Donc, Mais il t'avait raconté, il t'avait dit? Ouais, voilà, parce qu'en fait, moi, je suis sa meilleure copine, donc en fait, il me disait carrément tout. Et en fait, lui aussi, il avait des fantasmes, en fait, par rapport à des garçons, en fait. Mais dans sa vie de tous les jours, hors fantasme, il sortait avec des filles. Ouais, il sortait qu'avec des filles au départ, en fait. Donc ça veut peut-être dire, voilà, que ça a changé, oui. Voilà, ça a changé parce qu'en fait, en fait, il avait un peu les mêmes fantasmes que Chameau, là, c'est ça que... Oui, c'est ça, il faut l'appeler Chameau, oui. Voilà, ouais. Et en fait, un jour, il a essayé, en fait, parce qu'il en avait marre, en fait, d'être comme ça, donc il a essayé... Donc il a essayé avec un gars, en fait. Pardon? Avec un garçon, c'est ça? Voilà, il a essayé avec un garçon. Il a fait quoi avec le mec? Il l'a sucé? Oh là, mais Romano, tu es très très excité ce soir. Il a tout fait, en fait. Mais que t'as rien tout fait? Ah, direct, le premier coup. Voilà, en fait, ouais. Bon, en fait, il a eu une relation sexuelle avec un gars. Et depuis, alors, ça l'a dégoûté ou ça l'a convaincu? Non, même pas, non, pas du tout. Au contraire, en fait, maintenant, il est gay, en fait. Ah, d'accord, donc en fait, il a trouvé sa vraie voix. Voilà, oh, bah, c'est beau, c'est bien. Les voix, bonsoir. Oui, c'est ça, Marie. Voilà. Il a trouvé son chemin, on va dire. Oui, son chemin. Voilà, ouais, c'est ça. Ah ouais, donc c'est marrant, ils sont plus du tout avec des filles maintenant. Non, plus du tout, non. Ah ouais, ça a été une révélation, cette relation sexuelle-là. Ouais, on va dire ça, ouais. Ah ouais, donc bon, bah pourquoi pas, hein. Non, mais c'est ouais, peut-être. Pour moi, il est heureux, hein. Bah oui, c'est peut-être ça, hein. Et toi, t'en penses quoi, Cyril, alors? De quoi, bah de, quoi de du temps. Cyril ne pense rien. Non mais t'es heureux actuellement. Voilà. Et qui fait beau du côté de Tourcoing. Non, t'en penses quoi de l'histoire de chameau, toi? T'avais quoi à dire, toi? Ouais, bah moi j'ai exactement le même problème que lui. Si tu veux, bah ça m'arrive, tu sais, des fois de me branler, quoi. Et puis bah que je pense genre à un pote ou quoi. Mais un pote, qui... un pote ça, carrément. C'est pas exprès, hein. Bah oui, un fantasme, ça arrive comme ça, tu contrôles pas, c'est hein, au final. Mais c'est pas vraiment un fantasme, il faut pas. Non mais un fantasme, quand non, mais... bah, un support, si, on va dire un support de branlette, on va dire. C'est ça. Ouais, voilà. Voilà, donc tant que t'as des potes qui te servent de support de branlette. Bah c'est bien pratique, ça. Bah oui. Ouais, tu l'auras jamais dit, non? Non, bah même là, bah en plus y en a plein, ils m'ont reconnu là, alors. Voilà, bah, quoi, écoute, on les salue, ils ont peut-être aussi des fantasmes cachés un petit peu chelous. Ils branlent sur toi. Et ils vont se dire, putain, j'espère que c'est pas moi. Tu m'étonnes. J'espère que c'est pas moi son support. Pour les trucs auxquels tu penses. Et t'as pas du tout envie de passer à l'acte, toi, Cyril? Ah non, pas du tout, non. Bah, ça m'a jamais. C'est jamais venu à ma tête, quoi. Ouais, c'est juste pour la branlette, quoi, bon. Ouais. Ouais, voilà, Romain. Mais c'est un mec que tu trouves beau quand même. Non, bah, pas spécialement, ça peut être assez délicat. Ah, juste un pote comme ça, il est gentil, tu te montres sur lui. Ah ouais. Ouais, bah je sais pas, en plus ça vient automatiquement, je fais pas attention ou ça vient comme ça. Voilà, donc c'est un fantasme. Et tu viens plus vite, tu penses jamais à des copines? Si, quand même. Absolument, oui. Si, quand même. Mais il y a juste des fois où ça vient comme ça, et puis ben. Ça change. Je sais pas comment ça vient, et je sais pas comment ça se fait. Et puis j'aimerais bien trouver un moyen pour arrêter, quoi. J'ai déjà essayé plein de fois, mais ça revient tout le temps. Mais c'est toujours le même mec ou. Non, bah ça change. Non, toute ça la bande change, de potes. Toute la bande de potes est passée. C'est ça. Si vous voulez, l'essence, ça fait partout dans mon lit, dans ma tête, quoi. Tiens, en parlant de partout. Il y a des fantasmes qui sont pas réalisables, ceux qui nous disent qu'ils ont envie de faire l'amour avec les copines de leur meuf. Non, les copines de leur pote. Ah oui, à moi c'est que... comme si par exemple Cédric fantasmait sur ta meuf, Romano. Bah il peut toujours fantasmer. Voilà, ça ne réglera pas. Pourquoi t'as vu comme il a dit non, comme si elle était vilaine. Bah pff, après il pense ce qu'il veut, tu vois. Non, mais c'est pas qu'elle est vilaine, c'est que voilà, c'est pas. Tu vois, c'est mon pote, ça se fait pas. C'est bien, Cédric. Je peux pas m'imaginer en train de baiser sa meuf, tu vois. Oui, et puis de savoir que Romano est passé avant, toi aussi, ça te. Ah, ça me bloque un peu. Écoute, c'est pas plus mal. Oui. Moi, comme ça, c'est chasse gardée, quoi. Bien gardée même. Kaya Moussa qui dit moi, quand je me branche, je peux pas m'empêcher de penser à des femmes âgées de 30 ou 40 ans, c'est mon fantasme. Et sinon, pour Chameau, je pense qu'il est gay ou bi. C'est Moussa du 13-150, là, qui nous laisse ce message. Ou alors, il est comme Cyril, hein, hétéro et. Et c'est juste, et c'est juste c'est un support de branlette, c'est ouais. Voilà, juste un support de branlette. Bon, et. Bah écoute, merci Cyril. Donc, je sais pas. On a deux avis. C'est bien, c'est pour ça que c'est bien d'avoir des témoignages pleins. On a l'avis de Vanessa qui. Donc, l'avis et même plutôt le témoignage de Vanessa avec ton pote là qui est devenu gay. Ouais. Et puis, toi, Cyril, qui a pas du tout envie de faire ça avec des mecs, mais qui parfois te branle en pensant que des potes te sucent, c'est ça? Ouais, voilà, ouais. Donc, tu les suces, ça. Tu les encules. Non, jamais. C'est tout le temps eux. Ah, c'est tout le temps eux. Qui t'encule? Ouais. Qui t'encule? Oui, ça m'est arrivé une fois, ça, Romano. Mais faut qu'il t'encule. Vas-y. Il faut que ton pote t'encule. Bon, après, ça fait pas de mal, hein, les fantasmes. Ça fait fonctionner le cerveau. Ouais. Ça fait travailler la libido. Bien sûr, mais c'est naturel après, d'avoir des fantasmes. Oui. Ouais, des fois, t'as un peu mal après, quoi. Ah, bah oui, oui. Ouais, quand je me retrouve devant eux, ça fait bizarre. Ah, bah ça fait chelou, même. Ouais, ouais, si il y a 3-4 heures t'étais en train d'avoir une bite dans le cul par eux, bon. Ça c'est quelque. Oui, c'est bizarre quand tu les vois. Ça va te faire chelou. Bon, ben j'espère que ça va rassurer le chameau là qui nous avait envoyé son mail qui est là. Eh bien, tu vois, il est pas tout seul. Il y a aussi Cyril et puis il y a pas mal de messages hein, que vous nous laissez depuis tout à l'heure. Il est mal le man. Bon courage à chameau, nous dit Mike sur le 41. Ouais, et puis au final c'est pas grave hein, qu'il se tape des mecs ou des meufs. Bon. Mm-hmm. Tiens, il y a même des filles qui ont des fantasmes bizarres. J'ai déjà eu un fantasme bizarre, c'est de faire l'amour avec le père d'un pote, nous dit Kitty là sur le 41 759. Et beaucoup de fantasmes sur la Marie, mais c'est quand même dingue. Hein. Et des fantasmes très bizarres, comme quoi ça va vous rassurer, vous allez voir les gars. Chameau, Cyril, tu vas être rassuré. Regarde, l'inconnu qui veut rester anonyme, c'est pour ça qu'il s'appelle l'inconnu. Moi, je pense à Patrick. Eh ben, tu vois. Hein. Je suis en train de m'insurber. Eh ben, ouais, Patrick aussi. Hein. Ouais. Ben, oui. Donc tu vois, là quand même, c'est pire. Je pense à mes potes qu'à Patrick. Quoi. Oui, c'est mieux. Je pense à Romano, autre fantasme un petit peu bizarre. Ah, tiens, tu vois le message de JLTP sur le 41 Sky aussi, bah, un message par SMS. J'espère au moins que ça te fait du bien, quoi. Bah, il faut croire, hein. Ah ouais, parce que... Ouais, c'est... bon, c'est vrai que ça fait du bien, mais... Penser à un pote, non, ça fait pas trop du bien, quoi. Après, quand t'arrives... Tu penses jamais à des mecs anonymes, plutôt que de penser à des potes, d'un mec... Non. Non, jamais. Ou non, un mec de la... têtes que je connais. Tu as déjà pensé à Cédric, hein? Non, ça va. Non, ça va, tu peux pas. Hein. Cédric va t'exciter. Non. Tu vas y penser plus fort. Voilà. Ça monte un peu, là. C'est un autre cap, c'est ça. Ouais, c'est pas pareil. Voilà, on va dire ça. Costaud. Bon, bah, merci Cyril du coup de fil. Et puis tu raccroches pas, on va trouver ton jeu ou ton maillot. Ok, Cyril. Ça passe une dédicace, Diffoul. Oui, puis il faut s'amuser, on n'a qu'une vie, comme on dit souvent. J'aimerais des violons quand je dis des phrases aussi belles et réalistes. Et philosophiques, on peut le dire. On n'a qu'une vie. Et tu voulais passer une dédicace, Cyril? Ouais. Vas-y. Une dédicace tout Tourcoing. Pourquoi tout le Nord, à Anthony, à Sophia, Elixo. À Lisa, à tout le collège Cardinal Liénard, à tous les gens qui me reconnaissent, à vous l'équipe, franchement vous êtes super. Un big up à toi, Cyril. Ouais, bah big up à vous aussi, et à fond. Et puis on va faire une grosse bise, on va t'envoyer ton jeu ou ton maillot, hein, Cyril, t'inquiète. Et puis Vanessa, grosse bise à toi, merci du coup de fil. Hein. Hey, Diffou, là, je peux te demander un truc avant, vite fait. Vas-y, demande, Vanessa. C'est pour mon chéri, en fait. Il y a moyen que je te demande la PS3 avec un PS10, c'est possible ou pas? Alors, je peux offrir le jeu, mais pas la PS3. Ah ouais, c'est mais vrai. Mais le okay, jeu, ou alors un maillot, si tu veux aussi, s'il est fan de sport, s'il a un sport qu'il aime bien, foot, handball. Ouais, rugby. Bah ouais, il n'y a pas de souci, ouais. Donc tu choisis, ça lui fera un beau cadeau. Son anniversaire? Ouais, c'est ça. Ah, bah attends, donne-moi son prénom, que je t'en fasse une petite chanson. Et ça, c'est un cadeau gratuit que Romano va t'offrir ce soir. Celui-là, il vient du cœur. Du cœur. Je t'appelle Christophe. Joyeux anniversaire, Christophe. Comme c'est beau. Joyeux anniversaire, Christophe. Comme c'est beau. Happy birthday to you, Christophe. Oui. Happy birthday to you. Bravo, je vais applaudir avec mes mains. Regardez, je tape des mains. J'applaudis très très fort tellement que tu as bien chanté, Romano. Ah voilà. Bon, bah, écoute, si vous avez des anniversaires, n'hésitez pas, on peut vous les faire en chanson. Oui, bien sûr. Bon, merci Vanessa, raccroche pas et on te fait un gros bisou. Ok, merci. Salut Vanessa. Et s'il y a d'autres témoignages, si vous avez d'autres fantasmes de support de branlette, vous nous dites hein, 41 Sky, skyrock.fm et 01 53 40 30 20. Bon, moi je pense à ce qu'il y a sur mes DVD. Ah, tu regardes des DVD de cul, toi. Tu regardes ce qu'il y a sur tes DVD. Ouais, il y en a comme ça d'un support image, quoi. C'est pas que dans la tête. Voilà. Ouais. Là, ou genre sur le net, ouais, allez, sur les sites porno et tout. C'était le message de Ludacris, là, sur le 41 Sky. Ouais, bon, ça c'est normal. Hein. Mais oui, ça peut aider, hein, après tout. Après Ouais. Bon, bah écoutez, on y revient. On va s'occuper de Guillaume, là, qui est avec nous en direct. Et puis dans un instant, on va attaquer le clash de la drague. Eh ouais. Justement, à propos du clash de la drague de ce soir, qu'est-ce que. T'as entendu, Romano, hier, on a passé dans la spéciale, on a repassé un clash dans lequel Cédric y gagne. Ouais, de toute façon, hier, je me suis fait baiser. Diffoul, comme par hasard, on attaque l'émission avec un sujet qui lui plaît pas. On parlait du nez. Mais bien sûr, c'est un sujet qui me plaît. À chaque fois qu'on parle de nez, l'autre, ça le met à bout de nerf. Ça me met pas à bout de nerf, j'étais très content hier. Et derrière, comme par hasard, il y a un clash, je me fais piner, quoi. Bah, tu t'es fait piner, oui. Ah ouais, oui, piner. C'est Romano qui avait choisi le premier sujet de la soirée. Ouais, bah, j'aurais pas dû, putain. Bah oui. Non, mais bon, voilà, t'as choisi le clash. Je l'ai perdu. Alors, qui va gagner le clash de ce soir? Est-ce que ce sera Cédric comme hier? Ouais, j'espère. Bah, écoute. Tenir comme hier soir. Ah, bah, la semaine dernière, j'en ai gagné deux. Hein. Oui, est-ce que ce sera Romano comme la semaine dernière? C'était une semaine victorieuse. Ouais, avec un record établi mercredi. 96% j'avais fait mercredi à 4. Et oui. Et ce soir, on peut peut-être essayer de le battre, le record. Ils sont passés. Bah, viser les 97%. Qu'est-ce que t'as fait, mon pote? Ce soir, il faudra me soutenir. Alors, Cédric, est-ce que t'as une méthode? Ouais, j'ai une méthode, ouais. Parce que pour qu'on te soutienne, il faut que tu fasses une petite démo, c'est-à-dire mieux que vendredi, par exemple. Ouais, j'ai une méthode. Ah, c'est bien, c'est pas mal. Mieux que mercredi aussi, ce sera même. Ouais. Bon, et toi, Romano, t'es quoi? Moi, j'ai une méthode aussi. Oui, mais bon, alors elle me fait chier. Alors. C'est quoi ta méthode, Cédric? C'est, je vais t'emprunter. Enfin, j'ai besoin de sel ou de poivre ou de sucre. Mais c'est une méthode complètement originale. Ah oui, ça, c'est mais clair. C'est la folie, Cédric. Ça t'est venu comme ça, là. Puis. Ouais, mais ça marche souvent, ça. Je vais t'emprunter. Bah pourquoi pas, oui. C'est un truc que vous pouvez faire si vous avez envie de serrer un voisin ou une voisine. Bon, moi, c'est oui, beaucoup plus cash. Hein. C'est le printemps. Le printemps, ça me met les organes en feu, quoi. Tu as les organes en feu parce que c'est le printemps. Pas mal. Ça. Une fois, je vais. Original. Les cash, quoi. Donc, la méthode originale. Du printemps de Romano, j'ai la bite en feu. Donc, ouais, en gros, les organes, même le ouais, cul, tous les organes en feu. Et donc, Cédric, toi, tu veux du sel et du poivre. Ouais, ou du poivre, ou du sucre. Ou du sucre. Je te rappelle quand même qu'un clash de la drague, c'est pas Oui Chef. Hein. Ouais, mais chef. Non, ça mais va. C'est, je précise. C'est pas la cuisine. C'est une technique d'approche. C'est juste une technique d'approche. Ouais, après, il faudra aller. Je voudrais du poivre. Bon, ben, on s'occupe du clash, là, le clash de la drague qui arrive sur Sky. Juste après, ben, qu'on soit occupé de Guillaume, parce qu'il y a des réactions pour Guillaume. Si vous aussi, vous êtes un peu comme Guillaume, c'est-à-dire que vous parlez tout le temps, vous mêlez toutes les conversations et vous avez tout le temps raison. Vous saoulez vos potes. Bah, vous allez peut-être vous reconnaître dans le témoignage de Guillaume. Et puis si vous avez des potes comme Kim Guillaume, vous pouvez aussi donner des conseils, nous raconter un petit peu ce qu'ils vous font subir tout le temps quand ils ont raison tout le temps. Tiens, par exemple, est-ce que vous avez dans votre entourage proche, Romano, t'as quelqu'un qui a tout le temps raison et qui t'énerve parfois? Non. Qu'est-ce que tu voulais t'exprimer? Je t'écoute bizarrement là. Non mais des fois t'es bien avoir raison. Bah oui, bah j'ai tout le temps raison. Bah voilà, ça y est, tu vois. C'est le genre de mec, t'es comme Guillaume en fait. Comment non, je suis comme Guillaume? Vous êtes des relous. Pourquoi on est des relous? T'es pas un relou, Guillaume. C'est les autres qui te comprennent pas. En fait, tes potes ils te supportent plus. Non mais quand non, j'ai raison, contre, c'est normal que je dise que j'ai raison. Ouais, non mais ok. Non mais s'il y a un truc où t'es pas comme Guillaume, c'est que ça c'est plus Cédric qui est comme ça. Genre t'es en train de parler, que je t'ai dit. De quoi tu parles? Oui, Cédric, c'est un peu la. Non mais j'aime bien savoir. La concierge un peu de l'émission. Non, c'est que j'aime bien savoir. Bah c'est normal. T'aimes bien tout savoir. Imagine, tu t'arrives dans une salle, tout le monde parle, et dès que t'arrives. T'es tout le monde se tait. Non, mais là, pas t'es pas, là, t'es parano. Si, des fois, t'aimes bien faire ça, connard. Oh, bah, t'es complètement parano. Alors, des fois, t'aimes bien faire ça. Ouais, mais ça, c'est pour t'emmerder, ça. Dans un instant, je vais vous prouver que Cédric aime bien se mêler de toutes les conversations et qu'il aime bien avoir raison, même quand il a tort. Préparez-vous. On s'occupe donc de Cédric, là, d'ici quelques secondes. J'ai un truc à vous faire écouter. Donc, tu vas voir, Guillaume, que t'es pas tout seul. Tu vas te sentir moins seul, accompagné par Cédric, ce soir. Et puis, on aura Damien aussi qui veut réagir. Oula. Damien qui fait de l'écho, vous entendez comme ma voix est belle, oui, avec l'écho. Magnifique. Damien en direct de Paris, la capitale. Salut à toi, Damien. Salut. Salut à toute l'équipe. Salut à toi. T'as 20 ans, toi, Damien. Hein. Ouais. Et t'es à Paris combien? Paris 16e. Histoire continue un petit peu. Paris 16. Eh bien, bienvenue à toi. Alors, tu as appelé pour agir par rapport à Guillaume. Toi aussi, tu t'étais comme lui ou tu connaissais des gens comme lui? Non, c'était moi. En fait, on a deux relous là en ligne. C'est ça cool. Y est, tu me saoules là, Damien, déjà. Alors, je suis plus relou là. Ah, tu t'es calmé. Donc, on va s'occuper de Guillaume avec ton témoignage, Damien. Et puis, Guillaume, tu vas nous raconter, comme je t'ai demandé il y a quelques instants. Ouais, nous donner quelques exemples. Quelques exemples dans lesquels. Quand tu fais chier tes potes. Quand vraiment tu les as saoulés, que tu leur as pris la tête. D'accord, Guillaume? Ouais, pas de problème. Bon, on arrive avec toi, on arrive avec vous tous en direct. Puis si vous avez besoin de nous, appelez-nous, Radio Libre. Le clash de la drague dans un instant. Et Radio Libre en direct jusqu'à minuit. Ok, c'est Jam sur Skyrock. Hi, this is Rihanna on Skyrock. Jam, Rihanna, les concerts événements Skyrock à choper dans la Skyroulette. Skyrock t'offre 200 places en exclu. 200 places de concert pour voir la nouvelle tournée événement de Diams dans toute la France. Et pour les 3 dates exclusives de Rihanna à Lyon, Marseille et Paris. Tourne la prochaine Skyroulette et chope tes 2 places pour le concert événement Skyrock de ton choix. Diams, Rihanna. Aucun autre média ne t'offre autant de places de concert. Reste à l'écoute, ça tombe à tout moment sur Skyrock. Envie de plus de sensualité avec Durex? Découvre Durex Contour, le préservatif Durex le plus fin qui existe. En ce moment, retrouve Durex Contour en promotion dans ton supermarché. Uniquement dans les magasins participants sur les produits porteurs de l'offre. Il est rappelé l'intérêt des préservatifs dans la prévention du VIH-SIDA et des IST. Durex, les préservatifs qui donnent envie. Diams. Après Enfant du désert, son nouveau tube Cœur de bombe est sur l'album SOS. Diams, disponible maintenant. Skyrock. T'en as marre des déclarations bidons?

anniversaire aujourd'hui. Ah, eh bien, bon anniversaire. Loïc aussi qui nous laisse un message. Théo sur le 41 Sky qui fête ses 16 ans aujourd'hui. Bon anniversaire à vous tous. Voilà, à vous tous, comme ça on pense à vous tous. Peux-tu nous dire bon anniversaire Pierre B là qui nous laisse un message aussi. Ah bah bon anniversaire Pierre B. Eh bien oui, bon anniversaire. Bon anniversaire et tout à l'heure votez Romano. Bah écoute, on va pas tarder à y aller justement pour le clash de la drague là, le clash de ce soir avec Cédric d'un côté et de l'autre Romano. Qu'est-ce qu'il y a Cédric? Je t'entends marmonner dans ta barbe. Ah mais l'autre tu dis voter Romano, tu dis rien toi. Bah il a le droit de dire ce qu'il veut quand même. Et comment j'ai voté Cédric, tu me dis. De toute façon, vous pouvez y aller maintenant, ça sert à rien, hein, parce que pour l'instant, les votes sont pas déclenchés. Donc Romano a beau vous dire voter Romano, tu sais Cédric, ça ne va pas changer les résultats du clash. Non mais voter Romano, au top magnifique de Diffoul. Alors préparez-vous, oui. Déjà, on va déjà écouter votre démonstration à tous les deux là ce soir, voir qui arrivera le mieux à serrer, à séduire, on peut le dire, avec classe comme d'habitude. Bah bien sûr. Donc Cédric avec sa méthode du poivre et du sel. Cédric, je viens d'avoir une idée. Change de méthode. Pourquoi pas du poivre, du sel et du sucre. Waouh, tout ça. Et de la moutarde, non? Si tu veux, tu vas aller. Du ketchup. Du ketchup. Non, mais tu peux faire ta méthode du poivre et du sel. La mayonnaise. Ça peut marcher. Bah, vas-y, fais-le. L'essentiel, de toute façon, la méthode, on s'en fout. Ce qu'il faut, c'est que ça marche. Romano, parfois, il est arrivé avec une méthode, genre, je vais faire une partouze avec ta femme, ça a marché. Donc, au départ, qui aurait dit que ça marcherait? Voilà, c'est vrai. Tu partais de loin, mais n'empêche que voilà, moi, ce soir, j'ai les organes en feu. Oui, t'arrives avec la méthode du printemps, j'ai les organes en feu. Eh ouais. Bon, on va s'occuper donc du clash de la drague, on va le faire tout de suite d'ailleurs, tiens, si vous êtes prêts. On va pas tarder. Et puis, juste après, on s'occupera de Guillaume avec le témoignage de Damien, que vous avez entendu, à qui on a dit bonjour tout à l'heure. Il y aura en plus Steve de Malakoff qui veut réagir pour toi, Guillaume. Tiens, avant de prendre Damien et Steve, et avant de faire le clash de la drague, Guillaume, dis-nous juste quand est-ce que t'as saoulé tes potes. Si vous venez juste d'arriver à l'instant, hein, Guillaume, tu nous appelles parce que tu parles tout le temps, toi. Hein. Et tu veux toujours avoir raison, c'est ça? Ouais. D'ailleurs, il y a plein de messages, ça énerve les gens, hein, qui veulent toujours avoir raison. Ah ouais, c'est clair. Awa du 94, si, salut Awa. Moi, j'ai un élève de ma classe qui a toujours raison, il m'énerve trop. Après, sacle. Ça peut être dans la famille. Ça peut être dans la famille. Moi, c'est ma mère qui a toujours raison, Marine. Ah ouais, qui veut toujours avoir le dernier mot, c'est chiant. Dame du 95 qui dit, moi, je hais quand ma mère, elle veut tout le temps avoir raison. Tu vois? Moi, je m'appelle Guillaume, et moi, c'est la même, ça doit être le prénom qui merde. Guigui du 95. Encore du 95, vous êtes en forme, hein. Moi, je m'occupe de tout, c'est naturel, c'est automatique, chez moi, là. Il faut que Guillaume écoute les autres, nous dit là-haut du 91. Tu vois, des conseils. Ça, c'est vrai, c'est important, mais même dans tes relations amicales, hein, c'est important d'écouter tes amis, parce que sinon. Sinon, tu peux partir en couille. Non, mais c'est surtout un échange. Donc, quand c'est toujours toi qui parles et t'as toujours raison, tes amis sont saoulés, c'est tout à fait normal. D'autant te mettre devant un miroir, Guillaume, en fait, et tu te parles à toi-même. Et là, tu es sûr d'avoir raison dans ce cas-là. Oui, tu te fais tes conversations à toi-même, ouais. Il y a Bug 85 de Vendée, lui, c'est son cousin qui le saoule. Il y a Nagage, il y en a plein, hein. Moi, j'ai un pote comme Guillaume, il me saoule, j'ai envie de le frapper. Oh, bah quand même, et jamais personne qui t'a frappé, Guillaume. Bon, si, des fois, il pêche parce que je parlais trop. Une fois, il y a un pote qui m'a. Ah, il a craqué. Tu as fermé ta gueule. C'est cool. Alors, un petit exemple. On t'avait demandé donc de réfléchir un petit peu à un exemple. Quand est-ce que t'as vraiment saoulé tes potes? Ouais, genre, tu leur as fait mal à la tête, quoi. C'était quand? Bah, c'était quand un pote à moi, il avait eu l'iPhone, quoi. Mmh. Et moi, comme j'avais l'iPod Touch et tout, j'avais téléchargé des applis, je l'ai depuis longtemps, l'iPod Touch. Mmh. Et je lui parlais plein d'applications de l'iPod, en fait, et de l'iPhone. Et à chaque fois, je lui faisais, vas-y, télécharge-la et tout, tu vas voir, c'est super et tout. J'arrêtais pas de le raconter, lui, il faisait non et tout, j'ai pas envie de le sortir et tout. Et j'étais là, vas-y, télécharge-la, tu vas voir, c'est super et tout. Une fois qu'il avait, bon, je vais la télécharger. Il l'a téléchargé. Tu lui crissais les couilles, ouais, bon, allez, oui, allez. Allez, vas-y, fais-le. Je vais te la télécharger, ton appli du paix, là. Allez, oui. Oui. Non, parce qu'il y a des applis avec des paix dessus. Tu l'as, c'est sur, là sur les iPod Touch, on peut avoir les mêmes applis que sur les iPhones. C'est exactement pareil. C'est la même chose. En fait, l'iPod Touch, il fait juste pas téléphone. Il n'y a pas de téléphone. Alors, qu'est-ce que c'est? Ta fameuse machine à paix. C'est ta machine à paix. Mais on reconnaît pas les paix. Ah bah si. Attendez, vas-y, fais-en un là. Ça, c'est Momo. C'est Momo, j'ai reconnu. Bien flasque, bien reconnu, c'est malin. Ah, non, c'est pas malin, c'est Cédric, ça. Ah, oui. Ça, c'est Marie, c'est un peu plus serré. Voilà, bon, ça ne sert à rien. T'as dit, moi. Voilà, t'as bien reconnu, la Marie. Ouais, bonsoir. T'as bien ton son à toi. Ouais, quoi. Mais bien bonsoir. Sûr. Tu connais. Et alors, donc. Il y a les bulles et tout. Il a téléchargé ton appli, et après. Ouais, bah il y a joué une minute, et après il fait ouais, ça me saoulait tout, juste je lui remettais l'iPhone devant la tête et je fais vas-y, joue, continue, le niveau d'après il est bien et tout. Et c'était tout le temps quoi, c'est vas-y, joue. J'étais à fond dessus quoi, moi. En plus, j'avais pas mon iPod sur moi, je voulais jouer aussi, donc je lui piquais son truc, je jouais, après je lui redonnais, je fais vas-y, fais ça et tout. Et à chaque fois qu'il y avait quelque chose à faire, je lui expliquais où il fallait aller, etc. Et lui, il s'en tapait complètement en fait. Non, mais c'est bon, Romano, arrête de jouer avec ton. Joue, là, c'est la machine à roue. Bah oui, on avait vu que c'était la machine à roue. Elle aime bien ta meuf quand tu mets la machine à paix. Non, ça la saoule. Elle dit t'es complètement débile avec toi. Ouais, c'est un peu un jeu à la con. Et la machine à roue, elle aime bien. Non mais pareil, elle me dit bon tu me fais chier. Et ton chien quand tu lui fais écouter la machine à paix, comment il réagit? Bon il comprend rien lui. Comprend rien. Non il comprend. Il va bien, Tutube? Non c'est pas Tutube, c'est Mémette. Pas Tutube. Moi ouais, il va bien, ouais, tranquille. Ce week-end il était à la campagne, il est content, il a gratté dans l'herbe et tout, il était heureux comme tout. Et là il essaie de faire la même chose à Paris, le problème c'est qu'il a pas compris que c'était du béton. Il se fait mal au pattes. Du goudron par terre. Et oui. Et donc forcément, il c'est pas pareil. Il se fait mal au pattes. Non mais sinon tout va bien. Bon voilà un petit exemple pour toi Guillaume. Et sinon vous prenez la tête sur du foot, sur des trucs, sur du sport, sur les cours, sur quoi? Bah sur le foot ça va encore parce qu'on est tous supporters du LOSC, donc voilà, on parle foot ça encore, ça va encore. Ah là vous encore. Entendez ouais, là vous êtes d'accord entre vous, c'est comme Samy quand il parlait avec ses potes de Marseille. Ouais, hein. Alors aucun problème. Ah, on est les meilleurs. Ouais, ah bah oui, tu trouves on est les meilleurs. Ouais, ah, je dirais même France, mieux, ouais, on est les vrais meilleurs du monde. C'est sûr. Et je peux te dire hier avec le match qu'on a fait, mais alors là, mais. On était super. Ah, on est confiants mais comme jamais quoi. Ah, c'est bien les Marseillais, moi. C'est bien, il y a du suspense cette année dans le championnat. Ah, grave, c'est trop bon. Ouais. Eh oui, c'est bien. Bon, alors Guillaume, on a les conseils qui arrivent. Conseil de Damien, qui était comme toi, il nous a dit. Mais il a changé, on va voir pourquoi. Hein. Il s'est fait calmer, Damien. Ouais, et peut-être. Et conseil de Steve aussi, qu'on va retrouver à Malakoff en direct avec nous. Et sinon, on va faire tout à l'heure, comment vous expliquer. Est-ce que vous aimez le français? Oui. Alors, tu aimes le français, ben quoi, nous aurons, tu veux dire quoi par là? Nous aurons un cours de français. La langue française. Ah, la langue française. Oui, le la français, langue, notre langue, langue maternelle. La langue de Molière. Oui. Non, parce qu'il y a Elliot qui, a priori, a des problèmes un petit peu en français. Ah, il parle comme David Charvet? Je sais pas, on va voir, on fera la connaissance d'Elliot tout à l'heure. Donc, on essaiera de prendre des cours avec qu'est-ce lui. Qu'est-ce que c'est? On va voir l'étendue des dégâts. On va prendre des cours. Bon, alors. Oui, on... Ou de lui en donner, peut-être. Voilà, hein. C'est ça. Bien sûr. Bon, allez, juste après, le clash de la drague, tout ça. Tu bouges pas, Guillaume. Hein. Allez, clash de la drague, c'est parti. C'est parti pour ce premier clash de la semaine, de ce lundi soir, donc. Qui sera le premier vainqueur de la semaine? La semaine dernière, c'est Cédric qui gagnait le clash. Ouais. Hier soir, c'est Cédric qui a gagné le clash de la drague. Soir, c'est vrai, c'est Cédric qui gagne le clash de aussi. Quoi, qu'est-ce que tu racontes, toi? Ah ouais? Bah, je rappelle ce qui s'est passé dans l'émission, un peu. Ah, mais ça va, tu te fais passer pour le loser. J'en ai gagné aussi. Moi aussi. Oui, la semaine dernière, sur la semaine, je l'ai piné. Alors, la semaine dernière, il faut aussi rappeler que Romano a fait 96% mercredi. Ouais. T'as passé une super soirée mercredi. Ah ouais, c'était super. Il sautait dans les studios, il faisait des bons. 96%, faut les faire quand même. Ah bah tu les as fait. Merci à vous tous. Bon, et t'as fini en gagnant, donc ouais. Voilà, donc la semaine dernière sur moi, je l'avais bien commencé la semaine. Eh ouais, après, j'espère que j'ai bien la commencé cette semaine. Écroulé quoi. Ah, ça ouais. Vlad Adam. Bon, alors on y va pour le clash, Cédric. Vas-y, on y va pour les coups de fil. Là, ouais, c'est tranquille, parti. On va y aller. On va donc passer le premier coup de fil avec donc ta méthode du sel, du poivre et du sucre pour te non, faire inviter. Non, tu dis que changer de méthode, mais alors c'est quoi ta nouvelle méthode? La méthode anniversaire. La méthode anniversaire. Vous avez bien fait de, on a bien fait d'avoir eu des messages sur les anniversaires. Ça a donné une idée à Cédric. Non, mais c'est ça, un dragueur. Tiens, dragueur. Demain, parlez-nous de, pour le prochain clash, parlez-nous de trou du cul. Et Cédric, je fais la méthode du trou du cou. Ah, c'est non. Ça. Bonjour, je suis un trou du cou. Ça, je le ferai pas. C'est bien, Cédric. Bon, et donc, toi, Romano, tu restes sur ta méthode. Tu bouges pas, hein. Ouais, ouais, moi c'est bon, je suis pas en panique. T'es pas, ouais, en, panique. Pas en panique. Déjà, le mec il est mal, il change 4 fois de méthode avant de gagner. Ça s'ajoute déjà sur les votes, le fait brille, que c'est ça. Du recyclage. Donc là, ce ouais, soir, quoi, l'anniversaire, méthode d'anniversaire. Bon. Je me suis inspiré un peu de vous tous et vous toutes. Ah bah ça, on a bien vu. Merci. Non, mais c'est un dragueur, mon pote, un dragueur, il s'inspire de tout le monde, tu vois. Eh. De toutes les situations. Et eh bien maintenant que Cédric nous a donné ses conseils. Ça tombe bien parce qu'il était un peu en galère de technique ce soir. Non, non. Rien à voir. Bon, fais-nous ta démonstration. Maintenant, appelle la ligne numéro 7 ce soir. Allez. Allez, la ligne numéro 7, premier coup de fil. Tu sais ce que je te souhaite, Cédric? Ferme ta gueule. T'appelles qui, Cédric? J'appelle chez Sophie. Tu sais que je croise les doigts pour toi, là. Tu fermes ta gueule. Eh, je vois ça, hein. Donc, chez Sophie. Ouais. Allez, bonne chance, Cédric. C'est parti. Allô? Ouais. Ah, bonsoir. Tu vas bien? Bah, c'est un pote à Sophie, elle est là ou pas? Sophie, non, elle est pas là. Ah, merde. Parce que je voulais, tu sais, je fais une petite fête, là, pour mon anniversaire. Ouais. Et puis, bah, je voulais l'inviter. Bah, elle revient d'Égypte, là. Ah, bah, c'était bien. Alors, je sais pas, elle est sur la route, là, mais elle va rentrer tard, elle va rentrer à minuit. Bon, je vais essayer de la paix, à la limite, ça te dérange pas si elle passe à la maison avant? Bah, je sais pas, tu te débrouilles avec, hein. Comme ça, elle passe la nuit à la maison, quoi. En plus, elle doit être bien bronzée, elle doit être belle et tout ça. Pourquoi t'es où, toi? Bah, moi, je suis pas très loin, tu vois, mais je voulais qu'elle passe me voir. Ouais, mais t'es où, t'es qui? Bah, je suis un ami, elle me connaît, enfin, ça fait un ami de longue date. Ah, un ami, tu pourrais l'inviter à dormir à la maison, ça te dérange pas? Bah, je sais pas, t'habites où? Bah, je suis dans le nord, moi aussi. Bah, mais t'es samedi pour où, ça? Bah, je suis à Lille. Ah, bah non, elle va rentrer, Bah sinon ce que je peux. Hey, j'ai une autre idée. Oui, parce que là t'arriveras pas à la serrer puisqu'elle n'est pas là. Allô? Ouais, sinon on va lui faire une petite surprise. Tu sais ce qu'on va lui faire? Je vais venir à la maison ce soir, je vais rester un petit peu avec toi, on va boire un petit verre, et puis on va se préparer tant qu'elle arrive. Non, marche pas dans ta combine. Bah allez, vas-y. Non, d'abord je te connais pas. Alors, allez, moi j'ai envie de la voir ce soir. D'abord t'as pas à me tutoyer comme ça, d'accord? Si, je te tutoie. Ah non, moi je t'emmerde, t'as compris? Alors tu fais pas chier, tu dégages. Eh, j'ai envie de te voir. Allô? Allô? Ben parle-moi. Bon. Ah, je crois. Attends, je peux le rappeler? Ah, si tu veux, Cédric, je te donne l'autorisation de rappeler. Romano, oh, mais tu n'as pas l'air content que j'ai dit que je donne l'autorisation de rappeler. Ah, mais ça, je vois pas pourquoi, mais bon. Ben parce que ça a coupé. Bon. Ah, mais je vois pas pourquoi. Non, ça a pas coupé, il t'a raccroché à la gueule. Ben, moi, pour moi, ça a coupé. Arrête. T'auras droit à un rappel, si tu veux. Cédric, il arrête pas de vous mentir, il dit n'importe quoi. Genre le mec, il a raccroché. Pas jamais. Allô? Ouais, excuse-moi, ça a coupé. Bon, je peux passer te voir? Et alors, t'es qui déjà, toi? Bah, je t'ai dit, je m'appelle Mickaël. Mickaël qui? Vendetta. Voilà. Et j'ai envie de voir ta femme ce soir, je peux venir la voir ou pas? Mais t'es complètement cinglé, mon petit gars, faut aller te faire soigner, là. Bah, je peux venir te voir en attendant. Non, t'as rien à voir du tout, je te connais pas. Bah, mais moi, je la connais bien, ta femme. Ouais, ma femme, tu connais pas de femme, j'ai pas de femme, moi. Bah, j'ai déjà fait l'amour plusieurs fois, ça va. Bah, ça m'étonnerait. Bah, si je te le dis, si je te le dis. Avec laquelle? Bah avec la tienne, parce qu'elle m'a dit que t'avais des petits soucis au niveau du sexe. Oh, allez, arrête ton cher et va te faire foutre. Eh, je peux venir te voir? Et voilà. Bon, bah, malheureusement, Cédric, malgré le rappel, malgré la deuxième tentative, il y a eu un petit souci. Qu'est-ce qu'il y a, Romano? Je t'entends marmonner dans ta barbe, toi aussi. Non, mais voilà, c'est pas le mal, pourquoi tu souris comme ça? Il s'est fait dégager. T'es pas si sûr de toi. Une grosse merde, mais attends, t'arrêtes plus du tout, gros. On va voir, c'est qui la grosse merde? Dégage, il t'a dit, allez, arrête ton chien. Bon, on va passer. Un bel accent. On va passer au deuxième. À un moment donné, il a craqué, quoi. Il voulait pas que tu le tutoies. Bon, à toi, Romano. Bah, tu vas chez Eric. Eric. Bon, tu vas draguer Eric ce soir. Écoute cette belle musique. Ah, vas-y, enlève-moi ça là. Pourquoi? Ça, c'est pour le nul. Ça, c'est quand vous foirez, ça. Ouais, mais moi, j'ai pas foiré. J'aimerais bien avoir ma musique, moi. Tu veux ta musique? Non. Allô? Bah, allô, c'est la femme d'Eric? Oui, pourquoi? Bah, l'inspecteur. L'inspecteur d'Eric. Est-ce que Eric est là? Vous êtes qui? Je suis un copain d'Eric, je m'appelle Jean-Louis. Ouais. Tu me passes Eric? Eric, la femme d'Eric, je comprends rien du tout. Ouais. C'est pourquoi? Allô, comment vas-tu Eric? Quel vent. Qui c'est? Hein? C'est un copain là, je m'appelle Jean-Louis. Et ce soir là, tu sais, c'est le printemps là depuis hier là. T'es au courant? Ouais, pourquoi? Ouais, parce que là depuis hier, moi putain, j'ai les organes en feu là. Et j'aimerais même taper ta femme là si ça te dérangeait pas, si j'arrivais. Ouais, c'est ta connerie. Je peux venir dans les 5 minutes là? Ouais, bah c'est ta connerie, tu veux quoi? Tu me passes à la gueule? Bah non, dans les fesses, tu me le donneras? Dans les fesses, ouais, ta connerie. Ouais, ah bah connerie. T'as quelque chose à faire? Bah les bonnes. Attends! Je rappelle. Tu veux, tu prends ton rappel. Moi aussi, ça a coupé. Alors, tu prends ça a coupé, moi, comme dirais. Ah, bizarrement, ça a coupé. Tu prends ton rappel, Romano. C'est moi, ah oui, t'es à deux doigts d'avoir un poids dans le cul, quand même. Ah ouais, mais putain. Deux doigts, malheureusement. Putain, c'est bizarre. Quand c'est moi, et tu me raccroches au nez, quand c'est toi, ça a coupé. Non, mais voilà, il a raccroché au nez. Concentre-toi, Romano. Allez, deuxième appel. Allô? Ouais. Ça a coupé. Ça a coupé, là. C'est qui? Bah, c'est toujours moi. C'est qui? J'ai pas personne au téléphone, là. Hein? C'est qui? Ouais, bon, je t'explique. En gros, j'ai des organes en feu, là. J'aimerais bien faire du truc sexuel ce soir. Peut-être avec toi, si tu veux. C'est ça. Bah, tu veux que je vienne, là? Vas-y, viens, je t'attends. Dans les 5 minutes, je peux être là, mon coco. Ouais, c'est dans 5 minutes, t'es là? Ouais, et je sens... Bah, je vais pas se voir, moi, viens. Ce soir, tu crois que tu vas me dégorger le poireau, toi? Ouais? Ouais, je te... Défoncer ta sale gueule de con, pédé. Allez, viens. Et mon cul aussi. Vas-y, comme tu veux, je t'attends. Ah, bah, y'a pas de problème. Ah, bah, j'arrive, mon bichon. Vas-y, à tout. À tout de suite, mon chéri. Bisous. Voilà. Et voilà. Ça dure un peu. C'est fait, voilà, c'est fait. J'avais dû le rappeler. Bah oui, mais c'est toi, Cédric. T'aurais pas rappelé ta première famille. J'aurais pas donné l'appel à Robano, mais voilà. Non, mais là, c'est bon, pour moi, il y a égalité. Égalité, et oui. Au niveau des appels, la règle a été respectée. On peut le dire. Voilà pour le clash de ce soir. Quoi? Voilà quoi? Bah, et un appel chacun. Vous avez même eu un rappel chacun. On va faire un autre appel? Bah, logiquement, non. Fais pas d'autre appel. Bah là, c'est bon. Le clash, il est fait. Quand la drague est pliée, Romano se fait démonter. C'est pas ce qu'il y a, gros. Pas la balle train. Ah oui, c'est. Bah non, mais c'est. La balle train ce soir, t'as peur de rappeler notre famille ou quoi? Bah, n'importe. Bah, je vois pas pourquoi on rappellerait. La règle, c'est d'appeler une famille et de serrer. Toi, t'as pas serré. On peut en appeler 10, ça arrivera pas, de toute façon. Bah, qu'est-ce qu'on fait? Bah, dans ce cas-là, prends pas d'appel. Moi, je prends un appel. Et avec Cédric, parce qu'il voit en plus vos messages, le message de Mikaz, qui nous dit: tu gères Romano, le maître. Romano, c'est le maître pour Quentin, 20 ans en Gironde. Cédric, elle est à chier ta technique de. C'est pour ça que t'es énervé. Non, elle est pas à chier ma technique. Ah, mais t'as connard qui écrivent. Cédric, tu parles pas mal quand même. Je vote Romano, elle m'a dû dire. Romano, t'as une chatte de malade. Ouais, bon. Il a de la chatte, faut pas voter pour lui. Là, il a de la chatte, c'est de la chatte. Ah, ouais, mais c'est ça le drague. C'est clair que ce soir, t'en as pas. Votez pas pour un mec qui a de la chatte. Romano, en fait. Votez pour un mec qui a du mérite, votez pour moi. Mais t'as quoi comme mérite? T'as rien fait, gros. Ce petit chauve là. Alors, les déclarations, on passe aux déclarations. Ça y est, il est bien. Non, mais on fera peut-être un autre clash demain, Cédric. Ah, ouais, mais bon, c'est la règle, mon pote. Faire baiser, moi. Bah t'inquiète, meilleur. Déjà, t'as qu'à arriver avec des techniques. Bah, j'ai une technique, j'en avais pas. Non, mais t'en avais pas, t'étais en panique. C'est la panique, Cédric. Non, c'est la panique dans ta tête. T'as même pas eu le temps de faire ta technique anniversaire. Ah, soit, bon, moi j'annonce, ce soir on peut battre les 96. Non, ce soir, rien à voir. Ce soir on peut faire un score de ouf. Ce soir, ne soutenez pas le chat. Ce soir, vous votez Romano. Alors, je crois que c'est le soir ou jamais. Déclaration tout de suite. Il est quelle heure? 22h18, top vote. Ce soir ou jamais pour faire péter les compteurs. Ce soir, moi j'avais deux méthodes. Attends, Cédric, déclaration. Mais la musique. Bonsoir, moi j'avais deux techniques. Donc comme vous pouvez le dire, ils sont venus inventer le fait que je recyclais. Donc voilà, moi j'ai pas recyclé. J'en ai pris une deuxième. Grâce à vous tous et à vous tous, je me suis inspiré. Donc en me remerciant, votez pour moi. CEDRC 41-79. Je compte sur vous tous. J'ai compté sur vous. Comptez sur moi. Votez pour moi. Truc qui rien dire. Votez pour moi. Votez pas pour le château. Non, franchement, il a eu que de la chatte. J'ai pas envie qu'on vote pour lui, moi, ce soir. Votez pour moi. Ah, là, je crois que c'est bon. Hein. Je suis prêt. C'est prêt à vous donner des cadeaux. Ah non. Non, ça, monsieur l'arbitre. 10 points, moi, allez. Voilà, et ça, c'est réglé. Quelle bande de. Non, mais attends, ça, on n'a pas le droit. Toi, t'as le droit de parler pendant toute l'émission, couper mon micro, et toi, t'es, moi, j'ai pas le droit de. T'es complètement parano, là, tu loues ta grande gueule, on entend tout. Alors, à toi, arrête de faire la victime, Cédric. Je suis pas la victime. La parole est à Romano. J'ai la vérité, moi. Vas-y. Bon, ce soir. Tricheur. Ce soir, on peut faire péter les compteurs. Je compte sur vous. Tricheur. T'as, monsieur l'arbitre. Pète le terre. T'as bien parlé. Voilà, je coupe. Voilà, désolé. C'est un cas de force majeure. Non, j'ai pas parlé, j'ai rien dit. Bon, ce soir, faut voter Romano. Cédric, il a rien fait, l'autre. Il reste en galère avec son sucre, son poivre. Je sais pas ce qu'il va nous faire. Vas-y, va faire son anniversaire. Va faire la cuisine. Ton anniversaire, tu me fais solo, ma gueule. Et ce soir, moi, je me prends. Ce soir, je me fais dégorger le poireau par un mec. Il l'a dit. La chatte. Votez Romano, R-O-M-A-N-O. Allez, top vote. On voulait jusqu'à 25, il est 19. On vous laisse encore 6 minutes pour voter. Pour soutenir. Ça a démarré depuis 22h18. Qui va gagner, hein? Cédric, CEDRC. Les messages sur le. Moi, j'en peux plus. Hein. Les messages sur le 41 Sky. Qu'est-ce qu'il y a, Romano? Je vois que tu souris en regardant les messages. Non, mais putain, c'est Cédric. Fais mal à la tête. Oui. Et mal le man de la tête. T'as géré à mort, Romano. T'es le meilleur, Romano. Merci le Golaz, Popolèche aussi. Ah, tu lis des messages. J'ai cru que tu parlais de toi-même. Si tu 70, je vote Romano. Mais laisse défiler. T'es un tricheur, c'est pour moi, j'ai rien voté. Vive le chauve dans le plaisir. Allez, ce soir, on dépasse les 96% aussi, l'autre. Non, rien à voir. Bon, allez, résultat du clash dans 10 minutes. 5 minutes pour voter encore. Et puis, le comptage de Momo. Et après, donc, les résultats en direct, on vous dira qui va gagner le clash de ce soir. Faut voter Romano. Surtout, avec combien de pourcents il va gagner, celui qui va gagner, que je sais pas qui c'est. Ah, moi j'aimerais bien faire un beau score. Votez Romano, votez faire un beau score. Votez tout. Voilà, votez pour Toutou, c'est le nom de ton chien, c'est ça. Votez tous pour moi. Romano. Allez, on prend Damien là en ligne avec nous. On a Steve aussi. On s'occupe donc de Guillaume. Guillaume qui saoule ses potes. Oh, j'en connais quelques-uns aussi. Moi j'en ai quelques-uns aussi qui saoulent parfois. Fait mal à la tête quoi. Alors, Guillaume, je voulais te faire écouter un truc juste avant de retrouver Damien, qui doit être dans le coin déjà, et Steve aussi qui doit être avec nous. Vous êtes là tous les deux, les gars, Damien, Steve. Ouais, bah salut à toi Steve déjà, parce qu'on t'avait pas dit bonjour, toi t'es à Malakoff. Bonjour, ouais. Bonjour, et donc Damien, t'es toujours à Paris, toi, hein. Ouais. Et donc je voulais vous faire écouter, Cédric, hein, ce matin dans l'émission, qui fait partie des gens qui veulent toujours avoir raison. Alors on parlait ce matin des régions de France les plus accueillantes, et on a découvert que par exemple l'Île-de-France ou la région Rhône-Alpes n'étaient pas du tout dans les régions les plus accueillantes de France. Ah non, pas du tout. Non. Et on a découvert que les plus accueillants c'était les Nordistes. Dans Pas-de-Calais, c'est vous les plus accueillants. Bah là, en France. On y était là pour le clash, non? Oui, on y était. On était très bien accueillis, comme vous avez pu constater. Je me fais déganger le poireau par un mec. C'est sympa. C'était Romano. Et donc pour vous tous qui vous insérez dans toutes les conversations et qui voulez toujours avoir raison, écoutez bien un petit extrait de l'émission de ce matin. Donc on parlait des régions, et on parlait des montagnes, hein, parce que Romano, tu disais dans les Alpes, les gens ils sont accueillants, hein, tu disais, c'est ça. Hein. Non, mais moi je sais que faut que j'ai été au ski, c'est vrai que même dans les commerces et tout, les gens ils sont gentils. Quoi. Attends que tu envoies de l'oseille. Bah, écoutez bien, donc c'était dans le morning, ce matin c'était entre 8h30 et 9h. Voilà donc notre petite conversation sur les régions les plus accueillantes de France. Et vous allez voir que Cédric et les géographies, eh bien, ça fait quand il s'y connaît. Mais c'est pas ça que je voulais dire en plus. Écoutez bien. Moi je sais qu'à la montagne ils sont gentils les gens. À la montagne, ils sont gentils. Mais je n'ai pas de région qui s'appelle montagne, Romano. Vers Marseille, non? Tu veux la montagne vers Marseille, mais oui. En Provence. Non, mais je parle pas de la montagne. T'es con, quoi. Je vais faire du ski à Marseille. Mais non, à Marseille, ils sont accueillants, c'est ce que je voulais dire. Il y a trop de belles pentes. Pour un con, Je savais qu'il y a des télésièges à Marseille. Samy, tu confirmes? Ah, le bel, tu fais du ski à Marseille ou quoi? Non, mais t'es con, toi aussi. Non, mais viens, normal. Mais tu comprends pas. On se déplace en télésiège. Il veut toujours avoir raison. Prend rien du tout, lui. Ah, Cédric, écoutez. Moi, je sais qu'à la montagne, ils sont gentils, les gens. À la montagne, ils sont gentils. Mais je n'ai pas de région qui s'appelle montagne, Romano. Vers Marseille, non? Tu veux la montagne vers Marseille, mais oui. En Provence. Tout le monde a proposé un truc. Moi, j'avais proposé Marseille. Moi, j'ai fait du ski dans la montagne à Marseille ce week-end. Mais tu es allé skier vers la Bonne Mer? Ouais, voilà, j'ai fait normal. Il y a des télésièges. Ouais, ils ont installé les télésièges. Ah, ouais, haute montagne, même, le Belge. Haute montagne. Mais il n'y a pas de montagne à Marseille. Je suis pas con. Ah ouais? C'est sûr, le Belge. Bon, est-ce que tu es un peu comme ça, Guillaume? C'est-à-dire que même quand tu as tort, tu fais comme Cédric. Tu certifies que t'as raison. Ah bah ouais. Moi, voilà. Faut toujours que j'ai raison, sinon ça va pas. Voilà. La montagne à Marseille, mais bien sûr. C'est ça, on connaît. Par contre, ça, faut pas abuser. Ah, oui. J'ai jamais dit qu'il y avait la montagne là, à Marseille. Vraiment pour un con, bon, alors je n'ai jamais dit qu'il y avait la montagne à Marseille. Je vous ferai écouter une dernière fois. Hein. Moi, je sais qu'à la montagne, ils sont gentils, les gens. À la montagne, ils sont gentils. Mais je n'ai pas de région qui s'appelle montagne, Romano. Vers Marseille, non? Tu veux la montagne vers Marseille, mais oui. En Provence. Mais c'est clair, tout le monde donne une région. Je donnais ma région. Non, je cherche pas d'excuses. La montagne vers Marseille, non. Alors, les relous, là, qu'est-ce qu'on fait de vous? On va prendre vos témoignages là, en direct. Et donc, Damien, toi, t'es en direct de Paris et t'étais un peu comme Guillaume et Cédric, on peut le dire. Hein. Ouais, voilà, j'avais tous mes potes qui me taillaient. Tu cassais les couilles à tes potes, en gros, pour résumer. Hein. Ouais, voilà, Romano, il disait que lui, il allait dans des discussions, s'il avait rien à dire, il disait rien. Moi, je disais quand même quelque chose, même s'il avait rien à dire, je disais quand même quelque chose, je disais un petit truc, juste histoire qu'on m'entende, ou des trucs où là, par contre, j'avais un truc à dire, alors là... Genre, c'est sur un sujet que tu connais pas du tout, tu ramenais ta fraise, quoi. Voilà, par contre, je vote Romano. Merci, bah non, c'est gentil, Cédric, ça. Qui reste une bonne minute. Là, tu fais bien d'ouvrir ta gueule. Ta gueule, t'as raison. Ta gueule, c'est Cédric, toi, je vote Romano. C'est noté, Damien, merci. Et comment t'as fait pour te calmer, puisque tu parles à l'imparfait. Au passé. Non, à l'imparfait. Parfait. Non, pas parfait. Toi, tu es parfait, dit Foul. Tu trouves que je suis parfait? Je voulais te le dire. Toi, t'as un vrai. Allez, ça recommence. C'est pas possible. Et alors, qu'est-ce que t'as fait pour te calmer et devenir moins relou avec tes potes, toi, Damien? T'as plus de copains. En fait, c'est surtout à cause de leur réaction. Genre, quand j'arrive, ils disaient, qu'est-ce qu'il a encore à dire, lui? Ou alors, on me disait, celui qui sait tout. Ouais, c'est ça, monsieur, je sais tout, oui. Ouais, voilà, qu'est-ce que tu viens encore me faire chier? Qu'est-ce que t'as à dire? Oh, tiens, viens, leur loup, ouais. Ça va, leur loup? Alors, qu'est-ce qu'il a à dire, monsieur, je sais tout aujourd'hui? Voilà, donc, à force, je me suis dit, faut que je me temporise. Donc, en fait, surtout que quand je disais un truc, en fait, comme eux, ils savaient pas, ça les humiliait un peu, quoi. Donc, on prend sur soi, on essaye de se mettre un peu de retrait, même si on sait, c'est dur, faut prendre sur soi, mais c'est la seule solution parce que, du coup, j'ai failli perdre tous mes potes. À ce point-là, ouais, donc tu devais être sacrément relou, toi. Bah oui, parce que surtout je faisais. Bah oui, parce qu'il y avait même des trucs où je savais pas, et même quand je savais pas et qu'ils arrivaient à me prouver que c'était vrai que je savais pas, j'arrivais quand même à dire que je savais. Il faut qu'il écoute les autres, au début c'est dur, mais sinon t'auras plus de potes, là, c'est le message de Flèche. Ça s'est passé il y a 2 ans, et je viens tout juste de les récupérer, quoi. Bon, donc fais attention, Guillaume. Donc, en gros, ce qu'on peut expliquer à tes potes, Guillaume, qui nous écoutent ce soir, s'ils nous écoutent, c'est de te faire remarquer que t'es bien relou et que tu les saoules. Et au bout d'un moment, tu comprendras peut-être que bon, il faut essayer de les écouter. Il faut écouter ses potes au début. C'est dur, mais c'est ce que nous dit Flèche Notus. Ils ont sans doute des trucs intéressants à dire malgré tout, tes potes. Ouais. Bon, et puis quand tu disputes, c'est bien d'échanger, parce que tu fais un monologue devant des gens, bon. Ouais, non, faut être homme politique. Ouais, tu veux faire quoi quand tu seras plus grand, toi? Fais des discours, ouais. C'est vrai. Moi, je veux faire animateur radio parce que je suis animateur de web radio sur internet, donc c'est vraiment un truc que je veux faire et là je suis lancé dans un truc là sur une web radio sur internet et c'est ce que je veux faire plus tard. Bah c'est bien, donc après bon faut savoir écouter comme nous sommes à l'écoute tous les soirs. Vous trouvez que je suis très à l'écoute? Oui, tu as des belles oreilles. Tu trouves, regarde. Oh, comme elles sont belles. Oui, j'enlève mon casque pour montrer mes oreilles, autrement Romano ne les voit pas. Elles sont belles, hein. Bah, je disais déjà. Elles sont belles, les oreilles, hein. Non, mais t'as des belles oreilles, ouais. Des chiens, hein, t'as vu? Ouais, non, mais ne les plie pas comme ça, parce que là, elles sont d'un coup très laides. Regarde. Elles sont toutes rabougries. Bon, donc, il faut être à l'écoute des autres, surtout si tu fais de la radio. Ça va peut-être t'inciter à être un petit peu plus à l'écoute. Alors, attendez, bougez pas, parce qu'il y a Steve aussi en direct de Malakoff avec nous. T'es là, Steve? Ouais, je suis là. Bon, alors, qu'est-ce que tu conseillerais? Toi aussi, t'étais comme lui avant? Toi aussi, t'es un relou? Ou alors t'as des potes relous? Moi, je suis vraiment un relou complet, quoi. Ah, tu le sais. Mais c'est bien, parce que vous en rendez compte, au moins, les gars, c'est déjà pas mal. Non, mais c'est le premier pas vers la guérison. C'est ça. Ouais, mais j'étais vraiment un gros relou, quoi. C'est vrai que j'étais toujours... j'étais exactement comme Guillaume et comme Damien, quoi. J'étais toujours en train de dire que je savais, même si je savais pas. Oui, par exemple, tu savais qu'on faisait du ski à Marseille sur la Bonne Mer. Je le savais très bien, ouais. C'est connu, bah oui. Dans les montagnes de Marseille. Dans les montagnes de Marseille. Moi, je fais ski. Je suis vraiment des cons. Jamais dit ça comme ça. Et si, on a la bande. Ouais, c'est très bien qu'à Marseille, il n'y a pas la montagne. Le mec qui continue, il va encore avoir raison. Ouais. Oui. Putain. Alors, qu'est-ce qui s'est passé pour te calmer, toi? Ce que j'ai fait exactement comme gamin, quoi. J'ai pris sur moi, j'ai fait tout ce que je pouvais pour éviter de continuer à les saouler, quoi, parce que j'avais pas vraiment envie de les perdre, c'est quand même des potes et tout ça, quoi. Oui. Mais donc j'ai pris sur moi et j'ai fermé ma gueule. Donc t'as fait des efforts, comme on dit au début, c'est pas facile d'être à l'écoute des autres quand on parle tout le temps. Ça, je suis sûr que c'est pas facile, hein. Bon, il faut faire des efforts. Moi aussi, j'ai souvent raison, c'est chiant. Mon surnom, c'est Wikipédia. Avant, t'appelles Wikipédia parce que tu connais tout. Ouais, c'est marrant comme surnom. T'as tout le temps une référence. Guillaume, d'ailleurs, un petit surnom là pour tes potes, là, demain. Là. Si te croisent, quand ils vous cassent les couilles, les gars, vous l'appelez Wikipédia. Ouais, Wikipédia. Ah, Wikipédia, Guillaume. Non, ça me plairait pas trop. Bon, justement, allez-y, les gars, chargez-le un petit peu. C'est vous qui arriverez à le faire changer. Donc, t'as besoin de tes potes. Oh là là, ça n'appelle ce soir et vivement demain en cours, hein, Guillaume. Ouais, surtout que j'ai plein de potes qui m'écoutent là. Et voilà, donc c'est demain tu vas être un peu la star. Wikipédia. Wikipédia qui sait tout là. Monsieur, je sais tout. On nous dit aussi sur SMS. Monsieur, je sais tout. Bon, voilà, très bien. Voilà quelques petits conseils. Merci en tout cas, Damien. Merci Steve aussi du coup de fil là. De rien. Merci tous les deux. Ouais, en fait. Oui. Vous dites on s'en rend compte, mais on s'en rend pas compte. Si on vous le dit. Toi, c'est tes potes qui t'ont qui t'ont fait comprendre en fait. Et c'est vraiment un électrochoc parce qu'on s'en rend même pas compte. Donc il y a tous ceux qui sont relous aujourd'hui là, qui s'en rendent pas compte, qui demain vont se faire appeler Wikipédia. Vous saurez pourquoi. Vous saurez pourquoi maintenant. Ah, oui, vous saurez de quoi ça vient. Pour moi c'est clair. C'est parce qu'on a parlé sur Sky ce soir. Donc si on vous dit Wikipédia, demain vous pigez un petit peu ce qui vous arrive là. Bon merci en tout cas, merci pour le coup de fil, Steve. On va t'envoyer ton jeu ou ton maillot à Malakoff là. Ok. Et puis tu prends quoi? Tu prends le jeu ou le maillot d'ailleurs? C'est au choix toute cette semaine. Ouais, le maillot. Allez. Au choix. Maillot de Marseille. Ah, les futurs champions de France. Montagne. Non, il n'y a pas une montagne. Ouais, je vais aller faire du ski avec. Attends, Marseille. On fait du ski avec des maillots de l'OM à Marseille. C'est ça, un maillot fourré un peu. Et oui. Les sièges. Et toi, Damien, tu veux quoi? Auxerre, allez, la Bourgogne. Ah, le maillot d'Auxerre. C'est bien ça, vas-y. Écoute, c'est parti, on va te l'offrir. Non, mais en plus, c'est pas les plus moches. Hein. Ouais, ils sont tout simples, quoi. Et puis, Guillaume, bon courage demain en cours. Hein. Qu'est-ce que tu veux qu'on t'envoie? Le maillot du Loft, s'il vous plaît. Le maillot, ah oui, supporter lillois, toi. Normal. Ouais. Normal. Et du full. Oui. Tu peux passer une dédicace, s'il te plaît. Vas-y. Dédicace à Satox du 9-3, dédicace à tout le collège Françoise Dolto, à Nicolas, à Paul, à Nathan, à Marvin et à ma glougloute d'amour. Glougloute, t'as vu Romano, t'as parlé ton petit surnom. C'est ma glougloute. Ouais, c'est grâce à toi Romano. Oh ma glougloute d'amour. Ah tiens, c'est ta glougloute. C'est plus unique. D'ailleurs Romano il s'est fait appeler ma glougloute. Non, c'est moi la glougloute. C'est toi glougloute. Et ma copine c'est ma zizine. Ton zizine. Ouais, ou sinon elle m'appelle ma glute aussi. Ta glute. Ta glute. Eh ben c'est joli comme tout. Eh ben bisous ta glougloute, Guillaume, tu quittes pas. Reste avec nous, on va ton jeu au tomaillot aussi, Guillaume. Ouais, ouais. Alors, les votes pour le Clash, c'est fini. Hein. Stop, vous arrêtez de voter. Vous avez d'ailleurs arrêté depuis 5 minutes. Momo est en plein comptage. Merci pour tous les messages qu'on a eu. Beaucoup, beaucoup de messages pour le vote de ce soir pour le Clash de la Drague. Hein. Ouais, bah écoute, moi j'espère que ce sera bien. Hein. Et, bah écoute, réponse dans un instant avec les pourcentages des votes. On se fait Jason et Sean Paul là tout de suite. On écoute Do You Remember ? Vous avez bien demandé là tout à l'heure. Et le prochain son après Jason et Sean Paul, ce sera Section d'Assaut. Vous avez grave demandé. Ils ont fait un super live d'ailleurs ce soir. C'était bien. On aurait dit le disque. Ouais. Non, c'était beau. En mieux même. Ah ouais, en mieux. Bon bah Section d'Assaut dans une demi-heure. Jason et Sean Paul tout de suite sur Sky. Les résultats du clash et vous tous en direct. Hein, allez-y profiter. Et on s'occupe d'Eliott aussi et de Ben qu'on aura en ligne avec nous. Bonjour madame. Bonjour monsieur. C'est Nicolas Hulot à l'appareil. Est-ce que vous êtes pour l'écologie madame? Bah oui bien sûr. Bravo, bravo madame. Est-ce que vous triez vos déchets madame? Oui monsieur. Bravo madame. Est-ce que vous tirez la chasse à chaque fois que vous allez aux toilettes? Non, quand c'est la petite commission. Ah bien, c'est parfait. Vous laissez l'eau jaune. Est-ce que vous passez l'aspirateur ou le balai? Ah ben je passe les deux. Ah, allez, passez arrêter. Plutôt le balai. Et est-ce que vous vous essuyez quand vous allez faire caca? Oh dites, vous allez un peu fort là. Hein. Bah, c'est pour l'écologie madame. Vous savez que le papier c'est fait avec des arbres. On tue des arbres. Mais madame. Je sais. Allez, arrêtez vos conneries. Elle est vexée, la woman. Moi, les shows. Tous les matins, 6h-9h sur Skyrock. Hé, hey, t'as remarqué? Les filles s'ennuient super vite avec les mecs. Tu veux un conseil pour les faire vibrer plus longtemps? Faut que tu twistes avec Axe. Entraîne-toi sur twistetfaitlavibrer.com. Deviens le meilleur séducteur et gagne peut-être ta séance photo avec Clara Morgan. Il y a plein d'autres cadeaux à choper. Fonce sur twistetfaitlavibrer.com. Et n'oublie pas, plus tu twistes, plus elle vibre. Planète Rap Mag, le nouveau numéro d'avril. Avec en couve, Section d'Assaut, l'Algérino et le phénomène Stromae. Dans Planète Rap Mag, 50 infos en exclu sur Kesha. Kenza Farah et son nouvel album. Le retour aux sources de Usher, le succès de Jason Derulo. Et Jason en mode Lil Wayne. Planète Rap Mag, avec Rimka au Zénith de Maghreb United. Et aussi, les photos exclusives de Rihanna sur le clip Rude Boy. Young Money et Jason. Yaz, 50 Cent, Eminem, EDM, Rof et Lil Wayne sont aussi dans le nouveau Planète Rap Mag. Planète Rap Mag, 2 méga posters. Toujours plus de news, d'infos et de photos en exclu, la référence 2€ avec Skyrock. Un plan hot avec une copine de ta ville, des contacts très chauds près de chez toi. Envoie plan au 6-10-14. Plan. Étudiante, mariée, divorcée, elles attendent toutes de réaliser leur fantasme. Plan PLAN au 6-10-14. Le premier réseau réservé aux pures copines qui attendent de vrais plans cash. Envoie plan au 6-10-14. 35 centimes envoie plus coût du SMS. Leur force est surnaturelle. Leur origine mystérieuse. Leur détermination implacable. Ils arrivent pour détruire l'humanité. Vous voulez dire que c'est l'apocalypse? Je dis que c'est une extermination. Légion, l'armée des anges. Ils sont là. Paul Bettany, Dennis Quaid, Légion. L'affrontement se prépare le 24 mars au cinéma avec Skyrock. Total respect. Zéro limite. Radio libre. Le soir, 21h, sur Skyrock. Et le son de Jason et Sean Paul, là tout de suite sur Sky. Hey, avant le concert de Sean Paul, bientôt avec Sky. Au mois de juin, Sean Paul. Big up. Big up, c'est Do You Remember. Let's make you memories. Let's go. Do you remember? Do you remember? just like the sun. No, you feel it too, my girl, just free it up, make the good vibes run. Just take a sip of the champagne, take a little trip down my lane, my girl. While you out every night, I will feel alright. I can tell you this, girl, that's my word. Now change, I'm gonna rearrange that, girl. I'm gonna tell you this, here, that's my word. I'm here to you, walk come kiss this girl, cause you're missing. That's what I heard, I heard. That's what I heard, I heard. That's what I heard, I heard. Jason sur Sky, Jason avec Sean Paul en featuring. C'était Do You Remember sur Skyrock. Tous les soirs, dès 21h, Difool est sur Skyrock. Et il y en a certains quand ils écoutent ça, ils se sentent un petit peu toaster, hein, Romano. Tu te sens bien. Hein. T'aimerais bien qu'ils viennent la faire avec nous, Sean Paul. Ouais, ouais, bah même les deux ensemble. Hein. Les deux ensemble. Jason, Sean Paul. Ah, Jason, il est venu il y a un mois et demi. Bah, il peut revenir. Hein. Bah, t'as qu'à la faire il y a un mois et demi, t'aurais fait Sean Paul. Ouais, non, je crois que j'ai pas encore de niveau, quoi. Non, c'est clair. Bon, alors, qui va gagner le clash? La réponse dans un instant, j'aurai les résultats à vous donner. Résultats en comptage encore chez Momo. Oui. Ça arrive au bout, hein. Momo arrive au bout du comptage. Merci pour tous les votes. Je crois qu'il est complètement au bout. Qui va gagner? Tu penses faire combien, Cédric, à peu près? Ah, si je fais 51, je suis content. Si tu fais 51, t'es content. Et toi, Romano? Ah, moi, j'aimerais bien faire un beau score, quoi. Genre combien? 60? 90? Ouais, non, je sais pas, putain. Plus de 60, t'aimerais? Ah, ouais. 70. Bah, franchement, dans mes rêves, au-dessus de 80, ce serait le top, quoi. 80, tu veux faire? Ouais, bah, 80 ou plus, hein. Ah, 80 ou plus. Ouais, ça va, 80, ouais. Quoi. Bon, on aura les résultats du clash dans un instant, on va vous les donner. Ouais, j'espère que ça a été possible grâce à vous tous, parce que je sais que je vous aime. Mais bien sûr. One, I love you. Bon, ça recommence. On va parler avec Ben, qu'on a eu en tout début d'émission. Je juste dis bonjour à Ben, on va le retrouver tout de suite. Il y a Elliot aussi, qu'on va saluer, qui est à Nancy. T'es là, Elliot? Ouais, je suis là. Comme le dragon. Salut, Elliot. Il y a un dragon qui s'appelle Elliot. Oui. Tes parents, ils étaient fans du dragon Elliot. Petit dragon. Le dragon qui crache du feu par le nez. J'aimerais bien cracher du feu par le nez, moi, comme ça. Et pourtant, t'as un potentiel, hein. Ah, tu ferais des sacrées flammes, ah ouais, moi-même. Comment je ferais des sacrées flammes? Ah, bah, attends, avec le nectar, une bonne propulsion, quoi. Qu'est-ce qu'il y a, une bonne propulsion? Ah, et l'autre, il y a un gros pif. Ah, bah, tu peux essayer, ça sort pas. Non, c'est, mais j'essaye, ça sort pas, non? Non. Il y a des trucs bizarres qui sortent. Non, c'est crotte de nez. Ah, pardon, excusez-moi. Donc, toi, t'es à Nancy et t'as 16 ans, Elliot, hein. Ouais, c'est ça. Et c'est toi qui est. Bubup. C'est toi qui est nul en français. Ouais, c'est ça, c'est en fait. Enfin, c'est juste à l'écrit. À l'oral, j'avais bien parlé, mais en fait, je suis dysorthographique. Ah, c'est comme dyslexique, sauf que c'est que à l'écrit. Parle pas mal. Alors, tiens, on va faire un petit test avec toi. Préparez-nous des petites phrases à faire. Le dicter. Oui, genre des petits trucs simples à faire ouais, pour mais non, parce qu'en fait, c'est que quand je me concentre pas, en fait. Quand j'écris normal, là, si tu me demandes, ça va, je vais y arriver parce que je vais y penser. Mais en fait, mon cerveau, il va penser quand j'écris normalement à accorder le verbe ou le nom. Bah, il faut te concentrer, c'est tout oui. Simple. Ah bah voilà. Ah bah oui, c'est pas bien compliqué. On a trouvé la solution. Non, mais il y a un truc aussi, tu sais, tout con, c'est de lire. Lire. Ouais, mais ça. Mais... Ouais, mais non, mais je lis beaucoup en mais fait, c'est mais. Pas je vois... Non, mais moi j'adore lire. Ah, ça me fait chier. Non, pas du tout, mais c'est que c'est tout le monde. Je lis l'équipe. Non, depuis que je suis tout petit, tout le monde me dit de lire. Ah, je lis la Provence. Tout le monde me dit ça. Je lis, franchement, je. Tu lis la Provence? Non, bah la Provence, l'équipe normale. Ah, l'équipe. La Provence, c'est l'équipe tous les jours, ça tous les jours. Non, je lis des livres et tout, mais ça change rien. Je suis toujours aussi bidon en orthographe. Ah oui, c'est vrai qu'on en a aussi dans l'équipe. C'est vrai, j'avais pas pensé. Ça, Samy, il fait des fautes, mais plus grosse que toi. Alors, je vais regarder. Il le sait en plus. Hein. Ah ouais, quand tu lui dis, il sait. Bah oui. Alors, donc c'est vraiment un problème de concentration, quoi. Tu fais des fautes. Non, là, j'en ai pas fait ce soir. Ah, tu fais attention alors. Ouais, ouais. Eh oui. Mais tout à l'heure, j'ai laissé un message à Marie. Descends. Qu'est-ce que t'as envoyé? Descends. Oui, le mot descend. Le mot descend. Et en fait, moi, j'écris avec deux S, tu vois. Ah, parce que des sang. Deux S. À Marseille, ça fait des sang. Ouais, et en fait, après, elle m'a dit, non, il y a un D à la fin, il y a un C au milieu. Ah, ouais. Tu oublies le D aussi. Ouais, D-E, deux S-E-N, tu vois, comme ça. Quoi. Voilà, comme ça, à l'arrache. Allez, hop, c'est la en fait, il y a un C, il y a un D, voilà. C'est compliqué. T'aimerais avoir un fils mauvais en orthographe, Romano, tu ferais quoi si t'étais le père d'Eliott? Ou de Samy. Y'a rien à faire, je me corrige. Non, mais. Problème, c'est ouais, des cours particuliers. Quoi, encore maintenant avec les ordinateurs, voilà, t'as des correcteurs. Ouais, mais non, mais en fait, encore. J'étais chez une orthophoniste, tout ça, elle me faisait des cours, mais ça sert à rien. C'est je progressais pas du tout. C'est marrant parce que là dans l'équipe on a tout, on a plein de problèmes. Regarde, Romano, t'as des problèmes à l'oral. Ah bah à l'oral, je galère de temps en temps. T'as des problèmes pour t'exprimer. Ah mais quand j'étais minot, je suis allé à l'orthophoniste aussi. Ah pour ça. Bah, moi le seul truc qu'elle a réussi chez à faire. L'orthophoniste. Ouais, ça va. Bah, tu vois, moi je pensais que quand t'as parlé des fautes de français, je pensais que c'était ça, genre je vais au médecin ou je vais au coiffeur. Ça, Marie est outrée quand vous dites ça. Moi le truc c'est que ouais, je suis choquée parce que ma mère m'a tellement pris la tête avec ça quand j'étais petite, ouais, à me corriger. Que Marie elle savait pas parler quand elle était petite. Non, mais bah, c'est comme tout le monde, hein, tu sais, on parlait pas quand on était petit. Hein. Mais moi, ma mère, elle nous a. Enfin, là-dessus, on fait aucune faute, quoi. Et ouais, ça me choque quand j'entends ça. Je suis choquée. Mm-hmm. Ou le cadeau à Romano, non. Romano, oh, c'est deux Romano. Oh, ah, ouais, ou bon, deux, ça, moi je le prends le cadeau. Ouais, c'est vrai, c'est un exemple de merde. Bon, l'essentiel, c'est qu'on se comprenne. Oui, tu voulais dire un truc. Oui, Elliot, tu voulais dire un truc à Romano. Orthophonie, c'est trop un métier pour toi. Hein. 30 minutes, elle me prenait 30 euros. Ouais, c'est ça, ouais, pareil. 1 euro la minute, ouais, ça va, c'est assez rentable. Ah, ouais, ça vaut le coup, hein. Mais non, ça me pourrit à cause de ça. Non mais moi le problème, je pourrais pas être orthophoniste. T'as vu déjà comment je parle. Mais oui. Tes clients, ils ont du mal à te comprendre. Bah là t'as le client qui arrive, Romano. Bonjour. Le client il ressort. Le mec il se dit putain vraiment j'ai des gros problèmes de langage. J'arrive pas à faire ça. Bon quitte pas Elliot, on va revenir avec toi. Si vous aussi vous avez des petits problèmes d'orthographe, hein, que vous soyez au bahut ou pas d'ailleurs, parce qu'on peut en garder après. Regardez Samy, il les a gardés après le bahut, ouais, ces problèmes d'orthographe. Momo aussi a de gros. Tiens d'ailleurs, allez sur le blog et notez-nous toutes les. Ah ouais, qu'il non, a mis Momo. Même moi j'arrive à le corriger des fois. Vous allez sur le blog, vous regardez le blog le difool.skyrock.com, hein, vous allez jeter un œil, vous regardez les posts qu'a mis Momo et vous nous dites à peu près toutes les fautes que vous pouvez, non, que vous pouvez noter. On compte sur vous et après vous nous les envoyez sur le 41 Sky ou par le Skyrock.fm. Tu sautes des lettres et des mots quand même. Non mais là ça va mieux quand même. Tu t'endors au milieu des phrases, hein, tu oublies des mots. Ah non, t'es de plus en plus. Ah bah voilà, déjà le premier post en fait c'est. Non non, bah si, vas-y, vas-y. Si, il y a une faute. Le premier post c'est. La poste qu'à un moment a mis ce soir avec tout à l'heure section d'assaut nous ont donné des t-shirts beaux les t-shirts avec une casquette à l'envers et derrière nos prénoms en or. Oui. Et alors merci à la section d'assaut pour les vêtements offerts. Bon, il a oublié le S. Voilà. Bon, c'est pas très grave. Vêtements. Ils ont amené des pantalons, des pour l'ensemble de l'équipe. T-shirt. Non, mais après ça va. Il manque juste un S à offert. Vêtements. Très bien. Mais bon, en une ligne, tu vois, Momo, il arrive à faire une faute. Il est comme toi, Elliot. Même pire. Ouais. Je pense qu'il est pire, Momo, Elliot. J'assure. Bon, quitte pas, Elliot. Reste avec nous. On va prendre Ben, là, qui nous attend depuis le début de l'émission. On va le prendre tout de suite avec nous en direct de Lyon, Ben. Tu fais pas des fautes d'orthographe, toi, Ben? T'as pas de problème, Steve? Non, ça va, je m'en sors à peu près, quoi. Bon. Ça va, c'est plus les maths, mon défaut, moi. Ah, t'as plus un problème de maths. 8 fois 8. 64. Eh ben ouais, c'est pas mal. Ben ouais, ça va, finalement. Ouais. 45 fois 60, Romano. C'est facile. C'est facile. 6 fois 5, 270. Putain, t'étais fort. Je sais pas si c'était ça, mais. Moi, je suis nul en calcul mental. Faut que tu bosses aux chiffres et aux lettres, Romano. Attends, il faut quand même que je vérifie parce que sinon, c'est super. 45 fois 60, t'as dit? Ça fait. Ça fait 2700. Ah, bah, j'étais pas loin, il manquait juste à zéro. Ouais, et ben voilà. Moi, je savais, mais je voulais laisser galérer un peu. Bon, alors, tiens, j'ai le résultat du clash. T'as voté pour qui, toi, Ben? J'ai pas demandé. Moi, Romano. Pour Romano. Merci, Ben. C'est un mec bien. Alors, beaucoup de messages pour Romano. Je sais pas si ça va refléter les résultats du clash, mais là, je voyais les messages qui défilaient depuis tout à l'heure. Romano, il est trop fort. Il se prend un point dans le cul. Bah, c'est bien. Ça nous aide à résumer ce qui s'est passé. En effet, tu vas te prendre un point dans le cul, voire même autre chose. Ouais, voire même, bah, il l'a dit, hein, je vais me faire dégorger le poireau, quoi. Voilà. Et Cédric. Bah, lui, qu'est-ce que t'as fait? Bah, rien. Non mais il s'est bien passé quelque chose pendant tes appels. Pendant mes appels, si, bah, la galère. Je voulais m'inviter mais il voulait pas que je vienne. Tu voulais t'inviter mais il voulait. Ah oui, c'est ça. Ouais. Bon. Et il t'a interdit de le tutoyer. Lui. Ah bah il aussi, ne voulait pas qu'il tutoie. Il voulait pas qu'on soit amis. Bon, j'ai les résultats. D'après vous, qui gagne le clash? Moi je pense Romano. Je pense que c'est Romano. Mais large. Moi aussi, je pense que c'est même moi. Même plus large que ton espérance. De toute façon, Samy, c'est un gros suceur de bite. Bon, juste réaliste. Pas, tu sais Romano. Non, je suis réaliste. Bah non, mais sors à vous que t'as été nul. Mais toi, t'as été nul. Un truc hallucinant, c'est que Samy, pour une fois, tu t'es pas trompé sur tes pronostics. Ah, bah tu vois. Eh oui. Romano gagne le clash. Mais par quel pourcentage? Alors, quel pourcentage? Je vais vous le dire tout de suite. Romano, tu voulais faire plus de 70, même plus de 80. Plus de 80, ça serait super, quoi. Et Cédric, tu voulais faire 51. Bon, tu les fais pas. Ça, je m'en doute. Je perds. Alors, Cédric fait 9%. Ah, pas mal. et Romano, 91%. Là, c'est bien plus que tes rêves. Excusez-moi. T'es mal à ça. 91. Comme vous avez écrit. Romano et Cédric. Putain, c'est bon d'attaquer la semaine comme ça, quoi. Une petite déclaration, Cédric. Déclaré quoi? J'ai fait de la merde. Vas-y, salut. Il faut être mieux la prochaine fois. Je vais pas faire une déclaration. Je vais pas me dire je vais te perdre la prochaine fois. Je suis pourri. Pire, ça serait difficile. Pire, ça serait putain, ça serait grave. Tout pourri. Eh oui. Bon, c'est tout, Cédric. Bah ouais, putain, je pue la défaite ce soir. Bon, et toi, Romano, qu'est-ce que tu voulais dire ce soir? Ta petite déclaration. Ah bah moi, je voulais vous remercier, parce que débuter la semaine comme ça, c'est beau. Je vais voir les votes. Là, on est dans les hauts scores, dans les hautes sphères du clash de la drague. Et ça, c'est grâce à vous. Merci. Ce soir, vous me faites passer une bête de soirée. Ça fait grave plaisir. Je vous aime, je vous donne rendez-vous pour le prochain classe. Clash. Je comprends pas que vous votiez pour un mec qui arrive même pas à parler. Bah écoute, moi j'arrive pas à parler, mais moi j'ai cher. Toi tu sais rien faire. Ta gueule, sale nincho. Eh bah, prochaine fois, votez Romano. Non, votez Cédric la prochaine fois. Il ne mérite même pas vos voix. Je vous aime. Bonjour et merci encore. Voilà pour ta déclaration. Ah ouais, ça fait plaisir. Moi je vous ferai des cadeaux à ceux qui ont voté pour moi, tiens, allez hop. Non, mais ça marche pas. Si vous connaissez leur numéro, je vais vous rappeler. J'en ai rien à quand même. Bah oui, parce qu'au moment, tu vas être obligé de payer les cadeaux de Romano également. Non, non. Bah si. Ah ouais, parce que tu sais qu'il y a eu 91% de vote pour moi, mon gars. Je prends les cadeaux pour lui. Hein. Bah, alors là, bon, et ben voilà pour le clash de ce soir. Prochain clash, mercredi, ça c'est sûr. Peut-être avant, hein, si on a envie de s'entraîner demain, on fera peut-être ça dans l'émission. Peut-être. Demain soir, mais mercredi, ça c'est sûr. Ouais. À condition que les deux soient d'accord, bien sûr. C'est moi, je suis toujours opérationnel. Moi, je suis OK pour continuer à ce tarif-là, il n'y a pas de souci. C'est vrai que j'ai encore les messages qui défilent, les messages pour les votes. Ça défile sec pour Romano quand même. Hein. Ah oui. Il est mal le man. Il est mal le man. Il est mal. Il est mal. Il est mal, le mal, le mal, il est mal. Il est mal, le man. Merci. Oh, quel beau duo, tous les deux. Bravo. Merci, Cédric. Bah, vas-y, chante sur la mienne, il n'y a pas de souci. Quand tu veux, tu chantes sur la mienne. Allez, Cédric, chante. Prochain clash, t'inquiète pas, prochain clash, je m'occupe de toi. Non, mais là, ça sert à rien. Chier ta chanson. Pom. Elle est le bidon. Non, mais je vais pas chanter là-dessus, c'est un truc des années 70. Déjà, je trouve ça honteux de chanter là-dessus. Déjà, Romano, il est gentil de chanter sur ton machin quand même. Ah ouais, parce que bon. Bah, alors, on y va pour la suite. Forcé, hein. On va t'écouter, Ben. Donc, Ben, toi, tu nous appelais de Lyon. C'est un petit service à demander un petit peu à tout le monde. Tu voudrais avoir un petit peu la vie de tout le monde et le soutien de tout le monde, c'est ça? Voilà, ouais, exactement. En fait, voilà, je suis au MOM, moi. Tiens, t'as vu, on en parlait en début d'émission. Là. Ah bah, ouais, tiens. J'ai entendu, ouais, c'était cool. Bah, toi, par exemple, t'as qui au mot? Est-ce que tu. Parce qu'en début d'émission, on a eu Chameau, là, qui nous a laissé un message sur un pseudo Chameau. Chameau qui se tape des filles, enfin, qui sort avec des filles. C'est son trip. Et par contre, quand il se branle, parfois, il pense qu'il y a des mecs qui le sucent. Et donc, ça l'inquiétait un petit peu, Chameau. Non, moi, quand je fantasme, quand je me branle, je pense pas à des meufs, quoi. Je pense à des mecs. C'est ce que je voulais te demander, ouais, si tu pensais à des filles. Non, jamais? Non, jamais. Même pas à la Marie? Ah non, pourtant je l'aime beaucoup, tu vois, je lui fais des gros bisous, mais voilà quoi. Pas la Marie. Mais genre dans l'équipe, tu as déjà branlé en pensant à un membre de l'équipe masculin? Non. Mais moi, bien sûr. Bien sûr, je le précise. Non, jamais? Non, même pas un peu à Romano. Cédric, j'aime bien savoir. C'est bon. Il va chanter pour toi. Waouh, ça l'excite beaucoup. Donc toi, tu penses jamais à des filles quand tu te branles en fait? Content de t'exciter? Jamais. Et alors le petit souci, ça vient d'où? Non, en fait, le petit souci, c'est que mes parents m'ont surpris, en fait, vendredi soir et tout. En fait, j'étais avec mon gars chez mes parents. Et en fait, j'étais en sous-vêtements féminins et tout avec lui. Et voilà, et depuis ce moment-là, quoi, ils m'ont pas. Tu t'étais un petit peu déguisé. Et pourquoi tu t'habilles avec des sous-vêtements féminins comme ça? Parce que c'est un kiff, c'est un désir que j'ai et tout. Et voilà, je kiffe. Mais quand tu dis que t'es homo un peu efféminé? Ouais, très efféminé. Très efféminé. Ouais, parce qu'il y a plein d'homos qui nous écoutent, qu'on a eu en ligne. Bon, tu les vois. C'est clair. La majorité des homos, même, sont pas du tout efféminés, mais moi, voilà, quoi. C'est vrai que. Et ça te gêne d'être comme ça ou Non, enfin, c'est pas évident, quoi. Enfin, c'est pas évident. Mais quand je dis ça te gêne, c'est le regard des autres. Parce que j'ai un style vestimentaire assez particulier, mais j'assume et tout, et donc. Mais tu t'habilles comment, par exemple, dans la vie de tous les jours? Ben, c'est jean serré, petit haut de temps en temps, voilà quoi. Tu mets des strings? Ouais, je mets des strings, ouais. Tu mets des strings. Bon, il y a aussi des mecs qui mettent des strings. Greg le millionnaire, mets des strings. On met pas les mêmes, je pense. Donc, voilà quoi. Mais toi, tu mets pas des strings de meufs, ça, je savais pas. Je mets des strings de meufs. Tu mets des strings de meufs? Et comment tu pour les couilles devant? Ah non, mais Greg le millionnaire, là, ça me... déjà qu'il me dégoûte. Non, mais il met des strings, il a le droit de mettre des strings. Tu l'as vu, vous, en string? Bah, j'ai vu qu'il était des strings dans une interview, dans une interview chez moi ce week-end. En Afrique du Sud, je suis parti en Afrique du Sud ce week-end. Il est venu en string. Je vais péter Greg le millionnaire. Tranquille. Mais toi, Ben, toi, tu mets des strings de meuf, mais pour, au niveau des couilles, ça te dérange pas? Ben, ça va, c'est pas attends, le belge, t'as du mal, c'est sûr que... Mais je mets plutôt des culottes ou des trucs comme ça, quoi. Des culottes. Que des strings, d'ailleurs, voilà. Mais c'est quoi, tu les piques genre à ta soeur ou à ta mère ou tu les achètes? Au début, ouais, c'était ceux de ma soeur ou quoi, maintenant je les achète, quoi. Ah ouais, carrément, ouais. Ouais, ça fait un petit moment, et je les achète. Tu mets des soutiens-gorge? Mais tes parents, ils bloquent pas, tu sais, quand ils lavent le linge. Tu vois, des culottes de meuf. Ben, je les lave tout seul. Ouais, tu dois les laver un par. Ouais. Oui, parce que là, ça fait peut-être beaucoup, là. Je fais gaffe à ça, mais bon. Voilà, ça m'est arrivé d'avoir des petits soucis à ce niveau-là. C'est-à-dire qu'on essaie de prévenir et tout dans ma chambre, voilà, quoi. Donc, mais t'es, mais tes parents, quand tu nous dis qu'ils t'ont chopé, c'est vrai, ça? Ben ouais, c'est vrai, ouais. Vendredi soir et tout. Moi, ils savaient que t'étais homo, tes parents, ou pas? Non, justement, enfin, ils avaient des gros doutes et tout, donc voilà, ça a confirmé leurs doutes, quoi. Ah ben, donc voilà, mais bon, c'est vrai qu'heureusement, on faisait rien du tout, tu sais, mais... Ils t'en ont parlé ou pas? Ben justement, non, ils m'en ont pas parlé. Non, mais tu peux dire avec tes parents que tu déconnais avec un pote, vous avez déliré, vous avez piqué les affaires de sa sœur. Je me suis tellement trouvé con que voilà, j'ai pas... Ah bah oui, ça doit trouver con, ouais. Ah bah ça, ouais. Quand tu t'étais traveloté, car il faut bien le dire, tu vas pouvoir aider Ben ce soir, puisque tu t'es également traveloté toi-même. Ouais, mais pas chez mes parents. Non, alors imaginons, quand tu t'es habillé avec les habits de ton usine. Ouais, non, mais chez moi, alors, son usine, c'est pas Romano, n'est pas PDG d'une, c'est sa copine. Hein. C'est ma zizine. Voilà. Ouais, non, mais moi, j'avais mis quoi? Un string, un soutien-gorge. Des talons. Vous avez mis des talons aussi? Ouais, des talons et j'ai essayé des barésies une fois. Ouais, alors imagine tes parents qui rentrent à ce moment-là dans la maison. Toi, t'es en string, en barésie. Les barésies, ça, je savais pas. Ça, c'est pas mal, les barésies. T'avais mis un soutien-gorge? String, barésie, ouais, soutien-gorge, ouais. Je l'ai mis aussi. Ouais, ouais. Et voilà. Et une fois, maquillé en plus. Et talons hauts et maquillé. Ça t'a excité de faire ça, Romano? Ah non, pas un pet, non. C'était pour, je sais pas, c'est abuser ma copine, donc. Elle se moquait de toi, non? Non, mais elle rigolait, tu vois, ouais, ça la faisait, je te garde ma gueule, ouais, c'est clair. Elle était contente, et le chien? Bon, le chien, lui, il était content, il s'accrochait à ma jambe, je l'excitais, je crois. Tu sais que c'était très fort avec tes barésilles. Ouais, bah, je crois qu'il en pouvait plus, quoi. C'est des barésilles. Non, mais mes parents, ils rentrent, ils me voient comme ça. Oui. Il rigole. Comment tu... Là, vous obligez, je bloque. Qu'est-ce qu'on a raté? Déjà, je lui ferme la porte sur la gueule, quoi. Tu lui fermes la porte au nez à tes parents? Non, bah ouais, parce que attends, je vais me changer, tu vois, je vais pas les rouvrir. Pour les accueillir. Salut maman, salut papa. Ça va tranquille, attends, je vais enlever mon bas, ça me gratte un peu. Le chambard à résine, bien sûr, hein. Ouais. Non, je vais enlever mon string, ça me sert un peu la Ramène. Bah oui, c'est logique. Et ça m'écrase les couilles. Non, y a pas. Non, mais moi, si admettons, j'ouvre la porte, je vois mes parents, je la referme, je me change et après je leur sors. C'est une blague. Ouais, je leur sors une excuse bidon, quoi. Et comment t'as réagi? Et comment ils ont réagi, les tiens? Ils ont bloqué, non? Non, bah ils vont bugger, en fait, parce qu'ils sont arrivés et tout, ils ont vu ça et direct ils ont fait demi-tour, ils sont partis dans une autre pièce et tout. Et depuis, bah oui, quoi, ils m'en ont pas du tout parlé, quoi. Ah oui, parce qu'ils sont, je pense qu'ils sont aussi gênés que toi, tes parents, en fait. Et moi, j'ai pas eu de réflexe de leur dire. Mais tu étais avec ton mec, Ben, ou tu étais tout seul? Ouais, j'étais avec mon gars, ouais. Mais lui, il est en string aussi, ou? Non, lui, il était en boxeur et tout, de mec et tout. Ah non, il porte pas de string. Ah, mais toi, ton mec, il est plutôt viril. Tu préfères les mecs virils, toi? Ah ouais, carrément. Attends, genre un mec qui serait comme toi, tu pourrais pas sortir avec lui? Non, je pourrais pas, non. D'accord, bon, écoute, les contraires s'attirent, hein. Et puis, si t'es heureux comme ça, hein. Et c'est quoi qui te dérange le plus? C'est le fait d'avoir été chopé comme ça, ou alors le fait que tes parents, ils sachent que... Enfin, ils se doutent que t'es homo? En fait, déjà, ils se doutaient, quoi, donc ça, je pense, ça a confirmé leurs doutes, et... Ouais. Mais c'est surtout que, voilà, ils m'en ont pas parlé, quoi, ils m'ont rien dit, même pas de réactions ni négatives, ni des trucs positifs, ou quoi, ils ont... En même temps, c'est pas évident, quoi. Je sais pas comment leur en parler ou quoi, parce que... Alors, vous m'avez trouvé sexy en string? Ouais, pourquoi pas. Non mais les parents, tu sais, de leur côté, qu'est-ce que tu veux qu'ils disent? Mais dès comment t'as-tu réagi? Pourquoi t'étais habillé comme ça? Mon fils. Non mais ils vont pas te dire ça, tu vois. Non mais c'est oui, forcément. Et comment toi tu réagis par rapport à eux? Ben, ils doivent réagir de la même façon par rapport à toi. Ils sont gênés. Comment lui en parler à notre fils et tout, tu vois. Alors qu'est-ce que vous feriez si vous vous êtes fait choper dans une situation compromettante, entre guillemets, hein, par rapport à vos parents? Et comment vous réagiriez par rapport à eux? Est-ce que vous leur reparlez? Qu'est-ce que vous feriez à la place de Ben, en fait, en gros, hein? C'est ce qu'on vous demande. Ah, voilà. Bon, bah quitte pas, Ben, reste avec nous. Ok, merci. On va s'occuper de toi. Donc vos réactions sur le 41 Sky, le skyrock.fm. Il y a moyen d'avoir un jeu PS3? Oui, ah bah ça oui, vous avez des jeux au choix. Cool. Et sur n'importe quelle console et même sur ordi. Donc ouais. Au choix. Les jeux. Tu pourras avoir ton jeu. Bon, quitte pas. On va te reprendre. Et t'aimes quoi comme jeu, toi? Bon, en fait, c'est pour mon gars, quoi. Ah. Je vais faire un cadeau, donc voilà. C'est pas cher le cadeau. C'est marrant, toi, comme tu parles, c'est rigolo en fait. Pourquoi? Bah parce que c'est. En fait, non, mais c'est... T'es vraiment quand on dit comme une meuf. Ouais, t'es comme si c'était sa meuf en fait. C'est un vrai coup, quoi. Ah, ben je sais pas. Ah, mais bon, c'est bien, t'es voilà. Comme ça. Après. Bah, c'est un couple, hein, que tu sois gay ou hétéro, c'est un couple. Non, mais si tu rencontres ça, mais il y a parfois des couples homo, tu vois pas qui. Enfin, tu. Ouais, les deux, ils sont pareils. Ouais, c'est deux mecs, ils se ressemblent. Enfin, ils sont. Ah, toi, ouais, tu fais vraiment la meuf dans le couple. Quoi. Bon, alors quitte pas, ouais, ouais. On va revenir avec toi. Route. On s'occupe de toi, on vous attend en direct, 01 53 40 30 20, et on va retrouver Section d'Assaut, comme promis. Section d'Assaut, c'est casquette à l'envers sur Sky. Hey, hey. Ok, c'est Jam sur Skyrock. Hi, this is Rihanna on Skyrock. Jams, Rihanna, les concerts événements Skyrock à choper dans la Skyroulette. Skyrock t'offre 200 places en exclu. 200 places de concert pour voir la nouvelle tournée événement de Jams dans toute la France. Et pour les 3 dates exclusives de Rihanna à Lyon, Marseille et Paris. Prochaine Skyroulette et chope tes deux places pour le concert événement Skyrock de ton choix. Jams, Rihanna. Aucun autre média ne t'offre autant de places de concert. Reste à l'écoute, ça tombe à tout moment sur Skyrock. Jams. Après Enfant du désert, son nouveau tube Cœur de bombe est sur l'album SOS. Jams, disponible maintenant. Au 7-20-21. Qui pense à toi en secret? Envoie qui au 7-20-21 et découvre si ton âme sœur est proche de toi. Qui au 7-20-21? 7-20-21. L'inconnu que tu croises tous les jours et qui te fait craquer? Ton ex? Envoie qui au 7-20-21? Tu sauras tout sur ta prochaine histoire d'amour. Qui? K.I. au 7-20-21. K.I. au 7-20-21. Media Plaza, 50 centimes plus prix du SMS. Planète Rap Mag, le nouveau numéro d'avril. Avec en couve, Section d'Assaut, l'Algérino et le phénomène Stromae. Dans Planète Rap Mag, 50 infos en exclu sur Kesha. Kenza Farah et son nouvel album. Le retour aux sources de Usher, le succès de Jason Derulo et Jason en mode Lil Wayne. Planète Rap Mag avec Rimka au Zénith de Maghreb United. Et aussi les photos exclusives de Rihanna sur le clip Root Boy, Young Money et Jason. Yaz, Fifel, Eminem, NTM, Rof et Lil Wayne sont aussi dans le nouveau Planète Rap Mag. Planète Rap Mag, 2 méga posters. Toujours plus de news, d'infos et de photos en exclu. La référence, 2€ avec Skyrock. Vous pensiez que les anges étaient toujours du côté du bien. La dernière fois que Dieu a perdu foi en l'homme, il a envoyé le déluge. Cette fois, il a envoyé des anges. Légion, l'armée des anges. Vous voulez dire que c'est l'apocalypse? Je dis que c'est une extermination. Paul Vettani, Dennis Quaid, Légion, l'armée des anges est en marche et rien ne pourra l'arrêter. Ils sont là le 24 mars au cinéma avec Skyrock. Écoute, Skyrock. Tous ceux qui répondent Skyrock gagnent 1 500€. Skyrock, mec. Et t'as gagné 1 500€. Sérieux, là, et si, 1 500€ pour toi ce matin. Oh, je vous aime, les gars. Tiens-toi prêt, la prochaine fois, ce sera peut-être pour toi. Tous les matins à 6h, 6h30, 7h, 7h30, 8h, 8h30, 9h. Si Difool t'appelle, réponds Skyrock et empoche 1 500€ dès le réveil. On Skyrock. Difool. The morning show. Tous les matins, 6h, 9h sur Skyrock. Tous les soirs dès 21h, Difool sur Skyrock. Difool sur Skyrock. Ok, déconcentré, déconcédez-moi. Déconcentré, déconcédez-moi. Déconcentré, déconcédez-moi. Déconcentré, déconcédez-moi. J'ai fait un rêve, j'ai vu la terre belle ronde avec une skate K. Monte-les en l'air s'ils ne te respectent pas. Dans ma wattibule, le temps me fout les boules. Je l'ai juste mise à l'envers, me cassez pas les casquettes à l'envers. Un cri au cas où y'a de l'action. Celle de Black M a plus de valeur que le chapeau de Jackson. Au comico, je la retire AP, encore moins devant le fusion. J'irai jusqu'à trouver mon double pour une putain de fusion. Wattibé et pas une autre, moi j'en ai plus rien à foutre. Les gens du dessus me font pas peur, un homme peut pas faire venir la foudre. W-A-T-I-B, confond pas avec L.A. Prends pas le somme si t'as goûté un bouc sous le charme L.A. Ma vie est synonyme de casse-tête. Black M n'a pas retourné sa veste, il a retourné sa casquette. J'irai jusqu'à devant le chef d'état à lui dire en face que je pense en faire de détails. Casquette à l'envers. On dit que la vie ne fait pas le moindre. Mais moi on m'a jugé parce que j'avais ma casquette à l'envers. Je vais pas faire de cinéma, c'est désormais je ne vais frapper que là où ça fait mal. Tout bêlisme guette à risser. Désormais je ne vais frapper que là où ça fait. Ok, casquette à l'envers ou sur le texte, c'est la même, je suis excellent même quand il s'agit de texte centaines, je teste des centaines de flots de tech et ça t'aime hein. Déconcentré, déconcé tes mains. Fleugis dans ta vie, m'arrives-tu à la cheville. Je crois que tu voulais m'acheter, mais je suis toujours là, je vis. Casquette, Gucci, Lacoste, elle est que New York. Vrai ou fausse, à l'envers, elle est que meilleure. Et autant de casquette à l'envers que de ma coude de Blackberry. Nombreux comme les bactéries, des temps toi y'a pas de télé. Casse la selle, 7-5 cousins, assume un peu, faut pas que t'évites. Et les vrais se font rares, tout autant qu'un gars qui du casquerie. Et puis un petit sort, peu bon en 4. Pépin en direct, et The Game Boy avec une casquette. Tu sais pas, en plein, j'ai pro, ne touche pas. J'sais pour liberté, égalité, fraternité. Chapeau, casquette à l'envers pour pas que j'oublie. Comme la mise à l'envers, demande à mon cerveau, Jerry Error, ainsi qu'à ceux d'Anvers. Cousin, j'fais plus de sourire. J'vois que l'état surine des petits comme souris. J'en dis, oh sorry. J'irai jusqu'à devant le chef d'état, lui dire en face que j'pense en faire des détails. Casquette à l'envers. On dit que la vie ne fait pas de moine, mais moi on m'a jugé parce que j'avais ma casquette à l'envers. Je vais pas faire de cinéma, c'est désormais je ne vais frapper que là où ça fait. Poubellisme guitarissé. Désormais je ne vais frapper que là où ça fait. Je vais pas faire de cinéma, c'est désormais je ne vais frapper que là où ça fait. Poubellisme guitarissé. Désormais je ne vais frapper que là où ça fait. Ok, déconcentré, déconcé tes mains. Déconcé tes mains, déconcentré mains. Déconcentré, déconcé tes mains. Déconcé tes mains, déconcentré mains. Déconcentré, déconcé tes mains. Déconcé tes mains, déconcentré mains. Déconcentré, déconcé tes mains. Déconcé tes mains, déconcentré mains. Total respect. Zéro limite. Radio Libre. Tous les soirs, dès 21h, diffusé sur Skyrock. Diffusé sur Skyrock. Et jusqu'à minuit, Radio Libre. Radio Libre sur Sky au 01 53 40 30 20. Si vous voulez nous appeler, profitez. On est là toute la soirée. Bah, comme d'hab, avec vous tous et vous toutes. Vous avez besoin d'un petit coup de main. Vous voulez débarquer en direct. N'hésitez pas. Et puis, pour réagir aussi à l'émission, on a justement plein de réactions pour Ben, là, qui nous a passé un coup de fil en direct de Lyon. Oui, tu voulais rappeler quelque chose, Romano, je crois. Ouais, ce soir, il y a eu Clash de la Drague. Ah, c'est ça que tu voulais rappeler. Ce soir, il y a eu Correction, je crois. Oui. 91% à 9. Ah, il y en a d'ailleurs qui nous rappellent que je devais enlever 10% à Cédric, donc il y a plus de 100% pour Romano. Ah bah, je me retrouve à 100, hein. Non, je t'enlèverai pas tes 10%, Cédric, je te laisse tes 9. Oh, t'es trop bon, putain. Mais oui, c'est comme ça que je suis, moi. Déjà que t'en as pas un gros. C'est moi l'arbitre. Gueule, bon, oui, il y a eu 91 contre 9. C'est ça que tu voulais rappeler. Il est mal, le ban. Bon, alors, oui, pour Ben, là, qui nous passait un coup de fil. Donc, Ben, toi, t'es, t'es gay, tu préfères les garçons, tu sors avec un gars, et bon, t'es plutôt efféminé, hein, comme garçon. Ouais, carrément. Bon, on nous dit que tes parents, ils doivent s'en douter, puisque t'étais déjà efféminé, que tu t'habillais déjà un petit peu. Ouais, non, mais c'est pour ça. Je disais, ils s'en doutaient, ils avaient déjà eu des indices, quoi. Voilà, quoi. Bon, après, ils t'ont chopé, c'était quand? C'était ce week-end? Vendredi, ouais, vendredi soir, ouais. En gros, ouais, habillé en fille, quoi. Oui, parce que bon, tu tapes un délire avec ton pote. Et, exactement. Et voilà. Alors, il y en a plein qui sont gênés à parler, par le fait que tu t'habilles en fille. J'aimerais pas avoir un frère qui s'habille en fille, je saurais pas comment lui parler, je saurais pas comment lui dire. C'est le message de Latos, là, du 33. Salut à toi, Latos. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Ah, il y a Bogos aussi qui nous dit qu'il serait gêné. Ah bah oui, ça c'est gênant ça. Ah bah c'est clair, ouais, quand tu tombes en face à face, ça doit faire chelou. Ah oui, pour toi. Ouais, mais je comprends, hein, c'est clair. Et pour tes parents en plus, hein. Ouais, non, mais c'est clair que voilà quoi, c'était un petit peu la honte quoi. Enfin voilà quoi, c'était pas la première fois qu'on le faisait quoi, mais oui, fou, mais c'était pas prévu que tes parents arrivent, oui. Exactement, ouais. Voilà, comme enfin, ça. Je n'attends pas comme ça chez moi, ouais. Bah oui, j'imagine. Voilà. Bon, alors, qu'est-ce que tu voulais savoir, comment tu faisais pour, enfin, si tu leur en parlais, comment... Voilà, exactement, et comment leur en parler, quoi. Alors, comment leur en parler? Il y en a qui nous le disent, tu leur dis tranquillement. Ouais. Je sais pas, t'es en quelle classe? Je suis en première. Ah merde, sinon il y a le persan, là, qui est dans cette période-là, là, les 100 jours avant le bac, dans la BU, au fond de la fête, et ils se déguisent. Ouais, je connais, t'en ouais. as pu ouais. préparer, genre, tu disais que tu préparais un déguisement, quoi. Un déguisement. Ouais. Je vais me déguiser en pute. Bah, voilà. Bon, à la limite. Je vais mettre des barésilles. Moi, j'aurais dit ça, quoi. Et Romano s'est déjà déguisé. Si vous venez d'arriver, il nous a raconté. On a eu un très beau témoignage. J'étais très touchant tout à l'heure, ton témoignage, Romano, quand tu as expliqué que tu t'étais déguisé en femme. Ouais. Non, mais moi, il y avait rien de sexuel. Hein, avec du maquillage. Tu vois, on n'a pas baisé. Et des barésilles. Ouais. Et des talons aussi. qu'il en parle à de la rue, de Romain Outsar. Ben oui, tu devrais aller faire une émission de télé où. Mais qu'est-ce que tu veux que j'en fasse? Confession intime, je me déguise en femme et alors. Tu sais, ils mettent un petit titre en dessous du truc. Non, non, mais je fais. Et là, on voit arriver Romano qui nous dit bonjour. Bonjour. Veuillant, je me déguise en femme et alors. Mais non, mais ça m'est arrivé une ou deux fois, tu vois. Ah, une ou deux quand même. Tout à l'heure, c'était une fois, là maintenant, c'est une ou deux. Non, mais je le fais pas régulièrement, quoi. Non, mais dis-nous, tout à l'heure, quand tu vas rentrer, tu vas mettre tes habits de lumière. Bah ouais, bien sûr, ben bah ouais. Scène. Je vais me mettre mon string à paillettes. Wow. Pour la night. Oui. Non, mais ça m'arrive vraiment rarement, quoi. Ouais. Bon, alors après, tu peux dire à tes parents que c'était pour un pari. Il y a pas mal qui ont dit ça, là. On faisait un pari avec un pote et j'ai perdu le pari. Je me suis déguisé comme ça. Ouais, mais je me dis que c'est chelou que je leur en ai pas parlé juste après, quoi. Que du coup, je leur en parle 3 jours après, quoi. Ça fait un peu bizarre, quoi. Mais depuis, t'as l'impression qu'ils sont chelous avec toi? T'as l'impression que tes parents ils sont un peu chelous avec toi, quoi. Ils sont un peu froids et tout. Enfin voilà, qu'on sait pas trop parler du week-end, quoi. Donc, non, mais comme disait Cédric, je pense qu'ils sont aussi mal que toi, ils savent pas comment. Bah oui, ouais. C'est difficile à aborder comme ça. Tiens, regarde, moi je dirais que c'était un pari. Message de Jérémy là qui nous laisse un SMS. Encore un autre qui dit pour le pari. Ils ont déjà des doutes sur toi, donc là ça me confirme. Ils ne croiront pas. Moi je profiterai de ça pour dire la vérité, quoi. Si tu te sens plus à l'aise après, oui. Faudrait bien qu'un jour ou l'autre tu leur dises si t'as envie de leur dire, tu vois. Mais tes parents sont comment vis-à-vis de ça? Bon, ça va, ils sont pas totalement fermés et tout, mais après, je sais pas. Bah, tant mieux pour eux, sinon, ils sont obligés de sourire. Ouais, bah voilà. A priori, hein. Non, parce que moi, il y a des parents, des fois, tellement ils sont bloqués, c'est même pas la peine d'essayer, quoi. Ouais, mais ça va, mais bon, après, je sais pas comment ils vont réagir quand c'est leur propre fils, quoi. Enfin, oui, on peut être tolérant, voilà, mais quand ça t'arrive à toi, t'es moins. Ouais, c'est clair. Il y a Tweety, là, du 95, qui dit: moi, je leur dirai cash, je suis comme je suis. C'est vrai, t'assumes tes choix, c'est bien. Bon, maintenant il faut les faire accepter la famille, ça c'est peut-être un petit peu plus. Pas, je suis dans la merde, quoi, après. Un petit peu plus difficile. Bon, bah les parents ont dû comprendre, on nous dit là, Max du 91 qui nous laisse un message. Ah, ça va, toi, Max? Ah ouais, je pense qu'ils ont compris, ouais. Ils ont compris, ouais, c'est clair. Voilà. Et pour ceux qui sont arrivés en cours, Sam du 13 là qui dit: mais ses parents ils l'ont vu faire quoi? Mais rien, t'étais juste habillé avec un string, quoi. Ouais, j'avais un string et un débardeur, quoi. J'étais sur les genoux de mon mec, quoi. Voilà. Mougoum, j'étais mignon. Oh, oui, que c'est mignon. Bah voilà, il te donnait la tétée. Bah oui. Voilà. Voilà, c'est super, ça. Alors attends, bouge pas, parce qu'il y a Augustin, là, qu'on va retrouver dans un instant avec nous. Bah tiens, il est là déjà. Augustin en direct d'Angers. Salut, Augustin. Salut. Comment ça va, Augustin? Ça va bien. Bah merci de nous appeler pour. Salut, Augustin. Y'a pas de quoi. Salut, Romano. C'est l'émotion de devoir gagner le clash de la drague par 91%. T'arrives plus. Il est très très excité. Non, mais y'a aucun souci. J'ai dit salut. C'est comme ton chien quand il me voit. Il est tellement excité qu'il pisse partout. Ouais, c'est ça, ouais. Ah, non, mais là, je vais pas pisser partout. Ça veut dire qu'il est content, non? Ah, ouais, il est heureux, ouais. Tu vas pisser partout, là, comme ça? Ah, ouais, que ça. T'as gagné le clash. Il fait des gouttes partout. J'ai arrosé un peu le studio, quoi. Non, mais je disais bonjour, Augustin, tout simplement. C'est bien. Ouais, mais t'inquiète pas, Romano, j'ai quelque chose pour toi après. Ah, ouais, c'est bien ça. J'espère que c'est un cadeau. Non, c'est quelque chose pour toi. D'accord, bon, vas-y, j'attends. Bon, alors, Augustin, t'appelais pour Ben, toi. Qu'est-ce que t'avais à dire à Ben? Ouais, bah moi j'avais à dire que... Non, c'était... Ouais, c'est Ben. Oui, c'était pour cette histoire d'orthographe, là. Ah non, c'est Elliot. C'est Elliot. Ah, d'accord. Ouais, c'est Elliot. Ok, bon, bah reste avec nous, parce que justement, on va reparler à Elliot. Bon, Ben, tu quittes pas, on va revenir avec toi, et puis on attend vos réactions pour Ben, là, allez-y. 41 Sky, Skyrock.fm. Pour l'instant, on s'en est arrêté au pari. Ou alors à leur dire, leur expliquer cash. Expliquer cash pour leur dire la vérité. Ouais, écrire une lettre, on nous dit. Ou alors tu vas à une soirée déguisée. Une soirée déguisée. Ouais, mais vu qu'ils ont des doutes déjà, ça c'est mort, je pense, de leur raconter des mythos. Ouais, non, donc, bon. Bon, voilà. Alors, reste avec nous, on va revenir avec toi, Ben. Ok, c'est cool, merci. Bon, vas-y, on va reprendre Elliot avec des problèmes d'orthographe. Alors, orthographe, comment tu l'écris déjà, Guillaume? Non, c'est Elliot. Elliot. Ah oui, Elliot. Ok. O-R. Oui. Ouais, c'est bon, je sais l'écrire. T-H-O. Oui. C'est sûr que le H, il est là, gros, il est pas après le G. Ou après le G. G-A-R-F-A-P-H-E. Et ben voilà. Ouais, voilà. Bon, bah, c'est pas mal pour les problèmes d'orthographe, là. Bon, si vous avez des problèmes d'orthographe, n'hésitez pas à nous appeler. On va essayer de vous aider ce soir. Qu'est-ce qu'on pourrait faire épeler comme mot Bon, Romano, t'as pas de problème d'orthographe, toi? Non, ça va, moi. C'est toi, c'est juste pour parler. Moi, je galère. Tu sais bien, écrire. Ouais, en même temps, putain, j'écris rarement. Anticonstitutionnellement. Ouais, non, mais ça, c'est. Ouais, ça, c'est chiant. Faut éviter, quoi. On va y passer 10 minutes là-dessus, là. Il y a trop de lettres. Non, mais je sais pas, par exemple, psychologue. J'ai écrit un psychologue parce que Marie a été psychologiste. Oui. Ah oui, c'est vrai, j'ai été psychologiste. Ouais. C'est ça, Marie. Tout va bien. Alors, psychologue. Ouais, ça, je sais l'écrire. Comment t'écris, Samy? Attends. Bon, alors on va demander peut-être à Elliot. P-S-Y. P-S-Y. C-O-L-O-G-E-U-E. Non, mais là, vous oubliez. Ah, attends, non. Bah, non, attends. Il manque un H. Là, ça fait. Oui, il manque un H. Hein, ouais, il manque un H, ouais. Ça fait psycholou, ce que t'as. Psycholou. C-L-U-E. Psycholou. Voilà, c'est un psycholou, moi. Il manque un O, tu veux dire. Je suis pas le seul, alors. Ah, non, t'es pas le seul. Alors, par exemple, paralysie. Il n'y a pas de H à Non, mais. Non, parce que. Mais oui. Ah, Samy, il est encore bloqué sur psycholou. On a changé de mot. Ça fait qu'il y avait un H. Paralysie. Après le C. Tu le mets où, le Y? Ouais, là, c'est trop dur, ça. S'il y en a un. C'est trop dur. Tu mets où le Y à paralysie? Ouais, mais ça, c'est un piège. Est-ce que t'en mets deux, peut-être? Peut-être qu'il n'y a pas de Y aussi. Ah ah. Mais non, j'en mettrai un quand même au. Para. À la fin, non? Sur le premier. Sur le premier. S-I. Romano. Oui, bah c'est. Attends, sur le premier, t'as dit? Oui. Paralysie. Ouais, si c'est ça. Bravo, bravo. Bravo. Alors, Augustin, t'avais peut-être une solution pour ceux qui savent pas écrire ou qui écrivent avec des fautes ou qui accordent pas les temps et. On disait qu'il fallait qu'il lire tout à l'heure. C'est toi qui disais ça, Samy. Non, c'est Marie qui. Ah, c'est Marie, oui. Mais moi, c'est le conseil qu'on me donne depuis que je suis gosse. Ah, dis ça comme conseil. C'est vrai, Marie. Bon, alors, Augustin. Bien sûr, parce que tu photographes. Ouais, alors. Alors moi j'avais un truc, c'est maman elle fait pas mal d'études dans tout ce qui est orthographe. Elle est prof. Et non elle est pas prof du tout. Moi on est 8 enfants dans la famille. Oui. Et donc elle a un peu l'habitude, surtout que moi je suis le premier et j'ai eu pas mal de problèmes d'orthographe. C'est ça. Ok. Donc, toi. T'as bien compris. Voilà. Et non, mais maintenant c'est presque terminé. Bon, j'ai une bonne moyenne quand même parce que j'ai passé mon bac de français l'année dernière. Au moins, ça c'est très bien passé. J'avais eu 11 à l'écrit, 15 à l'oral. Pour un mec nul, bon, tu t'en avais pas trop mal sorti en fait. Ouais, je m'étais bien sorti. Et en fait, en ce moment, elle est en train de lire un bouquin. Bon, je sais plus trop le nom, mais elle m'en parle un petit peu. C'est une histoire de cerveau gauche et de cerveau droit. En fait, le cerveau gauche, c'est le cerveau analytique. Et le cerveau droit, c'est celui qui récupère toutes les informations, que ce soit les images, les sons. Donc c'est un autre cerveau gauche, si vous touchez de la tête gauche, enfin le côté gauche de la tête. À gauche de la tête. Donc c'est le cerveau qui fait quoi, lui? Il analyse. Qui analyse. C'est le cerveau, donc quand on réfléchit et qu'on parle, par exemple, voilà. Donc c'est lui qui Exactement. Marche. Et le cerveau droit, il sert à et quoi? Et le cerveau droit, c'est lui qui récupère toutes les informations, point de vue des images. Et c'est pour vous qu'elles n'ont pas, les femmes. Ah, on en a tous les bouts. Non, c'est une histoire de proportion, après. Voilà, d'accord. Non, et donc, en fait, quand... Et le cerveau qui fait marcher, il est où? C'est les deux, si tu veux. C'est des liaisons neurologiques, si tu veux. Ah, ouais, il y a des tuyaux qui relient les deux. Ouais, voilà, gros, exactement. Et en fait quand toi, Romano, ça bug au niveau des tuyaux. Ouais, il y a des câbles qui ont pas été des câbles qui ont pas été mis, chez Romano. Il y a des coupures, il y a des trucs, là, il y a des problèmes. Ouais, et donc, en fait, c'est une histoire de concentration, là, vous l'aviez dit tout à l'heure. Et en fait, il faut que ce soit le cerveau analytique qui travaille plus que le cerveau réceptif. Donc le cerveau gauche. Le cerveau gauche, ouais, fait le travailler, mec. Déconcentré, donc, man. Donc il faut qu'il fasse du travail de concentration. Oui, alors comment donc, tu fais ça? À base de dessin, à base de... Tu dessines? À base d'exercices de grammaire de base, hein, mais des trucs comme ça. Le calcul mental, des trucs comme ça, quoi. En fait, ouais, t'expliques que le cerveau, c'est comme un muscle, que ça ouais, se travaille. Ouais, faut l'entraîner, quoi. Ouais. Exactement. Il y a des trucs, là. Est-ce que ça marche, là? Sur la DS, sur le professeur Yamatouni. Non, parce qu'en fait, si tu veux, c'est le cerveau droit. Je sais pas comment ça Yamatouni. Le professeur Yamatouni, qui c'est ça? Non, mais l'entraînement cérébral du cerveau, là, il y a la pub qui passe à la télé, là. Tu sais, les jeux sur DS ou... Layton. Ah bah ça n'a rien à voir alors. Mais non, c'est pas ça. Qu'est-ce que tu racontes? C'est les deux, c'est pareil. Le truc cérébral là. Ah si, moi je l'ai, moi c'est à la maison. Et en fait, ça t'entraîne le cerveau, soi-disant. Mais vous devriez faire des parties ensemble, Romano et Cédric. Non, mais pour moi. Cédric a fait la gymnastique des yeux à outrance. D'un niveau, tu sais, ça te fait mal à la tête, c'est trop compliqué. Non, mais pour moi, c'est pas une bonne solution parce qu'en fait, justement, c'est le cerveau réceptif, donc tout ce qui est image qui travaille et pas du tout le cerveau analytique. Donc en fait, il faut faire des exercices, tout ça. Il faut faire des exercices sur papier, sinon ça marche pas. Non, sinon, il y a des bouquins qui existent pour faire ça, je pense. Oui, ça existe dans le commerce. Internet, hein, des Internet, trucs. Enfin, moi, ma mère, ce qu'elle fait faire, c'est au petit avant de travailler, c'est des histoires de dessins. C'est des dessins à base de carrés, de triangles. Et ils ont un dessin genre un cheval. et ils doivent assembler les triangles et les carrés pour faire le cheval. Et en fait, après, il y a la solution derrière avec les carrés et les triangles découpés. Ah. Tu vas t'éclater, Eliott. Tu vas faire un cheval. Tu vas dessiner un cheval avec des carrés, des ronds et des triangles. Il doit être beau, ton cheval. Non, mais bon, en fait, il faut faire travailler le cerveau comme un muscle, en fait. Ouais, mais c'est ça, hein. Bah oui. L'entraînement cérébral de Yamakoshi. Tu fais des Yamakasi. Ok. Ah, donc tu fais Yamakasi. Et d'ailleurs, on salue tous ceux qui font plein de fautes. Hein. Regardez, moi, j'oublie tous les S sur les mots au pluriel. Titi du 35. Bah, il suffit que tu te dises qu'il y a des S lorsqu'il y a des mots au pluriel. Et quand tu vois des gens au pluriel, bah, tu mets. Ouais, mais S. Des fois, c'est un X qu'on met. Oui, alors non, mais on va déjà mettre des S. Bah ouais, mais bon. Oui, mais déjà, on limitera les fautes. Ouais, c'est vrai, ouais. Par exemple, s'il y a curieux, tu mets un S, bon, c'est vrai que ça fait une faute. Bah là, c'est parce que c'est un X qu'il faut mettre. Mais au moins, tu éviteras des fautes sur les autres mots. Par exemple, je sais pas, débile. S'il y en a plusieurs, débile, vous écrivez. Comme ici. Faut comme dans le studio. Vous, Cédric. Un Romano, vous n'oubliez pas de mettre le S. Mais oui, des débiles. Voilà, au pluriel. Débile. Ouais, donc faut se concentrer. C'est ça en gros que tu dis. Et puis, quand on écrit, bon, que ce soit une rédaction ou quelque chose, ça paraît débile, mais il faut épeler chaque lettre. Ouais, c'est ça. Comme tu disais, quand tu te concentrais, tu y arrivais. Ouais, mais bon, si tu fais ça pas dans un devoir, Le devoir, jamais le temps de le finir, quoi. Il sera pas long. Bah ouais, mais bon. Si t'épelles tous les mots, t'as pas fini, quoi. Ouais. Bah, tu dis à la prof, tu dis, bah, c'était pour éviter de faire des fautes. Bon, il n'y a qu'une page. Ouais. Voilà, ouais. Un paragraphe, même, mais bon. Mais moi, ça a marché. Hein. Bah écoute, merci. Si c'est une méthode qui peut en aider certains, là, qui ont des problèmes pour écrire, ça vous fait chier toute la vie, les problèmes d'orthographe. Ah ouais. T'en as besoin toute ta vie. Ça fait chier quand tu écris des trucs, Samy, toi. Ah bah ouais, j'aimerais bien pas me tromper. T'écris une lettre, tu la relis 10 fois. Ah ouais, c'est clair. Ouais. Même des fois je bloque. Par exemple, tout à l'heure j'ai bloqué sur quoi? Je voulais écrire un mot et du coup j'ai changé de phrase carrément. Bonjour, il voulait bonjour. Dire. Bonjour. Attends, en plus c'est par rapport à toi. Je vais écrire un. Par rapport à Augustin? Ah, là, j'ai écrit cramé à la place. Ah ouais, découvert. Ah, tu sais pas écrire découvert? Oh, ça m'a rendu fou. C'est facile, découvert. Tiens, je voulais écrire. Ses parents ont découvert qu'il était homo. Oui. Et je me suis rendu fou et ça m'a rendu dingue, ça m'a énervé. J'ai écrit, ses parents ont cramé qu'il était homo. Tu vois. Voilà. Mais je te jure, dans ma tête, ça a bloqué. J'étais là, attends, tu voulais écrire comment? Il y a tout qui... Mais j'arrivais pas. Alors, D, accent aigu. Q, il y a tous les R qui s'en mêlent. Q, U, U. J'arrive pas, gros. V, A, I, R, E, S. Voilà, découvert. Non, mais tu vois, avec, tu vois, ils ont les S, les E, N. Tu vois, t'as écrit, ses parents ont cramé avec un S, et ben, il n'y a pas d'S. Et pourquoi? Parce qu'il y a on. Ah oui, c'est le verbe avoir. Il a deux parents. Mais non, mais on, c'est le verbe. Enfin, c'est le sujet. Ouais, c'est pas le sujet, Marie. Ouais. Les parents. Ah, excuse-moi, putain. C'est le sujet. Et moi, j'ouvre la gueule. Le verbe avoir. Non, le verbe avoir. Merci, Marie. Ça fait trop rire, c'est qui va me l'air. La débile, tu sais qu'elle a tête ailleurs. Je vais écouter Romano. Non, mais le verbe avoir, tu conjugues jamais. Le verbe avoir, ouais. Oui, le verbe avoir, tu ne conjugues pas. Non, c'est pas conjugué, Marie, tu l'accordes, on dit. Accordé, ouais. Mais tu l'accordes, Marie, mais tu vas embrouiller, là. Non, mais laisse tomber. Allez, on arrête, Cédric. Non, parce que si Cédric s'y met, là. Mais fais-le me taire. Tu l'accordes avec le VOD. Non, c'est la règle. Oui, si moi, je me suis emmêlé, pas toute seule. C'est le sujet, et avant. Bon, Cédric, c'est pas gagné. Tu vas faire des fautes. Voir ça, les COD, machin. On va enfiler. Ta mère, elle a du taf ces temps-ci, ou alors elle est un peu libre, Augustin? On va lui envoyer du bon. Je veux lui dire qu'il y a une équipe de bénil, là. Ouais, c'est clair. Elle est mère de famille au foyer, et elle a déjà pas mal de boulot. Ah oui, il en a 9, tu nous as dit. Ouais, c'est ça, vrai, avec une grande famille. Ouais. Ah ouais, bah tu salueras toute la grande famille, Augustin. Ouais, pas de soucis. Dommage, parce qu'on en aurait du boulot ici. Hein. Mais bon, tant pis. Bon, bah, merci en tout cas des renseignements. Et puis tu vas pas. Une dédicace? Ouais, puis on va t'envoyer ton jeu ou ton maillot à toi aussi. Ouais, ok. Bah, petite dédicace, vas-y. Bon, bah, alors, petite dédicace à la classe terminale STL et à la classe première STL de Saint-Agnès. Bonjour, la classe RTL. C'est comme la radio. Non, c'est pas pareil, non. C'est génial. Non, c'est STL. STL. Et puis, bah, voilà. Et puis, tous ceux qui m'ont reconnu. C'était toi qui avais un truc pour moi, non? Bah, oui, voilà, tes bugs, là, Romano. Ouais. C'est une histoire de concentration. Bah voilà, t'es pas concentré en émission, ouais, ça vraiment. Ça vraiment, de ne pas être concentré en émission, c'est pas bien, Romano. Ah ouais, ce qu'on me disait, moi on m'avait dit que c'était la fatigue, moi. Tu sais, quand t'es fatigué, t'arrives plus à parler, quoi. Bah oui, mais parce que justement, t'es fatigué, donc au point de vue concentration, tu perds en concentration. T'as vu, t'es pas concentré, c'est pas bien. Voilà. Aïe, déconcentré, man. Bon, ok, bah quitte pas, Augustin, merci du coup de fil. Hein. Ok, merci. Et puis, Eliott, bon courage à toi. Une petite dédicace. Et puis, tu peux passer une petite dédicace, vas-y. Dédicace à toute la troisième verte, à Ophélie, Marco, Paul, Bina, Méga, et voilà. Et ben on t'envoie ton jeu ou ton maillot aussi à Nancy. Hein. Ok, sympa. Et puis on espère que tu t'amélioreras un petit peu. Concentre-toi, fais des efforts. Ouais, je vais essayer. Bon, bah, bon courage. Bon courage, oui. Salut Eliott, raccroche pas, ciao. Big up. Tiens, on était à Nancy, c'est pas loin de l'Allemagne, il y a un message que je voulais vous lire en speed, hein, juste avant de... Ah, Gunther est là. Est-ce que Gunther est là, mais... Ah ouais, Gunther. Bonjour, Gunther. Bonjour. Bonjour Gunther. Bonjour Monsieur Chauff. Ah, ta gueule. C'est Monsieur Chauff. Alors, t'as bien pris des saucisses. Je m'appelle Gunther. Oui, tu es allemand. Oui, je sais. Alors, on avait un SMS pour toi. Oui, non, pour Erapère, là, Erapire. Même qui nous laisse un message. Est-ce que vous savez s'il existe un Skyrock allemand? J'ai mon correspondant allemand qui écoute que du rap et du hip-hop. Pouvez-vous me répondre? Ah, oh bah il devait y avoir des. Je sais même pas si des radios. Pourquoi il écoute pas Skyrock sur le net? Bah oui, mais il va rien comprendre. Ouais, mais pour le. Bonjour! Ah, Guten Tag! Faudrait que Gunther vienne faire une émission pour lui. Eh ouais, un show en allemand. Bonjour, enfin écouter du hip-hop! Ah! Hip-hop! Ouais, ils ont aussi. Ça a bien existé, quoi. Non, je crois pas qu'il y ait des radios. Il y a peut-être des petites radios hip-hop. Moi, j'avais déjà entendu du hip-hop allemand. Ils font pas le monstre. Ouais, c'était pas mal. Hein. Mais le rap, ça marche en Allemagne. Oui, ils aiment bien. Ouais. Ils aiment bien, je crois. Ouais, c'était pas mal. Eminem, il aime bien l'Allemagne. Ya. Yeah. D'ailleurs, les rappeurs vont souvent. Ils viennent en France, mais ils viennent en Allemagne. Ouais, après en Allemagne. Ouais. C'est les deux plus gros pays d'Europe. Exactement, pour le hip-hop. Donc, il doit y avoir des web radios allemandes qui passent du hip-hop. Si, je sais pas du tout. Si vous en savez un peu plus. Gunther, il sait pas. Bonjour, je m'appelle Gunther. Alors, tu connais pas. Gunther, il a mué. Bonjour, je m'appelle Gunther. Oui, bonjour Gunther. Écoute, je sais pas. Je sais pas. Bah, merci Gunther. Voilà, il sait pas non plus. Bon, ben on salue en tout cas nos amis allemands. Ya. Yeah. Avec leur porte-parole. Hein. Ya. Yeah. Gunther, oui. Je sais que dire ça en allemand. Ya. Yeah. Mais t'as fait allemand en cours. Parce qu'on parlait de français j'ai là. J'ai fait 5 ans, j'ai ya, Guten Tag. Tu sais rien dire. Auf Wiedersehen. Oui, ben bonjour, au revoir. Dankeschön. À part bonjour, au revoir. Non. C'est pas quoi dire. Ah non, ouais, non, je suis en allemand, je suis une vraie. Bon, en anglais, c'est pas mieux non plus d'ailleurs. Bon, bah, ça va être bien utile. Je suis fort en langue. Bon, allez, on va prendre Benjamin alors, en ligne avec nous à Pau dans un instant. Tiens, d'ailleurs, si vous voulez devenir acteur, on va en savoir un petit peu plus. Vous savez que j'ai été comédienne. Ah, allez, ça recommence. Marie, ça te rappellera des souvenirs. J'ai joué avec Yolande de la Bougne. Ah, la grande actrice Yolande de la Bougne. 8 entrées à son dernier film, bravo. Un carton, oui. Bravo, Yolande. Alors, Benjamin, lui, il a un truc à vous proposer, donc restez bien dans le coin. Juste avant, on va s'occuper de Ben. Donc, tes parents t'ont cramé avec ton pote. Donc, toi, t'étais en culotte, mais bon, c'est parce que t'étais plutôt efféminé. Oui, t'étais en culotte de fille, hein. Voilà, exactement. T'es gay et féminin. Et t'avais un petit débardeur de fille et t'étais sur les genoux de ton mec. À ce moment-là, les parents ont ouvert la porte. Et ils l'ont refermé d'ailleurs. Oui, ouais. Voilà, ouais. Et depuis, vous n'êtes pas reparlé. Alors, est-ce qu'il faut leur en parler? Bon, il y avait tous les avis qui étaient proposés tout à l'heure. Faut leur en parler cash, faut leur en parler sans honte, faut rien dire. Voilà ce que vous nous disiez. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre aussi? Dites que c'est un pari que vous aviez fait tous les deux. Bon, après, il faudra expliquer pourquoi t'étais sur ses genoux. Mais bon. Ouais, c'est clair. Bon, et là, il y a Hugo qui est en ligne avec nous en direct de Paris, la capitale. Salut à toi, Hugo. Salut l'équipe, salut à tous, Marie, Cédric, Momo. Wesh mec. Wow, quelle voix Hugo. Tu fais vibrer la Marie et peut-être Ben aussi d'ailleurs. Ah bah oui, t'as pas vu. Jolie voix. Ah, jolie voix, tu vois. La Marie approuve. Moi j'aime également bien les grosses voix, ouais, ça c'est clair. Bah, merci. Et grosse voix, grosse quéquette. Non, alors, ça veut rien dire. Yeah. Donc toi t'as 18 ans Hugo. Hein. Voilà, tout à fait. Et t'appelais pour agir par rapport à Ben. Voilà. Mais moi, en fait, j'ai beaucoup, beaucoup d'amis gays, parce que je suis à l'école et donc dans mon école, il y a pas mal de personnes homosexuelles. D'accord, je fais une école de quoi? Dans l'art, des trucs comme ça, non? Moi, je fais une école de théâtre, ouais. De théâtre. Voilà. T'es théâtriste. Mais non, mais arrête de dire des conneries. Quand c'était comédienne, théâtriste. Mais c'était dans un théâtre. Non, mais j'ai fait du théâtre un petit moment, ouais, mais bon. À Pigalle. Ouais, mais bien sûr, évidemment, les gens m'écartaient, c'est déjà connu. Oui, c'est des shows. Ouais, bah, bien sûr. Donc oui, tu connais beaucoup de gars qui préfèrent les garçons. Mais il y en a qui l'avouent pas ou c'est clair pour tout le monde? Bah alors, non, en fait, le problème de cette école, c'est que au début, les mecs, t'en as, c'est ce qu'on appellerait, c'est un peu comme Ben, quoi. C'est des mecs qui s'affichent pas, mais qui, sont des personnes qui montrent bien, qui sont homosexuels, quoi. D'accord, voilà. La manière dont ils s'habillent, tout ça, tu te dis... Ouais, comment ils se comportent avec leur corps et tout, ouais. Ouais. Quand il doit y avoir des mecs efféminés qui sont pas du tout homo, hein. Ah ouais, ça existe aussi, oui. Bah oui, hein. Ah, Cédric, hein. Tu as bien dansé, là. Ouais, je vois ça, ouais. Et alors, donc, oui, il y a ceux que tu remarques. Et puis après, bah, il y a ceux qui, que tu remarques pas, qui genre, dans les interclasses, viennent te parler, tu commences à te taper à discute, et tu te dis, tiens, je viens de me faire un pote, et puis après, ils te posent la question suprême qui est, t'es bi, hétéro, homo, quoi. Voilà. Et, non, mais c'est pas, ouais, il y a pas mal d'homo, mais bon, c'est, enfin. Ouais, donc, toi, t'es pas homo, toi? Non, moi je suis complètement hétéro, moi. Et par rapport à l'histoire de Ben, alors comment tu réagirais, ayant présenté un peu le milieu? Bah en fait, moi j'ai un de mes meilleurs potes qui est homosexuel. Mmh. Enfin, mon meilleur pote qui en fait s'est fait griller chez lui, par son père qui rentrait du travail entre midi et deux, ce qui d'habitude n'arrive jamais. Et en fait, il est en plein préliminaire avec son copain. D'accord. Donc il avait la bouche, on va dire, il avait la bouche pleine. Voilà. Oh, papa. C'est un déguisement, papa. C'est une soirée déguisée. Non, mais tu dois être mal, imagine, Romano. Ah non, mais là, horrible. Ton père arrive à la maison. Cédric est passé comme ça, à l'improviste. Une envie t'a pris. Tu t'es jeté sur son sexe. Ah, c'est lui. Et tu t'es mis à lui gober les boules. T'as gobé les boules de Cédric. Ah, je dégueule. Ah non, mais là, putain, moi, je sais pas ce que je ferais. Comment tu réagirais? Ton père arrive. Oh, trop de chaud. Ah non, mais. La chimie de ton père. Ouais, non, mais il fait pas ça, mon père. Non, mais. Ah oh putain, je l'enlève de ma bouche, quoi. Qui, Cédric? Ouais, des premières étapes. Et alors je pense que je pleure. Ah ouais, à ce point? Ah, je pense que je m'effondre. Mais oh non, papa. Pas ça. Ah non, mais ouais, tu dois être trop mal à l'aise. Ah bah, ce que tu veux dire. Ouais, ton père, il pleure aussi. Comment il a réagi, ton pote, alors? Bah alors moi en fait ce qui s'est passé c'est que bon déjà il a fait comme Romano, il a pleuré. Ah il a pleuré. Ah bah tu vois comme quoi. Ah bah c'est trop mal. Bah oui. En fait il est revenu l'après-midi, genre je l'ai vu, il était tout blanc et il se sentait vraiment mal. Il était mal le man. Non mais c'est clair, tu vas te sentir mal. Ah bah tu m'étonnes, ouais. Et puis bah donc je lui ai dit quoi, enfin mec, enfin voilà, ça fait depuis que t'as 10 ans que, enfin depuis très très longtemps que t'étais homo, donc maintenant va falloir que tu l'avoues à tes parents, en plus tu t'es fait griller. Et en fait ça a duré pendant une semaine, il s'est rien passé du tout. Ils n'ont pas parlé, ils en ont pas parlé, ni les parents, ni lui. Ah non, et puis alors le pire truc, bon sa mère est décédée, hein, mais son père quand ils étaient chez lui, il n'y avait pas de dialogue, il voulait pas lui parler, enfin vraiment une tension horrible. C'est l'ambiance. Et ça, ouais, ça a détendu la tension, non? Non. Non. Oui. Mais c'est bizarre ici, dans ce cas-là. Mais ça fait quoi alors? Ben finalement en fait ils se sont mon pote a appelé son copain et son copain est super diplomate quoi. Et genre ils sont allés au culot quoi tous les deux. Confrontation. Ils ont fait les réunions. Oui en fait il lui a présenté un peu son mec. Donc en fait Ben tu as compris, tu fais venir ton gars et ton gars va expliquer que tu t'habilles en femme parfois. Voilà parce que ça l'excite. Parce qu'il est très très excité quand tu habilles en femme. Excite, vous savez, monsieur, quand votre fils il est en meuf. Ouais, donc. Ouais, c'est pas une. Hein. Ah, peut-être pas aller jusque-là. Peut-être pas jusque-là. Je serait excite quand je suis en meuf. Non, après, ça peut être une solution aussi. Ouais, hein. C'est vrai. Moi, je dis, ouais, profite de l'occasion, parce qu'après, voilà, tu vas t'en vouloir. Oui, maintenant, ils ont vu. Ouais. Hein. T'as qu'à dire que tu aimes le sexe opposé quand tu trouves pas le bonheur avec les femmes, gna gna gna, nous dit. Ah, les gna gna, c'est les violons, nous dit Enzo sur le 41 Sky. Après, tu leur dis que c'était juste un kiff pour rigoler. Bon, ils ont bien fait des trucs qui les faisaient. Non, mais tu peux dire que c'était un. Comment on appelle ça? Ah. Un pari. Mais que si t'étais sur les genoux du mec, c'est que vous preniez en photo en fait. Parce que c'était un pari avec des potes. Ouais, mais bon, ouais, c'était pour la photo. Il va encore esquiver le truc. Ouais, c'est vrai qu'il va encore esquiver le truc. Ouais, t'as l'occasion de l'avouer, de leur avouer. Enfin, c'est pas un péché non plus. Ouais, c'est pas un crime. C'est pas un péché, non. Non, mais tu te sentiras mieux après, tu vois. Voilà, t'as fait ton coming out. Comme nous dit Tetris. Un coming out. Voilà, tu fais ton coming out et voilà. Bah, merci en tout cas, Hugo, du conseil et du témoignage là. Bah je t'en prie. Et puis une dernière chose, je pense que c'est mieux qu'il le dise dès maintenant, parce que bon, il va pas devenir du jour au lendemain hétéro. Donc oui, au moins que ce soit clair avec ses parents, même s'il accepte pas, tu vois. T'as l'occasion de pouvoir l'assumer devant tes parents, profites-en, ouais, fais-le. Vraiment, hein. Bah oui. C'est clair, quand j'entends la voix d'Hugo, je suis pas hétéro, c'est clair. Ah d'accord, voilà. Hugo, je crois que tu as fait carton plein du côté de chez Ben. Tu bandes? Non. Bah, c'est très gentil, merci beaucoup. Très, très ému, Hugo. Bah, merci, Hugo, en tout cas, du coup de fil. Bah, merci à vous, l'équipe. Et puis, bah, à bientôt. Et Ben, bah, bon courage. Tu reviens quand tu veux, et puis on t'envoie le jeu ou le maillot à la maison, là. Merci beaucoup. Et pareil pour toi, Ben. Donc, tu vas faire quoi alors, Ben? Ben, moi, je pense que, ouais, je vais peut-être en profiter pour le remporter, et peut-être par le biais de mon gars, quoi. Bah, écoute, voilà, ouais, tu vois. Essayer de passer par là, enfin, voilà, quoi, mais. Tous les cas, j'ai eu pas mal d'idées, ça m'a fait réfléchir, c'est cool, merci beaucoup. Bon, bah merci à toi, puis voilà. Bah, raccroche pas et quand on va ton jeu ou ton maillot. Ouais, eh bah, salut à toi, Ben, ciao, raccroche pas. Et bon courage. Bon, dans un instant, on va parler de. Un autre Ben, tiens, Benjamin, là, qu'on va retrouver avec nous en direct de Pau, qui a donc le truc d'acteur, là, dont je vous parlais. Des comédiennes. Eh bien, Marie, ça tombe bien, parce que Benjamin a une proposition à faire, ça va peut-être vous intéresser si vous voulez être acteur ou actrice. Je vous aurais bien une scène de Molure. Molière. C'est Molière. J'en ai des Molières dans la bouche. Ah. Eh bien, oui. En effet. Bon, et ah, ça, c'est malin. Dans la gorge. Bon, allez, on écoute Rihanna aussi, Root Boy, on se fera Yaz et Florida et Ripley aussi avant minuit sur Sky Radio Libre. Et les résultats du Lotto Foot qui arrivent. Et la pesée aussi. Ouais. Hein. On fait tout ça en direct jusqu'à minuit sur Sky. Tous les matins, retrouve les conseils pas chers de Romano. Allô. Oui, bonjour, c'est la radio Jean-Claude, comment allez-vous? Ça va très bien. Bon, ce matin, vous êtes sélectionné pour jouer avec nous, Jean-Claude, et peut-être gagner un très très beau cadeau et pourquoi pas une belle somme d'argent. Ouais, allez-y. Allez, on lance la roue, s'il vous plaît. Faut faire un beau stop. Stop. Top. Vous avez perdu. Eh ben, tant pis. Euros, votre compte sera débité automatiquement. Comment? On va vous débiter 10 euros sur votre compte. Pourquoi ça? Bah, parce que c'est une escroquerie. Eh ben, on verra ça plus tard. C'est la Romano des jeux à tous les compères. Tous les matins, 6h10, 7h10, 8h10, les conseils pas chers. Vous les rejouez peut-être? Bah oui, bien sûr. Ah bah allez, faites tourner la roue. Allez vous faire foutre. Il veut pas rejouer. Les conseils pas chers de Romano, c'est tous les matins dans le morning de Diffoul, 6h-9h sur Skyrock. Eh, hey, t'as remarqué? Les filles s'ennuient super vite avec les mecs. Tu veux un conseil pour les faire vibrer plus longtemps? Faut que tu twistes avec Axe. Entraîne-toi sur twistetfaislavibrer.com. Deviens le meilleur séducteur et gagne peut-être ta séance photo avec Clara Morgan. Il y a plein d'autres cadeaux à choper. Fonce sur twistetfaislavibrer.com. Et n'oublie pas, plus tu twistes, plus elle vibre. Envie de plus de sensualité avec Durex? Découvre Durex Contour, le préservatif Durex le plus fin qui existe. En ce moment, retrouve Durex Contour en promotion dans ton supermarché. Uniquement dans les magasins participants sur les produits porteurs de l'offre. Il est rappelé l'intérêt des préservatifs dans la prévention du VIH-Sida et des IST. Durex, les préservatifs qui donnent envie. Leur force est surnaturelle. Leur origine mystérieuse. Leur détermination implacable. Ils arrivent pour détruire l'humanité. Vous voulez dire que c'est l'apocalypse? Je dis que c'est une extermination. Légion, l'armée des anges. Ils sont là. Paul Bettany, Dennis Quaid, Légion. L'affrontement se prépare le 24 mars au cinéma avec Skyrock. Skyrock Radio. Un plan hot avec une copine de ta ville? Des contacts très chauds près de chez toi? Envoie plan au 6-10-14. Plan. Étudiantes, mariées, divorcées, elles attendent toutes de réaliser leur fantasme. Plan PLAN au 6-10-14. Le premier réseau réservé aux pures copines qui attendent de vrais plans cash. Envoie plan au 6-10-14. 35 centimes par envoi plus coût du SMS. Ce qui serait sympa, ce serait de partir à Londres, Barcelone, Prague. Bonne nouvelle, Eurolines, c'est 500 destinations au départ de 90 villes en France. Pour profiter d'un vrai week-end ensemble. Eurolines, c'est quand vous voulez, comme vous voulez. En plus, vous avez droit à deux bagages gratuits. Plus d'infos sur eurolines.fr. Total respect. Zéro limite. Radio libre. Tous les soirs, 21h. Tous les sur Skyrock. Et sur Skyrock, Rihanna avec Root Boy et vous tous en direct. Hein. On va retrouver Benjamin, là, notre casteur, on va dire. Ah ouais. Cherche des acteurs. Juste après Rihanna. Boy sur Skyrock, c'était le son de Rihanna. Rihanna sur Sky. Tous les soirs, dès 21h, défoulez sur Skyrock. Skyrock Radio. Radio Libre. Et Radio Libre en direct avec Ripley, le son de Yaz, Yaz et Florida, qu'on se mettra tout à l'heure sur Skyrock. Et oui, Romano, tu voulais remercier tous ceux qui avaient envoyé des messages. Merci pour les messages. Ah oui, merci pour les messages. Parce que tout à l'heure, on parlait de stimuler le cerveau, de faire un entraînement du cerveau. Oui. Et moi, j'ai parlé du jeu qui existe sur Nintendo DS, là. Oui. L'entraînement cérébral, là. Sur la DS. Et du professeur, bon, moi, je me souvenais plus du nom. Et le nom, vous l'avez envoyé. Hein, c'est bon, j'ai bien compris. Ouais, c'est Wak. Kamasutra. Kawashima. Kamada, ouais. Kawasaki. C'est le professeur Kawashima. Alors, c'est quoi le nom? Parce que là, on n'a toujours rien compris. C'est Kawasaki. Non, Kawashima. Hey, Yuki. Répète. Kawashima. Sayonara. Non, c'est ça. Kashinina. C'est trop compliqué comme nom de jeu pour toi, Romano. Hein. C'est le professeur Kawashima. Voilà, c'est ça, c'est Kawashima. Voilà, c'est le professeur Kawashima. Entraînement cérébral du docteur Kawashima. Ouais. Misa 69. Ouais, ouais, ouais, ça. Bah c'est ça, ouais. Romano, il a pas de cerveau gauche. Tu vois? Il te manque un bout. C'est les femmes. Il te manque un bout de cerveau. Ah, Marie, c'est les femmes. Tu comprends? Oui, effectivement. Mais non, mais je suis au téléphone, espèce d'abruti. Abruti. Oui, c'est que t'étais belle. Que j'étais belle. Bah ouais, que t'étais parfaite. Et c'est vrai, il a dit ça ou pas? Mais ouais, il est gentil, Romano. Ah, je sais pas, tous les mecs disent ça. Gentil. Alors, moi, j'y crois pas une seconde. Et pas du tout faux cul. Ouais, c'est ça, gros faux cul. Non, pas du tout. Jamais. Non, jamais. De quoi, tu lisais le truc sur la partie droite du cerveau et tout ça, là? Que vous utilisez que la partie droite du cerveau, sauf que nous, on utilise les deux hémisphères. Ah, ça, c'est une connerie, ça. Ah, bah écoute, je sais pas, je viens de le lire. L'homme n'utilise que la partie droite de son cerveau, alors que la femme utilise les deux hémisphères de son cerveau. Mais l'homme a plus de neurones que la femme. Non, on utilise tous ces deux parties, non? Ah oui. Bah écoute, je sais pas, j'en sais rien, mais je viens de le lire. Si vous utilisez les deux, on s'en rend pas compte. C'est comme si on marchait avec une jambe. Bon, alors on va prendre Benjamin là. Alors Benjamin en direct de Pau, dans le 64. Salut à toi, Benjamin. Oui, salut. Salut, Benjamin, comment ça va? Ça va et vous? Eh bien, écoute, ça va bien, Benjamin. Sois le bienvenu ce soir. Ben merci. Alors toi, tu nous appelles parce que t'es un peu dans la comédie. Cinéma, dans quoi en fait exactement? Le théâtre peut-être? Oui, théâtre. Je suis comédienne. Oui, alors Marie aussi, comme tu peux l'entendre. Hein. Oui, tout ce qui est série et film amateur en fait du coup. Donc tu fais quoi en fait? Tu tournes des trucs? Oui, en fait, ça fait un petit... Réal. Ça fait un petit moment en fait avec un ami. Je croyais que tu parlais du Real de Madrid, Romano. Tiens, d'ailleurs, on fera les résultats du loto-foot là tout à l'heure avant minuit. Là. On va les faire juste après toi. Non, mais t'es réalisateur? Non, enfin moi je suis juste, enfin c'est juste amateur, donc du coup j'ai justement de faire quoi la mini-série. Et justement, il y a des gens qui voudraient jouer dedans. Ah non, mais c'est le téléphone. Ah d'accord. Alors t'as compris, Romano? Ouais, en gros, je sais pas, tu fais des séries amateurs. Oui, voilà, et j'ai justement un site, et je voulais justement savoir si justement je pouvais l'envoyer, enfin, il y a justement Skyrock pour le faire connaître et voir s'il y a des gens qui seraient intéressés, oui, pour jouer dedans, justement. Ah, pour faire acteur dans ton sur ton site, en fait. C'est des courts-métrages que tu fais? Oui, en fait, c'est une petite mini-série, un peu comme des séries, sauf que c'est des épisodes qui durent 9 à 10 minutes, en fait. Mais c'est quoi, genre comme un gars, une fille? Non, c'est un truc d'action, en fait. Enfin, c'est un peu basé sur l'amour et les sentiments. Comme ils disent, dans le format, c'est un format court. Oui, c'est très court, c'est entre 8 et 9 minutes. Oui, sinon, un peu comme un gars, une fille. Mais... c'est super, un gars, une fille. Ah, Romano, il aime bien, il veut faire un gars, une fille. Tu veux tourner avec qui? Qui c'est qui aimerait bien être acteur dans l'équipe? Cédric, t'aimerais bien être acteur? T'aimerais bien? Non, la bouche pleine. Non. Allez, t'avales vite. Non, mais je vois du ice tea. Attends, il est habitué, hein? Non, acteur, moi, j'aimerais pas. Moi, passer à la télé, j'aime pas. T'aimes pas? Samy, t'aimerais bien le cinéma, j'aime bien, ouais. Alors, tiens, Romano, tu fais un gars ou une fille, et Samy, vous tournez dans le même truc, et on fait une série. Ouais, d'accord. Bah, tu fais la. Bah, tu feras la. Ça sera un gars, un gars. Voilà, un gars et un gars. Un gars et un chauve. On se disputerait comme dans les couples. Voilà, et vous prenez la tête. À cause du chien? Oui, par exemple. Non, on pourrait être filmé avec ta meuf, Romano. De quoi? Ça serait rigolo de vous filmer là. Ah bah moi c'est Confession intime. Moi c'est non. C'est gentil, non. Elle préfère le chien à moi. Non, moi ce serait plus un gars, une fille. Un gars, une fille. Il y a trop de scènes où ça me rappelle mon couple, quoi. Ouais, bah ça rappelle tous les couples. Ah ben ça, je peux le dire tout de suite. Pour ça c'est bien foutu. Exactement. Bon, alors comment on fait si on veut être en contact? Bah donne ton adresse en fait, ton adresse mail. Alors en fait, il suffit en fait d'aller sur la boîte de Pandore du 64.com. La boîte de Pandore du 64.com, donc c'est l'adresse de ton site, et là il y a les vidéos, et en plus on peut prendre contact avec toi. Oui, voilà, tout à fait. Donc il y a la bande-annonce en fait qui montre un peu tout le système pour savoir si justement les gens sont intéressés par ça. Parce qu'en fait, nous, on a fait toute la première saison, puisque c'est pareil, on fait un système de saison. Mais en fait, t'as jamais été appelé par une chaîne de télé, non? Non, parce qu'en fait, c'est vachement difficile de se faire connaître. Et c'est pour ça, justement, que je voulais appeler l'équipe de Diffoul, comme ça, pour voir. Ah, pour qu'on fasse un peu de promo. Et donc, si on a, c'est pour des gars qui habitent plutôt à Pau, alors, puisque vous tournez dans le coin, non? Dans le 64. Bon, après, s'il y a des gens qui peuvent se déplacer, oui, mais bon, après. Bon, si c'est un kiff pour vous d'être acteur, dites-nous, hein. Je sais pas qui serait. Karim aimerait peut-être être acteur. Il voulait être chanteur à une époque, puisqu'il était inscrit à la Starac, je crois. Ouais, il voulait être copain avec Nolwenn Leroy. Ouais, il voulait être son. Il voulait être son cub. Il voulait être sa best. Tu voulais être chanteur, t'as voulu être mais gros, mais c'est... Non mais c'est pas vrai. Ce que t'as voulu faire. Bon alors, ouais, non. On n'est pas dans la chanson d'accord. Aujourd'hui. Non mais par contre, être acteur, t'aimerais bien. Ouais, franchement, moi ça me dérangerait pas. D'ailleurs, il y a même Emmerich, l'animateur, qui fait une série sur Internet. Et ouais, et t'aimerais bien tourner dedans. Ouais, mais je vais tourner dedans, gros. Ah non, alors ça je veux voir. Ah là, on va bien rigoler là. Ah oui, ça c'est clair. Le rôle du niais. Emmerich, il va pas bien, il est tombé sur la tête. Le tapin sur le trottoir. Non, apparemment, il m'a mis un rôle et tu feras le bénet. Ouais, et je serre une meuf. Serre une meuf. Ouais. Non mais c'est pas réaliste son truc. Ouais. Non, pas du tout. Non. Mais c'est ça qui est bien avec la comédie, Benjamin. On peut faire des trucs qui n'arrivent jamais dans la vie. Mais tu payes. Il paye, hein? Non, en fait, c'est justement. Ah. C'est tout amateur, donc c'est juste pour le plaisir. Ah, en fait. On n'est pas payé ton truc. Eh ben non, malheureusement non. Désolé pour toi, Romano. Tu vas pas être acteur alors, Romano, si t'es pas payé. Non mais ouais bon après je pense me file comme les acteurs américains. Oui. Par exemple Johnny Depp. Oui, Johnny c'est Depp. T'aimerais être Johnny Depp. Non, c'est le mieux payé à Hollywood. Non mais c'est vrai, c'est l'acteur le mieux payé. Bon après tu me donnes une somme d'argent comme il fait, vas-y ton film je te le fais, hein. Il y a pas de problème. Mais sinon donc, tu pourras avoir Romano à ton casting uniquement si tu payes très cher. Non mais sinon c'est pas un kiff en soi moi, ouais. C'est pas le truc qui m'intéresse. Si y a pas d'oseille, forcément ça t'intéresse pas. Non mais si, il y a des trucs qui des fois je sais pas payer et je fais. Hein. Quoi par exemple, aller faire caca? Non mais c'est Kev, quoique des fois si tu sais. Des fois tellement c'est dur. Non mais j'ai pas d'exemple précis, mais je fais pas tout contre de l'argent quoi. Il y en a plein qui auraient aimé participer à ton truc, ils sont pas de Pau là, regarde. Je suis pas de Pau, je suis de Paris, ça m'aurait plu, c'est dommage, message de Diesel sur SMS. Ah il y a des Palois. Il est où de Pau? Moi oui, ça m'intéresse fortement. Tu vois, il y en a qui sont intéressés par ton plan, Benjamin. Donc vous allez sur la boîte de Pandore du 64.com. Boîte de Pandore du 64.com. Voilà, pour rentrer en contact avec toi et puis pour voir ce que tu tournes. Je suis sur Pau. Et ta série, ça s'appelle Life? Oui, tout à fait, ouais. Ah ouais, Life. Donc je suis dessus, là. Ah ben, Life. Tu me diras, Romano, si c'est bien. Justement, on a créé la bande-annonce. Donc ça, c'est la petite bande-annonce qui montre un peu tout le système, en fait. De la non, série. Mais c'est bien, hein, si vous avez envie d'être comédien, c'est des délires que vous pouvez vous taper avec des potes. Si vous faites chier, par exemple, les week-ends, ou vous faites chier C'est clair. Ouais, quand vous avez du temps de libre, vous tournez des trucs, ça coûte pas cher. Enfin, il suffit d'avoir une caméra. Ouais, une caméra. Hein. Même avec un téléphone, tu peux tourner, ça peut faire un style. Ouais. C'est une série sur téléphone. C'est une série pas chère. Pas cher. Tiens, je suis sur Pau, je suis intéressé, mais je n'ai que 15 ans. Est-ce que c'est possible? Tu prends tous les âges. Bah aussi, de toute façon, oui, on prend. Oui, de toute façon, on a plein de rôles, justement, à donner. Alors. Bon, voilà, profite. Ouais, oui, c'est pour ça, parce que sinon c'est pas évident, donc du coup. Ah, vous tournez dans les bois. Ah, ça t'excite, Romano. Il s'agit, oui. Bon, on va mater ça, puis on va vous dire ce qu'on en pense dans un instant. Reste avec nous, Benjamin, quitte pas, hein. Ouais, d'accord, ouais, pas de soucis, ouais. Bon, tu restes dans le coin. Tiens, merci, et ouais. On parlait des tout à l'heure, on parlait des Allemands et message qui nous demandait s'il y avait des radios en Allemagne qui passaient du rap et du R&B comme Sky. Il y a une radio qui s'appelle Big FM. Big FM. J'adore Beat FM. Big FM. Non, Big Gros Big. De Beat FM. Big. Moi j'ai trouvé Spoutnik FM. Spoutnik FM, sur une radio hip-hop, c'est écrit sur la truc. Ouais, mais c'est des web radios. Ouais, c'est ça. Donc t'as jamais personne qui parle en fait. C'est comme si t'as autant d'écouter des disques. Ouais, je pense que c'est ça. Ouais. Donc là c'est Milka Moussa là, qui nous a laissé ça. Je vais souvent en Allemagne car mon mari est allemand. Bonjour, je m'appelle Gunther, je suis le mari de Milka Moussa. La chaîne qui correspond à Sky, c'est Big FM. Big FM, attends. C'est Big FM. Donc voilà, pour ceux qui. C'est pas, c'est plus quel était ton pseudo, mais t'avais un Corès allemand. Donc. Ah, Big FM. Oui, Momo. Qu'est-ce qui se passe? Ah, il y a les résultats du loto-foot. Est-ce que tu veux mettre Big FM? T'aimerais, vas-y, mets Big FM pour voir ce que ça fait, ce qu'ils écoutent en Allemagne. Et Momo, t'aimerais faire acteur? Pourquoi t'aimerais pas faire acteur? Non, comme ça, j'ai pas envie de. Trop moche! Pas du tout, j'ai pas envie qu'on voie ma gueule. Non, mais t'as une tête, hein? De quoi? Bah, ouais, bah, j'ai une tête de quoi? Je sais pas. Ah, ça, j'ai une tête avec un titi au-dessus. Je vais demander à l'équipe. C'est pourri, Big F. T'aimes pas? C'est ça. C'est Lil Wayne, ça, je crois. Ouais, bah avant, il parlait, j'ai rien compris. Juste avant, ça parlait, mais j'ai mis trop. Oui, bah il parle en allemand, tu sais. Ça, je comprends rien. C'est logique. Il parlait le mec, il chantait, l'animateur, il chantait derrière. Bah, il chantait. Il m'a rendu fou. Et il parlait en allemand, il disait Guten Tag. Non, le son, c'est pas. On comprend rien à Marseille. Bon, bah, si vous allez faire un tour en Allemagne, là. Voilà, fini Big FM. Bon, par contre, leur site internet, tu peux pas écouter. Ouais, c'est pas terrible. Bon, bah voilà. Bon, bah pas de chance. Pas de chance, vraiment. Bon, bah on aura donné le renseignement pour ton correspondant allemand Gunther, là. Ya. Bonjour, je m'appelle Gunther. Ah, bah va écouter Big FM. Bonjour, monsieur Chauve. Ta gueule, toi. Tu es monsieur Chauve. Oui, vous savez, monsieur Gunther. Bonjour. J'ai gagné le clash ce soir de la drague. Ah. Eh oui, j'ai gagné. Cédric s'est fait démonter. Le cul, ouais. Tu veux dire, c'est de la bonne saucisse, quoi. 91 à 9. Ah, t'es monté, oui. Ah, ça. Hey, sérieux même. Hein. Ah ouais. Bon allez, on fait les résultats du loto-foot et on fera la pesée juste après notre petit point régime. Ouais. D'ailleurs, vous avez quelques petits conseils à donner à Cédric, Romano et Momo. Putain, c'est trop mangé. Pour Ah moi aussi, putain. Alors, je crois que je vais grossir, obligé. Ah moi ça devrait aller moi. Ah donc Cédric, t'es optimiste. Romano, tu vas gonfler. T'es gros? Ouais, parce que j'étais chez mes parents là, j'ai beaucoup bouffé, beaucoup bu. Oh, ta mère t'a lavé avec une éponge? Non, pas ce week-end. Non. Et elle t'a amené ton petit déjeuner au lit? Non plus. Non, parce que quand on s'est levé le dimanche avec ma meuf, il y avait personne. Je peux te dire que ça a gueulé, quoi. Ah ouais. Comment ça se fait? Ah ça. Ah ouais, je sais pas, non, mes parents avaient été votés. Bah écoute, oui, évidemment. Wow, toi, tu y veux pas aller, toi. Ils ont le sens civique chez les Romano. T'as pas été voté. Eh, ça vote. Non, je dis non. Oui, il y est pas allé, regarde. Non, j'ai pas été voté. Bah t'as été, Marie? Bah oui. J'y suis allée pour Marie, elle est votée. Non, ça devient un truc. En même temps, c'est... Marie, allez voter. En même temps, c'est juste en face de chez moi. Hein. J'ai trois pas à faire. Ça aurait été un peu plus loin, j'y serais pas allée, mais bon. Je sais pas, moi, je suis même pas. Je crois que je suis même pas inscrit. Si, aussi, je suis inscrit. Bah, si, t'es inscrit. Ah, bon, moi, j'aime bien voter, c'est marrant, je trouve. Ouais, c'est marrant. Je pense qu'il y a tout de marrant. Ouais, ça va, moi, le dimanche, je préfère dormir, moi. Bah, tu vas dans après. Moi, je suis dans une ville où je préfère aller voter. Tu vas faire chier. On te rappelle que certains se sont violents. Battu pour que tu aies le droit de vote. A priori, vu les résultats, je suis pas le seul à pas y être allé. Non, c'est vrai. Ouais. C'est clair, ouais. Bon, alors on fait les résultats du loto-foot car il y avait aussi un week-end footballistique. Eh oui. Un week-end footballistique avec un loto-foot qu'on a fait tous ensemble vendredi avec Jimmy qui doit être avec nous. T'es là, Jimmy? Ouais, je suis là. Eh ben, re-bienvenue. Donc toi, t'es dans le 71, voisin de Romano. Hein. Eh ouais, toi, t'es à Blanzy, en Bourgogne. Ouais. Et tu as fait le loto-foot avec nous. Ouais. Est-ce que tu es content de tes résultats? Oui, bah sauf pour Lyon, mais ouais, sinon, ouais. Ah oui, Lyon qui a perdu contre Marseille, oui. Ouais, ouais, les gars, mais normal, alors, sans forcer. Les résultats du loto-foot, je vais vous faire les résultats du loto-foot, mais je vous expliquerai dans un instant qu'il y a eu un petit problème qui m'obligera à les annuler. Une anomalie. Non, un peu de la Sky Solidarité, vous verrez. Ah. Bon, alors... Je peux dire quelque chose? Oui, vas-y, Jimmy. Je vais dire que Romano, il avait assuré ce soir. Hein. Au clash? Ouais. T'as vu un peu, bah t'as voté pour moi. Ouais, c'est normal. C'est un peu grâce à toi que j'ai fait 91. Qu'il est soutenu. Merci. T'as Cédric qui. Oui. Vas-y, dis ce que tu veux. Cédric, il est moche, il est nul. Ah oui, c'est vrai qu'il n'aime pas Cédric là. J'avais oublié. Gros, tu dis que je suis moche, je suis nul, mais là tu parles d'un nain chauve en face de moi là. Ah mais il est plus beau que toi. Ça se voit que c'est un bourguignon, ça. Merci. T'as du goût. J'aime pas les bourguignons. Je vais vous donner les résultats. Pas mal. Du loto foot. Alors, je voulais avant de vous donner les résultats, vous expliquer que je me retirais de ce loto foot. Parce que bon, d'abord j'en ai non parce que d'abord j'en ai assez de gagner. Ça fait deux semaines de suite que t'as la loose. Et je me retire en soutien à David Beckham qui ça fait une semaine déjà que c'est pété la jambe. Justement. C'est cassé de la semaine dernière. C'est pété la jambe. Ah ouais. Et voilà. Terminé. Et donc au revoir à David, un grand joueur. Ah ouais, un grand joueur. Qui jouera peut-être plus jamais. Ah ouais, à mon avis, professionnel, je pense plus. Voilà, c'est fini pour sa carrière et donc je pense qu'on devait saluer David Beckham. Je me retire du loto-foot. En hommage à lui. Ce qui nous fait donc dernière, Karim. Il est nul, hein. Il en fait pas souvent des loto-foot, mais quand il les fait, il est nul. Il arrive dernière. Avec trois bonnes réponses. Ouais. Trois bons pronostics. Avant-dernière. Je crois que t'as oublié quelqu'un. Momo. Oui, non, Momo, il y a égalité dernière. Ah, Momo, égalité avec Karim. Non, mais je crois qu'il y a oublié. T'as vraiment oublié quelqu'un. Tu sais, qui est à moi. Deux points. Deux points sur dix. On enchaîne avec. Faut le faire, quand même. Le aussi nul. Le troisième ex-écho. Les troisièmes ex-écho, ils sont deux. C'est Samy et Romano Combien de points? Vous avez 4 points. 4 points. Voilà, toujours le double de toi. Ouais, ouais. C'est un peu nul. Presque la moyenne. Attends, ça déchire l'autofoot. Et première du loto-foot à égalité, on a Cédric. Et toi, Jimmy, qui arrive juste un peu devant Cédric. Bah, le bourguignon, t'es pas vénère. Eh bah, bravo, Jimmy. Pour moi, t'es malade, toi. Bah, bravo, Jimmy. Hein, bravo à toi. Il est exécuté avec moi. On a même mis 2 points, mon pote. Hein. Il est pas Cédric, il n'est pas classé. Il est où, Cédric, dans le classement? Tu l'as oublié, dit Foul. Donc voilà pour les résultats du foot. Bravo, Jimmy. T'es vraiment meilleur. Mais laisse le micro, toi. Et sinon, qu'est-ce qui a marqué ce week-end footballistique? L'OM. Bon, la victoire de l'OM contre l'OL. Dans l'Olympico, on va appeler ça. Ah, l'Olympico. Non, mais on les a surclassés. Franchement, on les a surclassés. Oh, l'engagement, mais l'OM, ils ont trop bien joué. Ils m'ont régalé hier au stade, franchement. Et là, je pense qu'on est. Tu vois, c'est la ligne droite. Mais non, je suis pas mauvais joueur, pas du tout. Je suis solidaire avec David Beckham. Ouais, non, on me dit, Diffoul, toujours autant mauvais joueur. T'as été nul à chier. Il fait 2, s'il te plaît. Hey, Diffoul, est-ce que tu peux me féliciter? Parce que ça fait 2 semaines. Non, mais c'est Jimmy qui est premier. Bravo, Jimmy. Ferme ta gueule, toi. Bon, sinon, il y a Bordeaux qui est plutôt en forme avec un Gourcuff qui retrouve la pêche. Il a remarqué Gourcuff. Gourcuff a battu Lille 3-1. Mais là, il retrouve la pêche depuis la semaine dernière, déjà. Ouais, depuis le match contre l'OM. Et Auxerre? Auxerre, ils ont gagné à la dernière seconde. Ah, ouais, bah ouais, on a gagné. Vous prenez un but à la 89e et vous repassez devant à la 91e. Fait chier. Ah ouais. Bah, ça va, les mecs, ils ont marqué aussi à la 89e. Ouais, mais ça va être quoi être dégoûté aussi. C'est de la merde. Ouais. Combien on a fait? 2-1. Et on est 3e toujours. Ouais. Donc premier du championnat, c'est toujours Bordeaux. 2e, c'est Montpellier. Montpellier, ouais. 3e. Auxerre. 4e, Lille. Un point de moins. Non, 4e, Marseille. Marseille, 5e, Lille. Ouais, 5e, Lille. 6e, Lyon. Non, 5e, Lyon, 6e, Lille. Non, 6e, Lyon, je crois. Non, 5e, Lyon, 6e, Lille. Bon. Et combien vous êtes le PSG? 12e, au moment. 12e. 12e, c'est ça. Ouais, genre 20 points derrière nous. Ouais, on a perdu. À la ramasse, quoi. Vous avez complètement perdu. À la ramasse. Qu'est-ce que vous avez fait contre Nice, Momo? On a perdu. Non, 1-0 à 5 minutes de la fin, Momo. C'est quoi? C'est les boules. Tu as été, Momo, j'espère. Non, oh, t'aurais dû aller à huis clos. Non, attends, le stade. C'est sans CRS. Oh, mais attends, ouais. Il y avait plus de CRS que s'il y avait des supporters dans le stade. Alors qu'il n'y avait pas de supporters, stade à huis clos. Vous avez voulu leur dire qu'il n'y avait personne. Ah, mais hallucinant, quoi. Et si on va partir de demain, début des quarts de finale de Coupe de France avec Quevilly Boulogne et Auxerre PSG. Magnifique. Et on suivra ça dans l'émission. Vous avez envie de casser le cube? Auxerre PSG demain dans l'émission. Bien rigolé. C'est encore un match à huis clos, Momo. Ouais, non, mais c'est déjà, c'est un match. D'ailleurs, au 5e et Lyon 6e, vous avez raison, c'est ça. Non, j'avais raison. 5e, 6e Lyon. Ouais. Mais ils ont 51 points chacun. Ah, voilà, égalité. Après, c'est, ouais. Plus 21, plus 16 pour Lyon. C'est bon, t'es content, Jimmy? T'étais le vainqueur du loto-foot. Ouais, on va le dire avec Cédric. Ouais, mais il m'a copié dessus. C'est vrai? C'est vrai, j'ai donné mes scores avant. Non, il a donné avant. Mais quel mytho. Oh putain, le PSG, vous avez vraiment une mauvaise gueule. Qu'est-ce qu'il y a, le PSG? 31, non? 37 points et le premier, il en a 56. Ouais, là, bon, c'est une saison merde. C'est dans le double, gros. Vas-y. Et Saint-Etienne, alors aussi. Ah ouais, aïe. Bon, bah voilà, Jimmy, en tout cas. 29, les mecs, sont à la moitié. Tu veux passer une dédicace? Vas-y, vas-y. Je fais une dédicace à Joubi, Sacha le Serbe. Mélissa, la portugaise, qui a fond avec Romano. Wow, Mélissa te soutient du Portugal. C'est peut-être parce qu'il est sorti avec une portugaise, la gothique. Ah ouais. Peut-être. T'as vu, on reparle de la gothique, c'est dingue ça. Ouais, c'est toi là. Moi j'ai rien fait. Bah, c'est pas ma meuf. C'est pas moi. À Pathé, à Yann, à Caroline, à Laurette, à Damien le Bogos, Erwan, Alex Leblon, Romain Penaud des Ronds-Points à Blanzy. Et à tous ceux qui m'ont reconnu. Ah, on reconnaît bien là le bourguignon qui n'arrive plus à s'exprimer au bout d'un moment, c'est normal. Oui, Romano. À toi, oui. Eh bien, merci Jimmy, raccroche pas en tout cas. Hein. Ouais. Et puis, bah, à la prochaine pour un prochain loto-foot. Hein. Ouais. Et je pourrais avoir une photo dédicacée aussi? Ouais, on va t'envoyer ça, tu aimes les risques, on va t'envoyer ta photo dédicacée, on va combler ton désir. Oui. D'accord. Et puis, t'as le jeu au choix. Et c'est au choix. Et le maillot au choix, tu prends ce que tu veux. Ah, les deux. D'accord. Ouais, quand vous venez faire le loto-foot avec nous, vous avez les deux, jeu et maillot, vous n'avez même pas à choisir. Bon, bah, okay. Salut, Jimmy. Merci, salut. Ciao. Ciao. Et prochain loto-foot, ce sera vendredi, c'est bien vendredi? Ouais. Vendredi soir, avant le week-end footballistique. Non, le loto-foot. Ah, jeudi. Non, mais ouais, bon, on s'en fout. Il y a un match. Ouais, c'est gros. Grenoble Lyon, on s'en fout. Bah, on s'en fout pas, non. Ouais, bon, alors on fera le loto-foot peut-être jeudi soir. Ah, là. Voilà, jeudi soir on fera le loto-foot. Et avec dans l'autofoot, il y aura le Bordeaux-Marseille en finale de Coupe de la Ligue. Tiens, je vois que vous nous laissez des conseils pour maigrir. Hein. Quelques petits conseils pour Cédric, Romano et Momo, entre autres dans l'équipe là. Ah, bah écoutez, on va mater ça dans un instant. Puis c'est l'heure de la pesée. La pesée qui arrive, bah justement, dans un instant sur Sky. On vous pèse tous les trois. Ouais. C'est la pesée du lundi, la plus dure de la semaine. Attention. Et puis on trouve Yaz et Florida tout de suite. Yaz et Florida, c'est replay maintenant sur Sky. Ok, c'est Jams sur Skyrock. Hi, this is Rihanna on Skyrock. Jams, Rihanna, les concerts événements Skyrock à choper dans la Skyroulette. Skyrock t'offre 200 places en exclu. 200 places de concert pour voir la nouvelle tournée événement de Jams dans toute la France. Et pour les trois dates exclusives de Rihanna à Lyon, Marseille et Paris. Prochaine Skyroulette et chope tes deux places pour le concert événement Skyrock de ton choix. Diams, Rihanna. Aucun autre média ne t'offre autant de places de concert. Reste à l'écoute, ça tombe à tout moment sur Skyrock. Vous pensiez que les anges étaient toujours du côté du bien. La dernière fois que Dieu a perdu foi en l'homme, il a envoyé le déluge. Cette fois, il a envoyé des anges. Légion, l'armée des anges. Vous voulez dire que c'est l'apocalypse ? Je dis que c'est une extermination. Paul Bettany, Dennis Quaid, Légion, l'armée des anges est en marche et rien ne pourra l'arrêter. Ils sont là. Le 24 mars au cinéma avec Skyrock. Qui pense à toi en secret ? Amis, collègues ou ex ? Envoie qui au 72021 et découvre maintenant qui t'aime en secret. Qui au 72021 ? Une personne que tu croises tous les jours, ton fantasme perso ? Envoie qui ? KI au 72021 pour savoir avec qui aura lieu ta prochaine histoire d'amour. Qui au 72021 ? Ça consentit pas, envoie plus coup de SMS. Skyrock. Ce qui serait sympa, ce serait de partir à Londres, Barcelone, Prague. Bonne nouvelle, Eurolines, c'est 500 destinations au départ de 90 villes en France. Pour profiter d'un vrai week-end ensemble. Eurolines, c'est quand vous voulez, comme vous voulez. En plus, vous avez droit à deux bagages gratuits. Plus d'infos sur eurolines.fr. Écoute, Skyrock. Tous ceux qui répondent Skyrock gagnent 1500 euros. Skyrock. Eh ben Aurélie, tu viens de gagner 1500 euros en direct ce matin. Bah oui, bravo Aurélie. C'est la vérité aussi, j'entends le bip bip. Tiens-toi prêt, la prochaine fois, ce sera peut-être pour toi. Tous les matins à 6h, 6h30, 7h, 7h30, 8h, 8h30, 9h. Si Diffoul t'appelle, réponds Skyrock. Et empoche 1500 euros dès le réveil. On Skyrock. Diffoul. The morning show. Tous les matins, 6h, 9h sur Skyrock. Tous les soirs dès 21h, Diffoul est sur Skyrock. Diffoul est sur Skyrock. You already know, man, this your boy IS. Time is money is in the building. Don't go nowhere, right here on Skyrock. Rap and R&B non-stop. Let's go! Shawty's like a melody in my head that I can't keep from. Got me singing like na-na-na-na every day. Skyrock got me stuck on replay. Over and over, if I'm tipsy or sober, I got lil' mama on rewind. Like the deck in my rover, on my mind, shawty fine. Meditator like yoga, so dime, no deny. Make me wanna console her. Hey baby, be my radio, hear you everywhere I go. Music in my head, know your melody and every note. Girl, you're incredible, make yourself available. Nah, nah, nah, nah, that tune so exceptional. Sexy, like a piano, give me my hands if you're ready. We can make plans, get body stand if you let me. Girl, I'm a fan, chasing my thoughts like catch me. I hear you by singing the recipe. Shawty's like a melody in my head that I can't keep on. Got me singing like na, na, na, na, every day. Let my eyeballs stuck on replay, replay. Shawty's like a melody in my head that I can't keep on. Got me singing like na, na, na, na, every day. Skyrock got me stuck on replay, replay. See you pin all around the globe. Not once did you leave my mind. We talk on the phone from night till the morn. Girl, you really changed my life. Doing things I never do. I'm in the kitchen cooking things she likes. Railroad wife breaking all the rules. Someday I wanna make you my wife. Like something off a poster. Is a dime they say. Is a gun to my holster. And she's running through my mind all day. Shawty's like a melody in my head that I can't keep on. Got me singing like na na na na every day. Like my eyeballs stuck on replay, replay. Shawty's like a melody in my head that I can't keep on. Got me singing like na na na na every day. Skyrock got me stuck on replay, replay. I can be your melody, a girl I can write you a symphony, the one that can fill your fantasies. So come baby girl, let's sing with me. Yeah. I can be your melody, a girl I can write you a symphony, the one that can fill your fantasies. So come baby girl, let's sing with me. Yeah. Na na na na na na na na na na na. Show me got me singing. Na na na na na na na na na na na. Now she got me singing. Shawty's like a melody in my head that I can't keep out. Got me singing like na na na na every day. Like my eyeballs stuck on replay, replay. Shawty's like a melody in my head that I can't keep out. Got me singing like na na na na every day. Skyrock got me stuck on replay, replay. Total respect. Zéro limite. Radio libre. Tous les soirs, 21h, tous les sur Skyrock. Et ouais, tous les soirs, 21h, minuit, Radio Libre sur Sky avec au programme La Pesée. On va terminer l'émission avec La Pesée. Et pas mal de messages pour Benjamin. T'es allé voir sa bande-annonce. Benjamin fait des films. Des... Ouais, mais ça a l'air pas. Quoi, des séries. Dire, j'ai regardé séries, 8 minutes. Images, j'ai pas mis le son. Hein. Tu as mis l'image. Ça a l'air pas mal, quoi. Ah. Ça fait pas trop amateur, quoi. T'as trouvé ça classe. Non mais ouais, c'est plutôt, ça a l'air plutôt bien du fait. Du coup, on a qu'un trépied, un caméscope, et en fait, on a acheté un logiciel pro, et donc avec tout ça, on arrive à faire ça. Non mais même, regardez, là, je vois le message de Wallace du 42 qui dit « Un festival qui récompense des courts-métrages fait avec des portables, et il y a des trucs des malades comme c'est bien fait. » Ah ouais, non mais c'est clair, après, il faut juste avoir le talent. Hein. Donc si, peu importe le matériel. Là, c'est un bon plan, ça, si vous avez envie de devenir acteur. Il y avait eu le film, là, regarde. Déjà, vous éclatez avec des potes, même si personne ne le regarde, c'est au moins un truc rigolo pour vous. Qui coûte pas cher, il y avait eu le plus gros. J'ai Blair Witch, là. J'ai Blair Witch. À l'époque. Blair Witch. Voilà, c'était Blair Witch, vraiment tourné une caméra au point. Et dernièrement, là. Paranormal Activity. Ouais, c'est ça, ouais. Qui a été tourné, qui coûtait pas cher, qui a rapporté très cher. Ah ouais, qui a rapporté bien des sous. Ouais. T'aimerais bien faire un film avec ton iPhone, Romano, comme ça. Non, mais moi, il fait pas caméra, parce que moi, j'ai l'ancien. Ouais. Ah, t'as l'ancien, moi aussi, merde. Ouais, ouais, je peux faire des photos. Tu peux faire des photos, hein. Je peux faire un roman photo. Ah ouais. Voilà, un roman photo. Ah, on nous dit, la bande-annonce est bourrée de fautes, c'est dommage, sinon c'est bien. C'est le message. Ah, il y a des fautes sur la bande-annonce aussi, ouais. J'ai quelques problèmes avec l'orthographe aussi, ouais. Eh ben écoute, ça se voit. Je suis intéressé par ta série, mais je suis dans le 92, Glee 92, qui nous laisse le message. Il y en a plein qui sont intéressés par ta série, en tout cas. Hein. Qu'est-ce que c'est cool, alors. Ça fait super photo, plaisir. Mais pourquoi tu me prends en photo? Je veux pas être dans ton roman photo. Mais toutes les semaines, tu me prends en photo. Bah, parce qu'il est beau. Tu veux que je te prenne? Non, moi ça va aller. Je te prenne, moi je t'ai. Ah, tu prends Cédric? Ah bah ouais, mais la photo est floue. Ça marche pas, ça veut pas prendre. Ça marche pas. Okay, ouais. Bon, bah voilà, Benjamin, en tout cas. Hein. Donc tu me diras si t'as du monde. On rappelle ton adresse, c'est... La boîte de Pandore du 64.com. Voilà, vous allez y faire un tour et vous voyez les petites vidéos de Benjamin. Et si vous passez dans du côté de Pau, eh bien il cherche du monde pour tourner dans tes petites séries. T'as fait combien d'épisodes déjà? Là en fait on a bouclé toute la saison 1 et en fait on commence la saison 2. En fait oui, tu fais comme les experts, ouais, comme Prison Break. Voilà, c'est ça, t'as la saison 1, saison 2, saisons, Dr. Voilà. House. Yeah. Tout à fait. Qu'est-ce que tu dis? Dr. House. Moins impressionnant, hein. Oui, Dr. House. Très bien. The Mentalist des séries TF1, quoi, les meilleurs. Allez. Bon, salut Benjamin, hein. Ciao. Oui, ben merci beaucoup. Et tiens-nous au courant si t'as du monde et si tu fais tourner les auditeurs de Sky, tu nous dis. Hein. Et Guy Beauf nous dit il trouvera tout sur anyfilm.tv. Anyfilm.tv, en fait, c'est un site où tu as toutes les séries d'amateurs du web faites comme ça. Là. D'accord. Toutes les petites séries comme ça. Donc anyfilm, anyfilm.tv. D'amateurs, ouais, ça. Ok. Ok, ben merci, ouais. Et est-ce qu'on peut tourner des séries de cul? Ah, alors une très bonne question, mais bien sûr, tu peux les tourner. Ouais, bien sûr, tu peux. Ouais. Voilà, après, tu les mets. Bah, tu peux les mettre sur YouPorn, des trucs comme ça. Ouais. Très bien, voilà, un petit conseil de Romano. Donc vous allez sur anyfilm. Il y a même deux cures de 937, il est gentil. Je peux te créer un site plus joli si tu veux. Ah. Pour la modique somme de. Non, c'est gratuit. C'est gratuit. Ouais. De Kurde du 93. Bah, c'est gentil, de Kurde. Bah, on peut te mettre en contact avec lui en tout cas là. D'accord, ouais. Bon, bah ça roule, bah merci à vous. Merci pour les messages. Salut, merci. Benjamin. Salut. Ciao. Et bah pour le reste, c'est l'heure de la pesée maintenant. Hein. Mm-hmm. Ah, je voulais remercier ceux qui ont fait un groupe Facebook pour. Alors, pour Patrick. Absolument, oui. Oui, allez. Patrick a un groupe Facebook et vous savez combien il a de fans, Patrick. On peut en avoir 5000 au maximum. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est les amis. Les fans, tu peux en avoir plein, mais en amis, tu peux en avoir que 5000. 5000, c'est bloqué. Ouais. Ah, c'est 5000 amis. Ah oui, 5000. Alors, combien? Bah, j'ai pas 5000. Non, 4565. Ah ouais, ça prend. Ah oui, donc si vous voulez t'amis, faut faire vite. Oui. Ah ouais, parce qu'après, tu peux plus prendre. Les messages sont assez sympas, regardez. Absolument oui, vas-y. Vas-y, faut que je t'encule, il doit bien y avoir, non? Ouais, ce soir ils appellent Patrick, normalement, j'espère qu'il n'y aura pas sa copine. Bonne soirée à tout le monde. Absolument, oui. Vas-y, on l'appellera demain, je pense, Patrick. Voilà, Patrick. Vas-y, je suis en train de me masturber là. Vas-y, réponse à ce message de François Quentin qui dit vas-y, faut que je t'encule. Vas-y, faut que je t'encule là. Elles sont sympas les conversations sur le Facebook de Patrick là, hein, oui. Il faut qu'il t'encule là. Mais oui, Patrick, tu as vu, hein. Voilà, donc je voulais signaler un petit peu sur. Donc c'est Patrick. C'est Patrick. Absolument, oui. Il a son Facebook, Patrick. Ah, putain. Absolument, oui. Ah, puis je vous rappelle que moi j'ai pas de Facebook, donc s'il y a des difoules. Ah non, mais Romano non plus. Des difoules qui traînent, Romano non plus, t'as toujours pas de Facebook. Et moi je vous dis au passage que je peux plus accepter parce que je suis à 5000, donc je peux plus accepter. Donc je vais en faire un deuxième. Marie, elle a 5000 amis. Non, mais je peux plus accepter. Il y en a plein en attente, donc je suis désolée. Et puis je peux pas envoyer à tout le monde, sinon j'y passerai deux jours. Mais bon, bah, merci Marie, quel succès. Je vous le dis au passage, quoi. Marie, c'est un peu le buzz. Et je vous fais un bisou. Elle fait le buzz. Ah, puis un big up, on nous écoute à Alger, là, tiens, on parlait de l'Allemagne tout à l'heure. Expliquez-moi comment on fait pour passer un message direct sur votre radio, je vous écoute à Alger. Ah, bah voilà, comme ça. C'est bon. C'est Kiss Boss d'Alger qui nous laisse un message. Big up. T'as fait la bonne démarche technique. Big up, Kiss Boss. Et à tous ceux qui nous écoutent loin là-bas, comme ça. Hors d'Algérie et ailleurs, hein. Mmh. Bon, alors, c'est l'heure de la pesée. On va donc, passer à ce que vous avez mangé ce week-end. Et à quelques petits, messages. Alors, arrêtez le régime McDo pour Cédric. McDo ou KFC ou Ouais, mais c'est tellement bon des fois. Bah oui, non, mais tu peux en faire un. Ouais, des fois. Quand tu fais un régime, t'as le droit de faire un plaisir par semaine. Mais tu fais pas les trois. Bon, non, tu peux y aller une fois par jour au McDo. Hein. Non. Voilà, c'est chaud quand même, une fois par jour. Ah non, non, c'est chaud. Bah moi, tout dépend de ce que tu bouffes, hein, remarque. Hein. Si tu bouffes. Une fois par jour au McDo, tu peux. Sinon, si vous voulez maigrir, vous mangez de la soupe. Vous mangez de la soupe au chou et un régime à base de chou. Il paraît que c'est un mec qui l'a fait, ça, ouais. Ça existe, ça doit faire chier, ça. Tu bouffes que de la soupe au chou, mais ça te fait péter par contre. La soupe, ouais, mais bah, c'est briqué. Mais Romano, il veut faire le régime dissocié, là. Moi, c'est, non, c'est le régime du canne, moi, que je veux faire. C'est quoi le régime du canne? En fait, le régime du canne, c'est. De la viande. Pendant une semaine, tu bouffes par exemple que du poulet. Midi et soir, quoi. C'est pas équilibré, ça. Moi, je parle à tout le monde. Non, mais tu perds vite, hein. Moi, je connais plein de gens. Ah oui, tu perds vite, tu perds vite, mais c'est vrai que c'est pas équilibré. Et tu fais ça pendant un mois, je crois. Donc, toutes les semaines, tu changes de nourriture, quoi. Mais faut bouffer la même chose. Tu fais viande, et ensuite, la semaine d'après, tu fais que légumes, enfin. Ah non, moi, c'est pas ça. Tu deviens dingue. C'est viande toutes les semaines. Voilà. Mais la même viande toutes les semaines. Ah, c'est pas ça, alors. Bon, et alors, qu'est-ce que vous avez mangé ce week-end? On va commencer par toi, Cédric, puis t'as l'air optimiste. Tu penses avoir maigri. Ouais. Alors ce midi j'ai mangé. On va commencer par aujourd'hui. Non, ce soir. Donc ce soir j'ai mangé de la purée avec la purée. Mais ça t'adore bouffer de la purée. Pommes de terre, carottes avec un steak haché. Et carottes aussi. La purée et les carottes. La purée fraîche. Ouais. Et oui. C'était super bon. Ouais. Ce midi j'ai mangé une petite quiche aux courgettes et au thon. Une quiche aux courgettes. Ouais, c'était pas mauvais ça aussi. Hier j'ai mangé des spaghettis crème fraîche. C'est toi qui l'as fait ça. Poulet oignon. Non c'est non c'est pas moi. Ah c'est pas toi. C'est pas moi. Quelqu'un qui veut te tuer non. Je crois que c'est ça. Dimanche midi, j'ai mangé une salade avec un grand tomate oignon. Non, genre non. Salade, il y avait des olives, il y avait des tomates. Des oignons. Non, mais t'as mangé pour l'instant à peu près normalement. Ouais. Il y avait des pommes chips, tu sais, genre, tu sais, cuites là, machin. Des pommes chips. Et puis, ouais, des pommes chips, d'accord, comme des pommes. Et samedi, qu'est-ce que j'ai bouffé? Samedi, j'ai oublié, putain, merde. Samedi, j'ai bouffé une pizza. Et samedi midi, j'ai mangé un quick. Un quick. Ouais, voilà. Bon. Ah ouais, la journée de samedi, c'était pas trop ça, quoi. Ouais, pas top. Ouais. Bon, on va voir ce que ça donne. Momo. Oui. Qu'est-ce qui t'arrive, Romano? La tête qui vient de. Tu viens d'enlever tes lunettes, tu es très vilain, sans lunettes. T'as enlevé tes lunettes et en plus, tu nous as frippé toute la gueule, là. C'est ouf. Vilain. Ah, qu'est-ce qu'il y a? Avec et sans lunettes, t'es moche. Qui me parle? Ne serait-ce pas le loser du clash de la drague? Alors, Momo. Non, mais je suis parti en cours ce week-end. Alors, samedi, j'ai mangé des faritas. T'as été, comme tous les samedis. Ah, mais c'est ta passion, le faritas. Momo, il est un peu mexicain, je trouve. Ça m'a fait des faritas. Pareil, dimanche, j'en ai mangé encore deux autres. Ah, des faritas. Voilà. Des faritas d'un mètre. Une pizza, deux hamburgers. Sinon, un week-end, je me suis tapé une bouteille de 2 litres de coca aussi. Aujourd'hui, un gratin de chou-fleur. Parti de gratin. Oh là là, Momo. Il va vite falloir que tu sortes du studio. Et des pâtes. Et des pâtes. Oui, mais des pâtes d'anis. Merci Marie. Aussi. Et toi Romano, qu'est-ce que t'as fait à manger ta mère après t'avoir lavé avec son éponge? Non, c'est mon père qui cuisine à la maison. Ton père qui t'a lavé avec une éponge? Non, mon père m'a pas lavé. Ton père est chef cuisinier, heureusement qu'il cuisine. Non, mais il cuisine plus maintenant, il est à retraite. Ouais, enfin, il était chef cuisinier. Alors. Il a mangé des ailes de poulet fermier avec des pommes dauphines. C'est bon ça. Et une salade. Après, plateau de fromage. Vous mangez du poulet, vous n'allez pas grossir avec. Le soir, une côte de bœuf charolaise. Avec en entrée des escargots de Bourgogne, normal. Ça fait grossir, c'est dégueulasse les escargots. Si c'est bon, t'es malade ou quoi? Comment j'ai des limaces? Le problème, c'est que après, tu pues de la gueule avec les escargots. Romano, tiens. Ah ouais, et leur dimanche, le dimanche, on a remangé les escargots de Bourgogne, mais cuisiné d'une autre manière. Waouh! Et hier soir, j'ai mangé des asperges. Parce que là, je suis rentré à Paris hier soir. Ah voilà, t'as. Et là, c'est retour à pas grand-chose. Voilà, ouais. Eh oui. Eh oui, bon, là, j'ai mangé. Non, parce qu'on avait acheté des asperges, elles étaient en train de pourrir. Donc, ah bah, faut les manger, puis c'est bon, les asperges en plus. Elles étaient pas bonnes? Avec un peu de vinaigrette. Franchement, moi, j'ai. Ouais, si. Ouais. Moi, je suis pas fan des asperges. Des asperges blanches mais... ou. Bah, les petites blanches là, ouais. Ah ouais, les blanches, c'est plus doux. Bon, voilà donc pour les repas de ce. Eh ouais, bah, j'ai bu, j'ai vachement. Il a beaucoup bu parce qu'il est complètement alcoolique. Ça, je vous l'avais déjà dit. Non, parce que mon père, c'était pas un délire samedi soir en fait. Ton père il boit, non, c'est pas vrai. De famille. Non, mais il nous a fait goûter, tu sais, des alcools locaux, les la goutte. Oh non. De poire, c'est génial. T'es bourré la gueule, quoi. Bah, faut en profiter. Les trucs à 52 degrés, s'il te plaît. Et alors, t'as bien aimé. Ouais, non, mais. J'ai bourré la gueule avec tes parents. Non, on buvait. Non, c'était une dégustation. Il y a des petits. Moi, j'étais mal à la fin. Bon, faut faire attention à l'alcool parce que ça fait grossir aussi. Ah ouais. Non, ouais, mais là, c'était vraiment les tout petites doses. Hein. Bon, on y va pour la peser alors. Parce que ça décape de l'intérieur, ce truc. Hein. Des shots, quoi. Ah ouais. Bon, alors, on y va pour Cédric. Tu te pèses, Cédric. Allez. On va voir combien tu fais là ce soir. Tu faisais vendredi 81,3. On va voir si ce qu'a mangé Cédric, qui a mangé à peu près équilibré là ce soir. C'est quand même pas mal. Enfin, ce week-end en tout cas. Hein. On va voir ce que ça donne au niveau de ta pesée, Cédric. 83. Oui, 83,1. Ouais. Même précisément. Voilà, donc il a pris 200 grammes. Je vous dis, 83, c'était pas beaucoup. Ouais. Non, bah c'est 83,3 là que tu fais. Ouais. Eh oui, Cédric. 83,3. Bah c'est loupé pour ton pari, Cédric. C'est dingue ça quand même. T'as pas de chance. On passe maintenant à toi, Romano. Non, Momo, pardon. Momo d'abord avant Romano. 124,1. Bah alors ça, c'est pas mal, Momo, parce que t'as quand même pris 1,7 kg. Ah bah j'avais oublié de dire, j'ai une petite chiasse chez mes parents. Histoire de tout régler. Ouais. Très bien, tu fais caca chez tes parents. Ok. Et donc on passe maintenant à Romano, 59,7 que tu faisais. Ce qui est quand même pas mal. Non, à mon avis, on raccourcit. Ah bah 59,7 en dessous des 60. Avec les escargots et tout. Alors combien ? 61. Virgule 4. Eh ben c'est pas mal ça aussi. Toi aussi t'as pris 1,7 kg, Romano. Égalité avec Momo, mais vous êtes ignoble. Non ben ouais, vous êtes ignoble. C'est ce que t'as bouffé. C'est pas vraiment ce que je voulais dire, mais c'est vrai. Mais voilà, vous avez donc. T'as pire que d'habitude. Mais aujourd'hui t'as mangé ou pas? Ouais, aujourd'hui j'ai mangé. L'asperge. Non mais non, c'est hier soir. Ah pardon. Ce soir j'ai mangé une salade piémontaise là. Une salade piémontaise. Ah ouais, mais ça aussi c'est lourd. Ouais, donc des pommes de terre, de la mayo et. Oui, c'est vrai qu'il y a plus. C'est pas très bon. Il y a plus léger. C'est clair. Bon bah voilà, voilà pour un pesé. Allégé. Le gros du jour, les gros du jour, puisqu'ils sont deux ce soir, c'est Romano et Momo. Vous partagez le titre tous les deux. Vous êtes contents? Ah bah on est vachement. Ils sont contents. Eh bien un bip bip pour tous les deux. Bip bip bip bip. À Romano et à Momo pour, pour cette belle pesée. Bon, prochaine pesée, ce sera demain dans l'émission. Demain, en fin d'émission. Comme d'hab. Bon. J'annonce que demain, j'aurai mangé une pizza. Parce que là, j'ai faim. Après l'émission, je bouffe une pizza. Et bah, c'est super ça, Cédric. C'est cool. Je vous l'annonce en avance. Cool, bah, voilà. T'as une vie de ouf. T'as un barge. C'est un peu ouf dans sa tête. Ah, mais carrément. Tu trouves. Ah, putain, mais tu vas bouffer une pizza entière là. Mais ouais. Non, peut-être une demi. Déchaîné, Cédric. Juste avant de dormir en plus. Ah, j'ai trop la dalle. Tu t'en es bien grossir encore en dormant. Quoi. Bon, bah, vivement la pesée de demain alors. Bon, on y va pour la Sky Roulette. C'est parti. On va faire tourner la Sky Roulette qui tourne pour les places de concert. Diams ou Rihanna à choper. C'est parti. Événement Skyrock, iRock. Tous en place de concert. Diams, Rihanna en exclu. Et oui, vos places de concert à gagner. Et c'est Fauzi qu'on a tiré au sort. Fauzi qu'on va retrouver avec nous en direct de Marseille. Hey, Marseille. Allô. Salut Fauzi. Ouais, comment ça va à Marseille, Fauzi? Ça va, tranquille la famille. Tranquille la famille. Bah, sois le bienvenu sur Sky, Fauzi. C'est l'heure de faire tourner ta Sky Roulette. Les places de concert à gagner, on va voir sur quoi tu vas tomber. Ça tourne, en plus tu peux aller voir les deux. Toi, t'as Rihanna qui passe à Marseille, t'as Diams aussi qui passe à Marseille. Stop! Vous êtes gâtés les Marseillais ces temps-ci. Alors. Eh bien, on s'arrête sur les places de concert au choix pour toi, Fauzi. Ouais. Et ben tu prends qui? Tu prends Diams ou Rihanna? Tout à l'heure à la Marie j'avais dit Diams. Eh ben si tu veux. Comme tu veux. Mais... Ben en fait je voudrais Rihanna en fait, si c'est possible. Alors tu changes et tu veux Rihanna. Change de c'est choix. Ça. Eh ben écoute, comme tu veux. Ben c'est au choix. Donc à Marseille, Diams c'est le 21 mai au Doc. Au Dom. Go. Au Dom non? Non c'est au Doc. Ah ben ouais au Doc. Et Rihanna c'est au Dôme. Ouais. Voilà. Rihanna c'est 21 mai. Eh ben c'est pour toi, bravo à toi en tout cas. Ça fait Romano, il est là? Mais bien sûr, je ne le vois pas parce qu'il est tout petit, mais oui, il est là. Oui. Mais il est tout petit. Personne n'a chanté la chanson des conseils passés aujourd'hui. Ah bah tu veux que ça soit ton tour? C'est pas dans le lot de la Skyrock. Vas-y, ça peut te faire plaisir. Allez, vas-y, envoyez la musique. C'est les conseils pas chers. Les conseils pas chers. C'est les conseils. C'est les conseils pas chers. c'est un peu long. Qu'est-ce qu'il y a? C'est la panique. Les conseils pas chers. C'est les con... Attends, merde, on a complètement foiré. Ah bah, ça c'est clair. Non. Conseils pas chers. C'est bon. C'était super. Non, c'était super. Alors là, vraiment, on va pour une fois. Conseils pas chers. Quel chant incroyable. Les prochains conseils pas chers, ce sera demain matin entre 6h et 9h dans le morning, évidemment. Salut, Fawzi, raccroche pas. Attends. Petite dédicace, c'est ça? Non, il y a ma femme qui voudrait dire un truc. Ah, elle veut me parler, j'en étais sûr. Bonsoir. C'est en fait, je voulais dire que j'adorais Cédric, parce que tous les soirs, je vous écoute, et j'entends que vous parlez super mal de lui, Je te remercie, tu vas kiffer le concert, t'inquiète. Eh oui. Merci, super. Eh bien... Je te fais des gros bisous. Waouh. Ben, moi aussi, et bonne soirée à tout le monde. Eh bien, merci à toi, la copine de Fawzi. Salut. Laetitia. Bon, gros bisous. Salut Laetitia, gros bisous. Bisous. Merci, gros bisous. Marseille. Ciao. Et attention. Et votre Cédric au prochain clash. C'est parti. Et c'est parti pour la distribution maintenant. Et top maillot au choix et top jeu au choix. Et oui, jeu et maillot au choix. C'est donc au 01 53 40 30 20. Vous appelez, on décroche en direct. Et vous partez avec votre jeu. Ou alors. Au choix. Au choix. Au choix. Allez, c'est parti. Vous appelez 01 53 40 30 20. Allô. Allô. Ah bah c'est allumé hein. Bon bah moi aussi c'est allumé, logiquement il devrait y avoir quelqu'un, mais il n'y a personne, on va passer au suivant, tant pis. Allô. Allô, oui c'est qui? Allô. Allô, oui, comment tu t'appelles? Oui, c'est Alex. Salut Alex, t'appelles d'où Alex? De Tours. Alex de Tours, bah c'est gagné Alex, qu'est-ce que tu veux qu'on t'envoie ce soir? DJ Hero, le jeu qui a été édité par DJ Mulot. Ouais. Dans DJ Romain. Mulot. Bah non, c'est DJ Hero qu'on t'envoie en tout cas. Et oui, un jeu de DJ. Et bah c'est pour toi, on t'envoie ça Alex, tu raccroches pas. Merci. Salut, et t'habites où au fait, je sais pas demander. À Tours. 37. Ah oui, Tours, excuse-moi. Salut Alex, raccroche pas. Salut. Ciao Alex. Et bah la suite, 01 53 40 30 20, vous appelez, on décroche en direct. Et vous partez avec votre maillot ou votre jeu au choix. Les deux. Oh non. Allô. Allô, du coup. Oui, c'est qui? C'est James de Lyon. Salut James, c'est ça? Ouais. Salut James. Ouais, Lyonnais. Et qu'est-ce que tu veux qu'on t'envoie, James? Un maillot de Lyon. Un maillot de l'OL, c'est bien, tu lâches pas l'OL. Malgré la rouste hier. Samy, allez Lyon. Il y a eu deux, Samy. Ouais, gros, vas-y, j'écoute. La rouste. Ah, la bande, les gars. Non, vous avez. Et alors, face à Benfica, vous avez pris quoi, vous? On a perdu un match. On a déculotté. Ouais. On était concentrés déjà au match d'hier. Et voilà. On a perdu la semaine. Bien sûr. Bon, on va t'envoyer ton maillot, en tout cas. Et dédicace à Cédric. Ah, merci. Ah, c'est bien, tu soutiens, c'est gentil. Et vote Cédric au prochain clash de la drague, t'as raison, mon pote. Et bon, on t'envoie ton maillot, en tout cas, James. Raccroche pas, Lyonnais. Salut, James. Bien, vote pour lui, 9%. Allô. C'est là, mon pote. Allô. Oui, c'est qui? Ouais, c'est Kosso du 5-9. Salut, Kosso du 5-9. Comment ça va, Kosso? Ça va et vous? Eh ben, écoute, ça va bien. Qu'est-ce que tu veux qu'on t'envoie, Kosso? Je sais pas, maillot du Paris, vous avez? Eh ben, maillot, oui, ben, on en a plein. Ouais, maillot de Paris, on va t'envoyer ça. On a du stock. C'est bien, vous soutenez Paris dans le 5-9, ils en ont besoin, ça fait plaisir à Momo, ça. Ah, eh bien, on t'envoie ton maillot, tu raccroches pas à Kosso. Et le dernier ou la dernière pour ce soir, c'est pour qui? Allô. Allô, bonjour. C'est pour le maillot. Eh ben, c'est pour le maillot, tu veux le maillot de qui? Ah ben, je sais pas si River Plate vous avez. River Plate, on a en Argentine. On va pouvoir trouver ça. River Plate en Argentine. Ouais, ils le vendent en France en fait. Eh ben, on va te l'envoyer. C'est quoi ton prénom? C'est Damien. Et Damien Lelançois. Et bien, on t'envoie ça. Alors, ça fait un an, j'essaie de vous avoir, les gars. C'est pas vrai, c'est le grand jour ce soir alors. Ah oui. Allez, un bip bip. Un bip bip pour toi, Damien. Bah écoute, bravo à toi. Continuer, hein. Eh ben merci à toi, puis rappelle quand tu veux, hein. Avant un an. Hein. Ouais, je rappellerai tous les soirs, vous inquiétez pas. Raccroche pas maintenant, ciao. Merci, au revoir. Et puis bonne soirée à vous. On va revenir tout à l'heure à partir de 6h du matin. On sera là entre 6h et 9h avec vous pour le morning. Les conseils pas chers que vous retrouverez demain matin, les 1 500 € à gagner aussi. Et puis tout le reste dès le réveil. Et puis demain soir, dès 21h, on sera là en direct. On appellera Patrick demain alors, hein. Absolument, oui. Absolument, vas-y. Il est toujours en thalasso, Patrick? Ouais, je sais pas. Ah bah on pourra l'avancer. J'espère qu'il sera joignable demain soir, donc on passera un coup de fil à Patrick. Demain soir, les nouveaux bugs également à découvrir. Soyez dans le coin pour découvrir les nouveaux bugs. Et puis, passez une bonne nuit. Profitez, c'est Ébric qui va s'occuper de vous là toute la nuit. Rapper Andy Non-Stop. Et c'est parti avec... Avec Tayo Cruz. Ah, c'est bien ça. Et Ludacris. Ah, écoutez, c'est bien ça, ça se déchire. Break Your Heart. C'est Break Your Heart. Yeah. Bah, c'est pour